On n'a pas beaucoup dormi chacun cette nuit pour diverses raisons, on est bien claqués. Donc voilà, pardonnez-nous si on bafouille et voilà, on déforme certains titres anglais. Bon, ouais. Ça c'est nul, bref. Alors, je comprends. Donc, alors, ça commence bien. Alors, putain, tu sais, j'étais parti, je savais que j'allais dans le mur, mais je continuais, tu sais. Ça continue. J'ai fait une Ayrton Senna. Bon, alors, hop. Ça donc, sera dans les bloopers. Ça sera... Bienvenue dans Broadcast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi magique que féroce. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien, alias Forza Pedro, sur le réseau social où les RT et follow font gagner des lots. Tchuss Julien, alors comment ça va? Bah ça va, ça va. Je sors d'une crève de 4 jours, je crois que c'est un de mes records, enfin crève. Plus qu'une crève, hein, avec fièvre et tout. Donc là, ça va, j'ai retrouvé ma voix. Je vais sûrement renifler un peu et peut-être éternuer ou tousser de temps en temps. Donc je suis désolé d'avance, mais malheureusement, ce sera comme ça. T'as prévu une petite bassine à côté de toi, un petit sac à vomi des... Ah, pour gerber un petit coup, ouais. J'ai ma corbeille de bureau juste à côté. Donc c'est... Peut-être sur certains titres qu'on va aborder dans cette émission, tu vas peut-être avoir un petit vomito. Bah, ça va pas m'aider, ouais, je pense. Bon, et sinon, t'as quand même réussi à jouer un petit peu. T'as joué à quoi dernièrement? En ce moment, je joue à Kirby, là, sur 3DS. Le dernier, là. Ah, il a l'air chouette, celui-là. Robobot, je sais plus quoi, là. Robobobobobobobo. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, il est cool, les musiques sont top. Il est super beau. Il est encore plus beau que le premier. C'était Triple Deluxe, non? C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, ouais. Il était vraiment bien. Donc voilà, c'est ouais, non, rien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je dirais qu'en ce moment, je suis plus sur une appli. C'est pas. C'est plus un. Une petite recommandation. Mitomo. Je suis sur Mitomo. Non, pas du tout. Je suis sur Space Walk 2. Alors, je sais pas si. Alors, c'est pas un jeu. C'est pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie, par exemple. C'est une appli qui répertorie, on va dire, tous les objets célestes du système solaire, en fait. Ah oui. Mais c'est bon, c'est payant, hein, mais c'est un truc de dingue comment c'est bien fait. En fait, ça prend, si tu veux, ta boussole en compte, tu vois, de ton smartphone. Ouais. Au début, il te demande de définir l'horizon, tu sais, avec ton téléphone, et ensuite, quand tu regardes le ciel, quand tu regardes sur ton téléphone et t'essayes de faire l'analogie, tu entreopérant avec des étoiles, avec le ciel, tu peux savoir qui est quoi. D'accord. Tu vois, quelle que soit l'étoile, la constellation, la nébuleuse, etc. Mais pas que, parce que dedans, ils référencient aussi même les satellites. Donc tu peux savoir, par exemple, où est la station ISS ou un truc comme ça. Parce que toutes les données sont en temps réel, en fait. C'est des vraies valeurs. Et toutes les planètes aussi. T'as toutes les infos officielles, entre guillemets, mises à jour constamment, et celles qui ont été cartographiées, je prends par exemple le cas, tu sais, de la Lune ou de Mars, en fait, ils ont projeté la cartographie sur une sphère en 3D, et en plus de ça, tu sais, t'as les données topographiques, je sais pas trop comment ils ont fait, mais tu sens que, tu sais, ils ont des données de latitude, longitude, qui sont convertis en 3D, entre guillemets, où ils plaquent les textures, c'est avec les photos satellites de la NASA et de l'ESA. Ouais. Et en gros, tu peux carrément même zoomer, tu vois, genre sur Mars, voir tous les canyons, enfin, tu peux même voir Curiosity, quoi. Tu vois, voilà, c'est super intéressant. Qui aime ce domaine précisément, comme c'est ton cas, c'est... Donc, je pense que c'est le must. Ouais, je pense que c'est le must. Il n'y a pas... Je pense pas qu'il y a mieux que ça, en fait. Et c'est d'ailleurs, j'ai appris, petite anecdote, j'ai appris qu'il y avait une nébuleuse. que je savais même pas, qui s'appelait la nébuleuse de Pac-Man. Ah ouais. Il y a une nébuleuse qui a le nom d'un personnage de jeu vidéo. Ah, c'est excellent ça. Ouais, je crois que je ne savais pas non plus, tiens. Non, parce qu'en fait, t'as l'impression que ça fait comme une forme de gros Pac-Man, tu vois, un peu en relief avec la bouche ouverte en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Bref. Donc à recommander fortement pour ceux qui sont intéressés par ouais, ce qui kiffe tu vois l'astrologie ce type de domaine. L'astronomie pardon, l'astrologie. Alors l'application madame Irma. Alors pour les Sagittaires. Alors les Poissons ouais. Du premier décan. Attention à la gastro-entérite. Donc bref, bah, ça fait chien. Bah merci pour cet instant en science et vie. Ça coûte 2 euros et quelques, par contre. 2 euros et quelques, voilà. Bah écoute, merci pour le conseil. Je pense que ça intéressera forcément quelques-uns. moi, vite fait, je vais embrouiller sur ce que j'ai joué. Donc moi, en ce moment, je joue énormément à Dragon Quest Heroes. Donc, qui n'est pas effectivement de première fraîcheur, mais que j'avais repéré depuis longtemps et j'attendais le moment opportun pour pouvoir me le procurer. Tuerie, grosse tuerie. Et, bah moi, écoute, je suis vraiment, vraiment hyper, hyper fan. Puisque c'est vrai que là on a fêté il n'y a pas très longtemps les 30 ans de Dragon Quest et j'ai vraiment pas le temps de me remettre dans un Dragon Quest classique mais j'avais envie de baigner dans cet univers. Ça je me suis rappelé, mais tiens c'est vrai, Dragon Quest Heroes, j'avais prévu de me l'acheter et donc j'ai récupéré une édition Day One avec des codes que j'ai même pas encore téléchargé d'ailleurs, alors que je dois pas être loin de la fin du jeu. Donc une belle édition, pas chère du tout sur Amazon, je crois qu'elle m'est revenue à moins de 30 euros. Ouais, voilà. Écoute, je sais qu'il est long, hein. Plusieurs fois, j'ai cru que j'étais à la fin du jeu. Ah, alors en fait, c'est pas alors le cas, peut-être, hein. Peut-être que j'y suis pas, ouais. Mais en tout cas, bah tant mieux parce que j'adore. Rapidement, le côté un petit peu répétitif du genre Musso. Moi, ça me gêne pas du tout parce que ah non, quand mais là, c'est tu le sens pas, je trouve. Quand c'est bien fait, ouais. Moi, j'ai vraiment pas l'impression de m'ennuyer une seule seconde. Voilà, les petites, la petite couche d'RPG très light, certes, mais qu'ils ont ajouté par-dessus, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est pas gadget du tout, c'est-à-dire que je suis vraiment motivé à monter les compétences de mes persos, de les bichonner, etc. Bah en fait, tu sais que c'est pas si... Enfin, c'est pas si léger que ça, comme couche, parce que, en fait, pour faire le jeu complet, on va dire, la trame principale, effectivement, bon, tu montes un peu comme ça quand t'as des points... Tu vois, sans faire les quêtes annexes avec les équipements légendaires, etc. Tu peux terminer le jeu, tu vois. Le boss de fin sera peut-être un tout petit peu chaud, mais franchement, bon, faut vraiment... Je fais beaucoup les quêtes annexes, hein. Je suis à fond vraiment dans... Ah, bah alors par contre, si tu les fais toutes, moi je les ai toutes faites. Je fais les quêtes annexes, je booste vraiment tactiquement mes personnages, c'est-à-dire... Voilà, t'es obligé de booster tes persos, sinon c'est mort. Ah c'est oui, impossible. Voilà, selon comment je les utilise... selon mon process en fait de jeu, j'augmente j'acquiers les compétences dont j'ai besoin. Je la joue vraiment très tactique et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps l'autre verre de la médaille, c'est qu'il est très, c'est un genre qui est très bourrin aussi. Et il est bourrin quoi. Donc c'est très, c'est très jouissif, il est très beau. Quand on aime Dragon Quest, c'est vraiment au niveau musical une compilation vraiment, mais moi quand j'ai entendu certains de mes thèmes de combat préférés en plein champ de bataille, mais c'est galvanisant. Mais à mort. Ah, ceux du 3, j'imagine. Ouais. Mais de toute façon, en fait, techniquement, il n'y en a pas une que j'aime pas, en fait. Mais j'ai mes petites préférées. Et c'est vrai que quand je les réécoute, enfin, vraiment, c'est absolument génial. Bien sûr, le thème de carte du 3 qui est dans le vaisseau, c'est un super choix parce que pour moi, c'est mon thème de map préféré dans les Dragon Quest. Donc, enfin, bref, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment. Hyper bon, je vois pas passer les heures dessus, je m'éclate, je suis à fond. Le casting, bien sûr, est génial parce que donc ça brasse plusieurs épisodes, donc fatalement, on peut que trouver des personnages qu'on aime bien. Voilà, en tout cas, moi, globalement, vraiment, c'est une excellente surprise. Quoi. Ah ouais, mais vraiment à fond, je suis à fond dans le jeu. Donc c'est excellent. Et du coup, bah, on va quand même passer au sujet. Au sujet, je vais juste rappeler le principe pour ceux qui nous découvrent dans cet épisode 2, qui est en fait le troisième. Voilà, de Brocast, hein, c'est que donc on vous invite à prendre part, enfin en tout cas à écouter notre discussion à Julien et moi, comme si vous étiez dans un bar ou chez vous à discuter avec des potes de jeux vidéo. Voilà, une discussion. Sans déroulement gravé dans la roche. Et pour cet épisode, alors on a choisi un thème qui nous tenait à cœur, à savoir les jeux que tout le monde adore, sauf nous. Alors, j'ai sous les yeux une liste de 20 titres qu'on déjà a envie de rire. qu'on a fait avec Julien. Alors c'est des titres qu'on porte pas du tout dans notre cœur, et ce pour diverses raisons. Sachant que, je le précise quand même, la plupart de ces jeux, et ça je pense que voilà, tu seras à peu près d'accord, Julien, c'est qu'ils sont souvent bons, voire excellents. Mais voilà, ça a pas matché. Oui, ils ont eu bonne presse. Voilà, oui, ils ont eu une bonne presse. Voilà, c'est voilà. Des fois il y en a des bons, des fois il y en a peut-être certains, on verra, qu'on trouve peut-être mauvais, mais qui ouais, qui jouissent d'une aura quand même particulière. Mais globalement, c'est quand même voilà, c'est quand même du lourd. Mais nous, ça matche pas quoi. Ça l'a pas fait. On vous expliquera pour ça. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et sur Facebook et Twitter, etc. pour livrer aussi à votre tour des titres peut-être qui vous ont déplu alors qu'ils sont quasi unanimement voilà respectés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre le chou. On a fait une liste avec Julien d'une vingtaine de titres. On va les picorer un petit peu comme ça, au débeauté, au hasard. Et voilà, sachant que sur certains titres, il me semble, Julien, qu'on n'est pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rejoint sur certains et pas sur d'autres. Donc ça va être. Je sais que toi, il y a des jeux que t'as pas aimé et que moi que j'ai aimé. À mon avis, ils seront dans la liste parce que je l'ai plus en tête la liste. Et vice versa, peut-être vice versa aussi. Donc. Oui, donc ça va être intéressant. Alors j'ai ma belle liste sous les yeux. Alors avec quoi on va commencer, tiens. Tiens, on va commencer avec Donkey Kong Country. Ah bah là, ça frappe fort. Alors attention. Alors ceux qui me connaissent, j'ai une chaîne YouTube où j'ai une rubrique qui s'appelle C'est un bon jeu mais, où je démonte un petit peu les jeux qui sont voilà en général hyper respectés autant par la presse que par les joueurs. Et c'est vrai que Donkey Kong Country. J'avais fait une vidéo dessus, puisque, alors, attention, c'est mon avis. Alors, c'est pas du troll, hein, c'est vraiment nos avis sincères, hein, ça, je tiens à le préciser. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, on passe à autre chose. Pour moi, Donkey Kong Country, c'est une arnaque. Bah, c'est mon avis, hein. Voilà. Ah, pour de vrai, c'est pas une vanne? Ah non, pour moi, c'est une arnaque, Donkey Kong Country. Ah, d'accord, ok. Mais je dis pas que c'est de la merde, attention. Ouais. Pour moi, c'est une arnaque. Je vais commencer, je te laisserai contre. Parce que c'est de la merde, tout simplement. Non. Petite référence à l'épisode 0, allez l'écouter. Donkey Kong Country, en fait, je trouve que, donc, on le rappelle, c'est arrivé en fin de vie de la Super Nintendo, et ça avait pour but voilà, de montrer un petit peu les biscottos de Nintendo et de sa Super Nintendo, alors que les 32 bits arrivaient. Et pour dire un petit peu, attendez les gars, il y a la N64 qui va, enfin l'Ultra 64 qui va arriver après. Voilà. Projet Reality. Voilà, allez pas vous faire chier à acheter une 32 bits, alors que nous on a un rendu Silicon Graphics, etc. Bon, je vais pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Ouais. Pour moi, c'est un jeu qui a été clairement surnoté parce que, alors moi je suis pas fan de ce rendu-là, mais je peux comprendre qu'à l'époque. Ça a mis une claque. Moi, personnellement, à l'époque, visuellement, ça m'a pas mis une si grosse claque que ça, voilà. Parce que ouais. C'est pas mon style de rendu visuel. Je trouve même un peu cracra sur les bords. Mais ce n'est que mon avis. Mais voilà, on se met dans le contexte de l'époque. C'est vrai que visuellement, techniquement, en tout cas, là, je parle pas de design, mais technique pure, ça met une baffe. C'est clair. C'est très très beau. Pour moi, la seule chose que je ne conteste pas dans ce jeu, c'est sa bande son qui est extraordinaire. Ouais. La bande son est fabuleuse, et notamment, comme tout le monde, le thème de l'eau, voilà, qui est renversant de beauté. Ça, y a aucun souci là-dessus. Par contre, pour moi, le LD, donc le level design, est d'un classique, mais vraiment, t'as tout vu dans le premier monde. Pour moi, le jeu ne fait que se répéter tout le temps, avec des variations. C'est un jeu que je trouve chiant à jouer, et je trouve d'une platitude en termes de level design. Pour moi, c'est un jeu qui n'a aucune créativité, en termes de LD, quoi. C'est du classique de chez classique. Je veux dire, le LD, il est très simple. Ouais. Mais même chez, pour rester sur Super Nintendo, même pour prendre un jeu de plateforme très classique, tu prends le Magical Quest de Capcom. Il est pas si classique que ça. Oui, mais par rapport à d'autres jeux qu'on a eu sur machine, si tu compares, je sais pas, par exemple, bon, on va pas comparer au Mario parce que là c'est hors concours, mais si tu compares au Tiny Toons de Konami, etc., ou à plein d'autres jeux de plateforme qu'on marquait sur Super Nintendo. Oui, il est pas au niveau. Magical Quest, il est un peu plus pépère dans son déroulement. Ouais. Mais moi j'adore, hein, attention, hein, j'adore ouais, Magical Quest. Ouais, mais tu sais, t'as les fringues et tout, enfin. Il y a un peu plus dans la situation. Il y a ce qu'on appelle un level design évolutif. En fait, c'est voilà. plus t'avances dans le jeu, plus la complexité augmente et le LD devient plus complexe entre guillemets. C'est vrai que bon, rapidos là sur Magical Quest, c'est vraiment à partir du deuxième niveau. Donc la forêt là, quand tu commences à être un magicien, c'est à partir de ce moment-là que le LD il commence à être plus brillant et se complexifier. Alors à part le niveau de glace qui lui est moi, je l'adore, ce niveau, qui est un petit peu bâclé, ben, je trouve qu'il c'est vraiment la ligne droite. Mais c'est vrai que Magical Quest, même si pour moi il ne vaut pas les Mika sur Mega Drive, il est quand même très très bon. Ah il, oui, voilà. Enfin voilà, moi je suis très fan de Magical Quest. Là, Donkey Kong à côté, c'est des rails quoi. Enfin pour moi, c'est. Tu te mets sur ton wagon, d'ailleurs il y a des phases de wagon dans le jeu, ouais. Tu fonces et c'est toujours pareil. Et pour moi, voilà, quand t'as fait quelques niveaux, tu les as tous faits. Et je trouve que c'est un jeu qui est très surestimé au niveau de son contenu quoi. Voilà, bon, alors, donc j'arrêterai là. Pour contre-attaquer, je dirais que, alors déjà, je suis d'accord avec toi. Le jeu est quand même bourré de défauts. Il est pas, il est très loin d'être parfait. Et je pense que tu seras d'accord avec moi aussi. Mais pour moi, c'est un des jeux de plateforme avec les boss les plus pourris qu'on ait pu voir dans un jeu de plateforme. C'est-à-dire qu'ils sont tous nuls, moches, pas du tout inspirés et ultra linéaires. Il se passe rien quoi. Il y a que l'animation boss. Quand t'as gagné qui est rigolote, c'est tout. Ouais, et on fait encore vite fait. Par contre, moi, je serais pas aussi sévère. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, moi, graphiquement, je l'ai trouvé très beau à l'époque, même si c'est pas ma cam, cet effet 3D. Moi, ça a marché quand même sur moi à l'époque. Ouais. Moi, ce qui me dérangeait plus, c'était le design des monstres que je trouvais pas beau, mais les personnages, je les trouvais super. Donc, Donkey et Diddy Kong là. Ok. J'aimais bien le fait de pouvoir avoir des montures. Les enfin, j'ai un rototo, désolé. En fait, ouais. Ce que j'aimais bien, c'est aussi le fait de devoir collectionner des objets, tu sais, dans les niveaux, qu'il y avait beaucoup quand même. Tu dis que les niveaux, enfin, que c'est très linéaire, etc. Mais il y a, c'est quand même bourré de passages secrets, en fait. Tu sais, quand tu ramasses un tonneau, tu le gardes avec toi. Il y a des murs, tu te fais péter dessus, tu sais, ça te fait des trous. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, la magie a opéré. C'est surtout, pour moi, un jeu d'ambiance. J'ai retrouvé un peu l'ambiance que j'avais dans certains jeux de plateforme, tu sais, enfantin, mais enfantin slash dark que tu avais, tu sais, sur les micros. Genre sur Amiga, j'ai retrouvé un peu, tu sais, des ambiances genre Nicky Boom, tu vois. Je sais pas si tu te souviens. Oui. De ces jeux-là, c'est-à-dire que, tu sais, des musiques mystérieuses. C'est mystérieux, tu vois. C'est pas un jeu de plateforme juste mignon. C'est un jeu de plateforme mignon, effectivement, mais tu sais, t'as des niveaux dark. C'est genre, t'as des niveaux avec des villes dans les arbres à la Star Wars, et Dieu sait, voilà, que Star Wars, j'ai toujours été fou de ça. Et t'as des niveaux moches aussi dans les usines, tout ça, qui sont un peu plus cracra, et là, pour le coup, je trouve que ça marche moins bien aussi en termes de visuel. Ça marche moins bien, mais pour le coup, je sais pas, j'ai quand même aimé, c'est ce côté, plus mature, en fait, mais plus mature, un peu mystérieux, voilà. En fait, je trouve que Donkey Kong, il y a une aura mystérieuse, tu vois, dans l'univers. En tout cas, moi, ça a beaucoup marché. Alors, en plus, la bande-son derrière, la bande-son est géniale. Qui joue vachement sur le mystère aussi. En fait, tout ça, ça a fait que j'avais l'impression de jouer à un jeu franco-allemand, tu sais, japono-allemand, pardon. Japono-allemand, tu vois, le côté japonais pour le gameplay, etc. Puis... Nippon-germanique. Ouais, Nippon-germanique, c'est ça. Et le côté un peu, les vieux jeux micro d'époque où c'était vachement mystérieux. Ouais, c'était marrant, j'ai pas ressenti ça du tout. Moi, voilà, bizarre. Bon, bah, moi j'ai senti comme ça et du coup, c'est vrai que bon, ça a beaucoup marché sur moi. Par contre, pour le défendre sur son level design qui est assez, on va dire binaire, faut pas oublier que tu pouvais jouer à deux. Et en fait, à deux, je trouve que le level design a vachement plus de sens. Et en solo, effectivement, le level design, si, il paraît vachement... il est très horizontal, tu vois. Ouais, mais ça n'excuse pas tout quand même. Parce que ça n'excuse pas tout. Quand tu regardes... Mais quand j'y jouais à deux, genre avec Raphaël, et ben en fait, nous, on l'a pas du tout ressenti, ça. Tu vois quand tu regardes, par exemple, World of Illusion sur Mega Drive qui se joue à deux, le level design, il est super chouette en un joueur, il est super chouette à deux joueurs aussi. Ouais, mais World of Illusion, tu peux rien faire à part sauter et donner des coups de drap, quoi. Enfin, attention, oui, mais... c'est un de mes jeux préférés, mais le gameplay, il est d'une pauvreté absolue, ouais, quoi. Donc, mais, quoi, ouais, il est beaucoup plus riche. Hein. Tu parles du level design de World of Illusion, mais putain, le niveau d'eau, le niveau dans les canyons qui est chiant à crever. Pourtant, je suis pas d'accord du beau, tout. Hein. Et pourtant, attention, hein. Alors attention, je précise que c'est un de mes jeux préférés, hein, pourtant. Mais il y a des niveaux qui sont chiants à crever. Dedans. Parce qu'ils sont longs en plus, t'as des niveaux qui sont chiants et longs, genre le niveau d'Alice au Pays des Merveilles, mais au secours, hein, au secours ce niveau quoi. Alors c'est peut-être le seul que je te concéderais, mais sur là je suis pas d'accord, surtout que le parcours était différent selon que tu joues à deux. Ça par contre c'est énorme. Ou en solo avec Donald ou Mickey. Ouais, bah, en fait il y a trois parcours même. Moi je suis vraiment désolé, c'est que bah, après ce n'est que mon avis, hein. Mais même les quelques passages un peu chiants de World of Illusion, pour moi j'en vois pas beaucoup, mais. Parce que le monde d'Alice au Pays des Merveilles, c'est surtout la musique qui était un petit peu, voilà, et les ennemis qui étaient un peu chiants, mais... Donc en tout cas... Je trouve que c'est tellement plus haut que Donkey Kong, mais bon, après, c'est mon avis. Donkey Kong, bon, en tout cas, ça a pris. Par contre, le 2 et le 3, ça n'a pas pris du tout. Je les ai à peine joués, je les ai à peine terminés. Enfin, c'était trop, quoi. Le 2 et le 3, c'était les mêmes erreurs que le 1, et sauf que tu retires l'ambiance. Qui, pour moi, c'est... Le premier Donkey Kong, ce qui a fait que je l'ai vraiment kiffé à mort, c'est l'ambiance, c'est son ambiance, tu vois. Et dans le 2 et le 3, j'ai perdu ça. Bah, petite anecdote, tu t'en souviens peut-être pas, mais à l'époque, on avait été acheté Donkey Kong Country 2. Je sais pas si tu te souviens. Si, ça me dit quelque chose. Donc, on avait été un Score Games, donc on était adolescents. Hein. Attends, on l'a pas revendu le jour même ou un truc comme ça? Alors si, c'est qu'en fait, on avait revendu plein de jeux pour l'acheter. Et on l'a ramené le lendemain matin. Parce que vraiment, ça ne nous a pas plu. Pas plu du tout. Et je me rappellerai toujours du mec de... Alors, ça devait être un Score Game à Jussieu, je crois. Ouais. Le mec, il nous a regardé avec des yeux. Il dit, mais... Et genre, il l'a soulevé comme un trophée en disant à ses potes vendeurs, oh, regardez ce qu'on m'a ramené. Parce que le jeu venait de sortir, tout le monde se l'arrachait. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, moi, c'était. Et puis le 3, je l'ai jamais lancé. Voilà. Donc ouais, et donc Donkey Kong 64 par la suite que j'ai pas aimé aussi. Jamais joué. J'ai jamais envie de le faire. Donc. Voilà. C'est un sous Banjo-Kazooie pour moi qui multiplie la collecte d'objets à outrance et ça en devient bien chiant. Ah ouais, non, c'est trop. Voilà. Donc on va avancer dans la liste, mais c'est bien. On n'est pas d'accord, donc ça c'est cool. Ouais. Même si c'est moi qui ai raison. Mais... Non mais bon, c'est bien confronté, voilà, notre avis, je garde ceux, vraiment, on va se faire insulter un peu pour la fin, même si on a commencé fort comme Country. Moi, il y a un jeu où là, par contre, à contrario de Donkey Kong Country, je reconnais tout à fait ses très très grandes qualités, mais après avoir essayé de le recommencer 25 000 fois, en me faisant toujours autant chier au bout de quelques secondes, et pourtant c'est un jeu que j'ai envie d'aimer, qui est sorti à une époque où j'idolâtrais cet éditeur vraiment mais d'une force cataclysmique, c'est Chrono Cross sur PlayStation One, donc qui est la suite avec des guillemets, mais oui, c'est quand même la suite de Chrono Trigger. Chrono Trigger et de Radical Dreamers. Ouais, bon, pour moi ça n'existe pas ce truc-là, personne n'y a joué. Ouais, mais officiellement, il est comptabilisé. Ouais, surtout, qu'il le sorte sur console ou un truc comme ça, et là je le comptabiliserai. T'as vachement le lien avec Chrono Cross. Ouais, bref, Chrono Cross, un RPG donc de Squaresoft qui est magnifiquement beau, qui a des graphismes qui pour moi, et notamment pendant les combats, qui éclatent même les derniers FF sur PlayStation. Ah oui, bah de loin. Une bande-son absolument fantastique qui, pour moi, éclate les FF8 et 9, mais alors dans les grandes largeurs. Sauf la musique des combats, qui est une des pires jamais entendues dans un RPG. Et alors, c'est ça qui est terrible, voilà. C'est ça qui est terrible. Assez incroyable. Mes musiques de boss absolument inoubliables. Incroyable, ouais. Incroyable même. Et du coup, super personnage, univers absolument fantastique. Des personnages à foison, donc un système de combat un petit peu particulier qu'il faut appréhender, il faut quand même quelques longues minutes pour un peu comprendre. Et voilà, donc c'est un jeu qui sur papier avait tout pour me plaire, surtout qu'à cette époque Squaresoft n'avait pas encore déçu comme aujourd'hui, comme ces dernières années, et j'y arrive pas. Je passer la scène, oui, rappelons que c'est quand même une des plus belles scènes d'intro aussi. Ah ouais. Une scène d'intro absolument exceptionnelle. Passer la scène d'intro qui est vraiment, et puis les premières minutes de jeu qui sont très prenantes, au bout d'une heure ou deux, c'est plus fort que moi, je m'emmerde. J'y arrive pas. En fait, tu t'arrêtes avant d'arriver dans le passé ou... Ah non, quand même. Plusieurs fois, j'ai poussé plus loin quand même. Non. D'accord, ok. Non, je saurais plus dire parce que mon dernier essai remonte quand même à pas mal d'années. Mais si tu veux, j'ai déjà débloqué quelques persos, visiter X village, X contrée, fait X boss. T'es jusqu'à Yamaneko ou pas? Lors de ma première save, il me semble que j'étais pas loin, ouais. Parce que là, il me semble avoir déclenché la cinématique. Mais lors de mes essais suivants, j'ai pas été aussi loin, en fait. Donc, d'accord. Voilà. Bon, voilà. J'y arrive pas avec Chrono Cross. Bon alors, Je vais être franc, je ne l'ai jamais terminé, moi. Ouais. C'est marrant parce que, du coup, on va croire que j'ai pas de chance, mais c'est vrai. Encore une histoire de sauvegarde. Ouais. Ah, en fait, j'ai arrêté d'y jouer à peu près 30 heures de jeu. 25-30 heures de jeu encore, hein, entre les deux, quoi. En fait, pour être franc, j'y jouais sur émulateur. Le jeu était traduit en français. Hein. C'est par des... par des fans, quoi. Ouais. En fait, je l'avais fait sur émulateur avec EPSX, je sais plus quoi. Et j'ai joué longtemps, jusqu'à ce que pour X raisons, j'avais pas sauvegardé, tu sais, genre, comme en vrai, dans le jeu, j'avais fait une save state. Je faisais que des save state comme un gros connard. Ça peut être le piège. Ça m'est déjà arrivé de perdre des saves comme ça. Et en plus, comme un gros connard x2 et reconnard derrière, je faisais même pas save state 1, 2, tu sais, je gardais aucun backup, j'écrasais toujours, c'est l'existante. Ouais. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je sais pas, il y a eu un bug sur la save state et elle était corrompue et j'ai perdu ma save. Et là, c'était mort. Enfin, ça faisait trop longtemps que je jouais. Je fais, c'est bon, c'est mort. Hein. Je le referai plus tard. Alors, moi, c'est incroyable parce que je me retrouve dans ce que tu dis. J'ai eu énormément de mal à le faire, à commencer à y jouer. Mais vraiment, vraiment, vraiment, énormément de mal. Moi, j'irais même plus loin, j'ai insisté pendant 5-6 heures de jeu, moi. Franchement. D'accord. 5-6 heures de jeu pour un RPG avec des combats au tour par tour, etc. Et t'accroches pas, c'est beaucoup. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Sur l'échelle d'un RPG, c'est peu, mais c'est vrai que tu trouves le temps long, quoi. Sur l'échelle d'un divertissement, c'est long. Hein. Ouais, c'est une série, quand t'as 3 épisodes qui te cassent les couilles, c'est en bon. Général, tu reviens pas, ouais. Tu reviens pas. Là, j'ai insisté parce que j'adore les musiques, j'adore l'univers, j'adore la carte qui en vue dessus. Enfin, voilà, il y a une ambiance. J'adore Nobuteru Yuki, tu sais, le chara-designer. Les musiques de Mitsuda, je les trouve fabuleuses. Et puis l'histoire, il y a ce que j'avais dans Chrono. Tu sais, t'as ce mystère, ce côté épique, tu vois. Genre le héros qui devant sa propre tombe, tu vois. Oui, ça marche toujours comme genre d'effet. C'est vrai voilà, que ça marche toujours bien. Il y a un côté shonen, tu vois, et j'adore. Et en fait, au bout d'un moment, je sais plus pour quelle raison, mais il se passe un truc dans le scénar. Quand t'as le héros, t'as Kid avec toi, il y a Arl, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui fait référence un peu à Marl, d'ailleurs, je trouve c'est cool. Mm-hmm. C'est la meuf qui fait un peu Harlequin, là. Qui est genre un peu comme elle s'appelle Queen machin ou machin comme Harley Quinn. Comme Harley voilà. Quinn ouais oui dans bah, Batman ouais, c'est t'as ce perso qui apparaît ouais t'as ce perso qui apparaît et le scénario il commence vraiment à s'envoler à ce moment là tu crois que le héros il est mort mais en fait non il est pas mort et puis au bout d'un moment c'est bon t'as Yamaneko qui apparaît qui est un des meilleurs personnages de toute l'histoire d'RPG pour moi en termes de classe. C'est vraiment Magus, tu sais, du premier, de Chrono Trigger. Mmh. C'est une sorte de Magus, mais en version loup, tu vois, en version chat, c'est lion. C'est plus un lion, non ? Enfin, moi, je trouve qu'il y a plus ouais, une tête de voilà, lion. Ouais, voilà, chat lion, quoi. Et lui, tu sais pas qui c'est, tu vois. Enfin, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, l'histoire, elle explose à un moment donné. Il y a vraiment un moment dans le jeu où t'as tout qui éclate. Et selon ce que tu fais, t'as des trucs qui changent. T'as pas les mêmes persos. Puis t'as Glenn de... C'est de ah, j'avais Frog. Oublié ça. En fait, t'as Frog. Revient, quoi, ah, j'avais oublié ouais, de ça. Chrono Trigger, mais tu l'as en humain, tu vois. Et puis lui, il arrive, et puis tu sais, au bout d'un moment, tu peux faire l'équipe que tu veux, etc. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment donné du fil à retordre pour rentrer dedans, moi, c'est surtout le système de combat, en fait. À base de... Moi, je dis que c'est des autocollants, en fait. Je sais pas si tu te souviens, tu gagnes des sortes de bannières. En fait, tu sais, quand tu combats... Ouais, c'est bizarre. Ouais, avec écrit c'est des trucs, tu sais, t'as des codes couleurs et tout. Et moi, j'appelle ça des autocollants, en fait. Je sais, quand tu tues des ennemis en fin de combat, tu gagnes des autocollants, tu vois. Et puis tu les colles sur tes persos. Il y a des stickers. Voilà, c'est des stickers. Moi, j'imagine comme ça, tu les colles sur les gueules de tes persos. Et si tu colles potion, bah, il pourra faire potion, tu vois. Je me souviens plus exactement. Ça fait très longtemps que j'y ai joué, donc... Mais au début, il est vraiment dur à appréhender. Enfin, ouais, moi, j'ai souvenir voilà. Que c'était pas évident. C'est très, très dur. Et moi, c'est ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. C'est ce système-là et le système d'équaliseur. Tu sais, où t'attaques et puis... En fait, il s'est inspiré de Xenogears. T'as des points d'action et tes actions demandent des points d'action. Tu peux pas constamment attaquer, tu vois, en boucle. Soit tu fais un coup fort ou un coup moyen, etc. Plus ton coup est fort, oui, voilà, plus tu peux faire un miss. T'as un compteur de points et puis selon si tu fais coup fort ou faible ou moyen, ça voilà. Décompte. Voilà, je me souviens de ça. Et en fait, ils se sont inspirés de Xenogears pour ça, sauf que c'est raté, franchement. En fait, le RPG parfait, Chrono Cross aurait été parfait s'il y avait les combats de Xenogears, qui est un des meilleurs systèmes de combat de tous les temps, dedans, en fait. T'aurais pris Chrono Cross avec les combats de Xenogears, putain, mais ça aurait été un truc de ouf, quoi. Et malheureusement, moi, c'est ça qui a fait que je le mets pas au Panthéon, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, on est loin de Chrono Trigger, quand même, malgré toutes ses qualités. Pour moi, on est loin d'FF7, on est loin de Saga Frontier, de Parasite Eve. On est loin de ces jeux-là à cause de ça. Et il aurait eu des combats à la Xeno. Eh ben, il aurait été avec FF7, Xeno, Parasite Eve. Moi, il aurait été ces genres dans les jeux qui m'auront vraiment marqué sur PS1. Et pas forcément sur PS1, même dans les RPG en général, tu vois. Mais c'est ces combats, putain, ils sont chiants. Franchement, je les trouve chiants, les combats. En plus, ils sont lents. Tu sais, ils sont pas rapides, quoi. C'est... Ah, c'est dommage, lent. Ça. Des fois, tu sens que la PS1 est... VAC, quand t'avances dans le jeu, les monstres sont plus gros, il y en a un peu plus. Donc tu sens que... Moi, ce qui m'a étonné... Elle a du mal, enfin bon. Pour terminer sur Chrono Cross, bah, techniquement, ouais. Ce qui m'avait étonné, comme à l'époque, c'est... Alors, je sais plus s'il était en phase au niveau de l'époque avec FF8 ou 9. Je pense qu'il est peut-être... Enfin, je sais plus. Mais en il est sorti cas... avant FF9, j'en mets ma main à couper. D'accord. Donc quand tu regardais FF8 et FF9, sur FF7, c'est excusable, il gardait toujours le... moi, ce qui m'avait toujours un petit peu étonné comme choix, c'est que t'as l'arène 3D avec les personnages 3D, et dans les FF sur PlayStation, tout le décor, même de fond, était en 3D, quoi. Ce qui fait que t'avais quelque chose d'assez hyper pixelisé. Bah oui, parce que c'était une texture, c'était pas un background, quoi. Voilà. Et donc, si je dis pas de bêtises. Alors que pourtant, même dans Wild Arms, ils font ça. Hein. Voilà. Ouais, et voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, dans Chrono Cross. T'as un fond, un JPEG, tu vois, je sais pas, un décor, quoi. Et même les modèles 3D, par contre, semblaient. Alors à l'époque, la haute résolution, ça n'existait pas, enfin, on n'avait pas d'HD et tout ça. Non, mais la résolution est plus élevée, par contre. Voilà, la résolution des personnages était beaucoup plus propre, était beaucoup plus nette. Ouais. Et ça, c'est. On a l'impression qu'il y avait 3-4 ans d'écart, en fait, entre les deux jeux. Et ça me. En fait, c'est simple. Ça m'avait étonné. Chrono Cross, tu prends les combats de Chrono Cross, tu retires l'aliasing, tu mets de l'anti-aliasing, c'est quasiment un jeu Dreamcast pendant les combats. Ah, mais pendant les combats, c'est magnifique, quoi. C'est incroyablement beau, et les modèles 3D sont encore, par exemple, plus détaillés que dans Sky of Arcadia. Ils ont encore plus de polygones, les textures sont plus détaillées. Quand tu prends les modèles, tu sais, parce que tu peux retrouver les modèles 3D des jeux PS1, en fait, sur le net. Tu prends les modèles de Chrono Cross, t'hallucines, quoi. Non, mais techniquement, le jeu était fabuleux. Enfin, en tout cas, bon, moi, j'ai... Enfin, peut-être qu'un jour, je persiste un peu, on va avancer dans la liste. Alors, en fait, ouais, voilà un conseil. Si un jour, tu le trouves, tu vois, en français, peut-être sur Home Station, c'est peut-être le cas, etc. Écoute, si vraiment, t'as voilà, rien à faire... Ouais, enfin, même en anglais, parce que j'ai pas de souci avec l'anglais, mais... Vu que les RPG Jap, on va dire 90% des RPG Jap, maintenant, sont à chier... Ouais, mais si j'en ai tellement de retard... Tu vois, je vais te dire un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a une série. Tant qu'à faire, il y a Persona, il y a tout ça. Voilà. Alors, moi, Persona, j'avais commencé à m'y intéresser quand j'avais plus de temps de jeu. Ouais. J'avais adoré. Ouais, c'est top. Et là, je sais qu'en plus, moi, j'ai récemment. Parce que oui, j'aime l'aventure. J'ai récemment acquis une PS Vita parce que j'avais envie de l'avoir. Et c'est vrai que je me dis, putain, les Persona sur la Vita, ça doit être tellement, tellement bon, quoi. Ouais. Ouais. Donc, j'ai déjà Persona, j'en ai plein d'autres que j'ai pas encore fait. Sans parler des. De certains remakes, par exemple de Dragon Quest que j'ai jamais fait à l'époque sur Famicom ou Super Famicom. Donc ça commence à faire beaucoup. Moi, enfin, en tout cas, on va avancer. Je retiens ça dans un coin de ma tête malgré tout. Si t'as pas fait les remakes de Dragon Quest 4, 5 et 6 sur 3DS, t'arrêtes tous les RPG que tu fais en ce moment et tu fais ça là. Hein. Ah, j'ai cru que t'allais me faire une Seguela. Si à 30 ans, t'as pas. Si à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Non. Donc du coup, on va avancer. Est-ce que je prends un sujet hyper sensible? On va. Parce qu'il y en a un, je sais, à mon avis, Juju, on va se faire démonter, alors que c'est vraiment sincère. Hein. Il y en a un, je vais teaser un peu, tiens, pour ne couper pas et aller voir la concurrence. c'est qu'il y en a un où vraiment, je m'étais dit, c'est chaud quand même, parce que là, j'ai jamais vu une personne ne critiquer ce jeu, qui en plus, objectivement, est vraiment, enfin, voilà, il est hyper bien réalisé, tout est là, les compliments sont justifiés, mais moi, il me fait chier le jeu, voilà, bon, bref. Et quand je me suis dit, je vais te le proposer pour la liste, je me suis dit, ah, il va y avoir un fight de ouf, ça va être intéressant. Alors qu'en fait, t'étais globalement d'accord avec moi. Après, on verra dans les détails, parce qu'on n'a pas poussé la discussion plus loin exprès. Mais alors, on va essayer de faire quelques titres, parce que je vois le temps qui tourne un peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait traiter rapidement un jeu, voilà, on s'en fout. Ah bah tiens, Rayman, tiens. Rayman, ça va être rapide. Rayman, Le premier, Rayman, je parle du premier. Attention, hein. Oui, voilà. Alors, je parle du premier, parce que même les premiers 3D, à l'époque, j'avais bien aimé, sur N64 aussi, ou Dreamcast. Ouais. Et, pardon. Et puis bon, bah, les derniers 2D, voilà, ils sont superbes, donc c'est pas la question. Ouais, ouais. Je parle vraiment du tout premier. Même s'ils sont surévalués quand même pour moi. Donc, Peut-être un chouïa, ouais. Mais en tout cas, le Rayman, donc, qui était sorti sur PlayStation et Jaguar, si je dis pas de bêtises, alors j'ai un trou. Il est pas sur Amiga? Il est sur Amiga, hein, aussi, hein. Il était sorti sur Amiga. Je crois qu'il est sur Amiga CD32 ou, ou un truc comme ça. Ah, ouais. Bah, attends, on va vérifier tout de suite, hein. Hop. Oh, bah, Wikipédia, le loup. Moi, je crois qu'à la base, le jeu est développé sur Amiga, hein. Non. Non, à la base, je crois même qu'il était même sorti sur Jaguar avant PlayStation. Déjà. Je vais vérifier si mes souvenirs sont bons. Putain, il a pas développé le jeu sur Jaguar. Non, c'était sur Jaguar. Hein. Alors attends, pop. Tout. Alors, c'est Wikipédia, prendre avec des pincettes. Hein. Mais ça, je l'ai lu souvent, hein, que c'était développé sur Jaguar. Alors, comme Rayman, on porte pas forcément. Je sais qu'il y a une version cœur. Jaguar, mais. On connaît pas son histoire par cœur non plus, parce que bon, Rayman, voilà, c'est pas non plus notre cam à fond. Mais. Ouais, initialement commercialisé sur console Jaguar en 1995. Putain. Et adapté ensuite sur PlayStation et PC. Il n'y a jamais eu de version Amiga, hein. Attends, ça veut dire que en celle-là, c'était lui qui avait la Jaguar en fait. lui qui avait acheté la console. C'était. Mais qui développe sur Jaguar, s'il te plaît. C'était couillu. Ou mais... débile, je sais pas, mais. Non, mais en tout cas, bon voilà, mes souvenirs m'avaient pas fait défaut. Il est chiant, putain. Il est chiant jeu. Oh, il est beau, mais alors il est chiant. Alors voilà, moi à l'époque, j'ai trouvé ce jeu. Comment dire, je parlais de platitude de gameplay, enfin de level design, pardon, tout à l'heure. Voilà, les gars, on est en plein dedans. Pour moi, c'était un chiant à jouer. L'ennui. Oh, et visuellement, visuellement, tout le monde disait que c'était super beau, mais par rapport à d'autres choses qu'on a vues à l'époque sur Saturn ou PlayStation, surtout venant du Japon en 2D, franchement, je trouvais pas que c'était si. Alors, c'était mignon, c'est vrai, faut reconnaître, c'était mignon. Ah si, c'était beau quand même. C'était beau, mais ça m'a pas... Niveau de forêt... Ça m'a pas... Ouais, mais c'est marrant. Tu vois, visuellement, il y a même des jeux 2D sur Super Nintendo et Mega Drive que j'ai trouvé plus poétique que ça. Enfin, des jeux 2D sur Super Nintendo et Mega Drive. Ils étaient quasiment tous en 2D en même temps, mais bon. Ouais. Bref. Ouais, moi aussi, mais non, je trouve quand même que graphiquement, il y avait quelque chose. Est-ce que tu penses pas que ce jeu, on n'en a pas trop fait? Ou est-ce que c'est parce que c'était français, on a monté ça en épingle? Mais de toute façon... Ça avait pas trop pris, hein, à l'international, le premier Rayman. Je sais pas, parce que Rayman, c'est quand même, j'ai l'impression que le perso est quand même. Enfin, en même temps, les derniers sont pas super bien vendus non plus aux États-Unis, donc. Je sais en pas fait, si. En fait, c'est. Je sais pas. Apparemment, ça marche quand même bien au Japon, si. À l'international, si l'aura de Rayman, alors je me suis jamais penché sur le sujet, faudrait que je regarde ça. Mais c'est vrai que moi, ce premier épisode, écoute, je le trouve chiant, quoi. Voilà, chiant. Moi aussi, chiant, bien trop dur, et t'avais ce. Ce syndrome des jeux micro à l'époque, c'est... Ah, je sais ce que tu vas dire. Ouais. Premier niveau, c'est la nature. Deuxième niveau, c'est les bonbons. Troisième niveau, c'est les niveaux mécaniques. Cinquième niveau, c'est les niveaux de la musique. La musique. Après, c'est les niveaux de Alien. Tu bonjour vois. Zool. Ah ouais, ou Zool, ouais, putain. La fourmi ninja. Ah voyons. Tout le monde connaît Zool. C'est un jeu qui est resté... S'il y a trois mecs qui savent ce que c'est Zool, là, dans ceux qui nous écoutent... Tu sais à quoi ça me fait penser? Il faudrait vraiment qu'un de ces quatre, on fasse une... On trouve toujours les sujets en direct, hein, c'est rigolo, mais qu'on fasse un sujet sur toutes ces mascottes à deux balles qui ont été créées après l'engouement sur Sonic. Oh là là. Quand Sonic était sorti, tout le monde a voulu faire sa mascotte animale. Sachant qu'il y en a... Il y a des mascottes que, encore maintenant, les gens disent « Ah, c'était bien !» Alors que... Moi, perso, j'ai toujours trouvé que c'était, non, mais à chier, quoi. Non, mais tu sais, c'est comme genre, si... Genre, Bubsy, s'il te plaît. Non, quoi. Mais attends, ça, c'est comme si... c'est comme ceux, si tu veux, qui arpentent les brocantes pour se battre, pour acheter un jeu Master System, Mega Drive, Super NES, ce que tu veux, qui était, même à l'époque de sa sortie, considéré comme nul, à chier, comme un nanar, mais parce que maintenant, t'as l'impression que chez certains, l'ancienneté, ça redonne du crédit au jeu. Si ouais, le jeu était nul en 1992... Il est nul maintenant. Hein. Tu te souviens de Alfred Chicken? Oh putain, la honte. Mais même Bubsy, tout le monde trouvait ça génial. Ça fait la coupe de plein de canards. Mais ouais, c'est nul à jouer. Putain. Enfin bref, voilà. Il y a un petit, y a un sujet à faire. Donc, là, j'ai envie de le dire. Là, je suis désolé, je vais le dire. C'est de la merde. Ouais. Je l'ai lâché. Bubsy, c'est de la merde. Mais attends, tu parles de la méga merde qui est en 3D ou tu parles du 2D? Non, mais depuis le début, c'est pourri. D'accord. On dirait un vieux mélange de Buster Bunny, mais du pauvre, genre en écureuil. Tu sais, genre le personnage, je regarde l'écran pour faire genre cool. Bon, on dirait un peu une mascotte de boîte de céréales Leader Price, un peu. Quoi. C'est ça. Top budget, c'est avec le pouce. C'est. Ah, mais. Croco Miaou. Il aurait pu s'appeler Choco Miaou. Croco Miaou. Mielos là, le Chocat. Donc c'est une catastrophe. Donc alors franchement, Rayman... c'est une bonne idée. Ils auraient mis des cartouches dans les paquets de céréales. Tu sais, la grosse cartouche Super NES. Tu mets des céréales dans ton bol. Blah. Et le gamin il pleure. Tu sais, j'aurais préféré le G.I. Joe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est typiquement genre les Occidentaux veulent faire comme les Japonais, mais ils y arriveront jamais. Voilà, ça donne Bubsy. Mais ce qui faisait pitié, c'est que. Enfin, t'avais. Parce que bon, Sonic 1, pour moi, ça reste le meilleur de la série et c'était quand même une sacrée claque quand il est sorti. Ah ouais, c'est tu voyais Sonic tourner, ouais. à côté, tu voyais les Bubsy, les Zool, les Gex, là, toutes ces merdouilles là. Enfin, il y avait 45 millions d'années-lumière. Il y en a qu'un, et qu'on sauvera un jour, parce que je pense qu'on fera la suite un jour de cet épisode de podcast en disant, en parlant des jeux. Que... Tu vas dire Mister Note. Pas forcément, mais que tout le monde oublie ou que tout le monde a beaucoup décrié et qui sont très très bien. Moi, je pensais aussi surtout à James Bond. 2, Robocode. Ouais, le 2, parce que le 1, j'ai rejoué il y a pas longtemps. Le 1 n'est pas top, mais je te parle vraiment de Robocode qui là lorgnait vraiment sur les jeux japonais. Ah, il est super. Et pour moi, avait réussi vraiment à. Ouais, à... la meilleure version, c'est quand même la version Amiga, mais. Ah oui, faut fuir la version PlayStation qui est une catastrophe. Mais, enfin, on va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Tiens, celui-là, on va passer rapidement dessus. Kid Caméléon! Ah, tu veux qu'on fasse Kid Caméléon? Eh ben, Kid Caméléon, oui. Voilà. Parce qu'on va passer rapidement dessus. C'est de la merde! Oh non, Kid Caméléon. Mais c'est quoi tous ces gens qui kiffent Kid Caméléon? Je comprends pas, moi. Parce que le level design, il est incroyable, blablabla. Il y a des costumes! Que... Juste, voilà. Petite anecdote. Sur Mega Drive, t'as beaucoup de mémoire vidéo. Donc, tu peux faire des maps super grandes. C'est que ça, Kid Caméléon. On a de la mémoire, on va faire des grandes maps, on va mettre des blocs et des monstres pourris partout, des sons de merde. Quand tu, de toute façon, dans Kid Caméléon, que tu sautes, que tu tapes ou que tu prennes un bonus, t'entends des pets. C'est que des pets. Ah non, mais c'est horrible. Ou tu sais, des gluttis de bidou. C'est tous les sons Mega Drive pourris. La digestion. En fait, tu pourrais faire une compile de tous les sons Mega Drive qui pique les oreilles, tu sais. Ah non, mais oui, quand ils tu transformais, quand tu prenais une ah non, mais c'était horrible. C'était l'exemple de ceux qui n'arrivaient pas à mon avis à maîtriser le chip sonore de la Mega Drive, parce que t'avais comme Koshiro ou d'autres à côté qui faisaient des merveilles, et puis t'as ceux qui arrivaient pas, quoi. Et vraiment c'est même pas qu'ils arrivaient pas, c'est que je pense que ceux qui ont fait les sons, c'est même pas... Ça se trouve, c'est même les devs, tu vois. Genre, vas-y, faut que je bricole un son speed avec le chip sensor dans la console, tu vois. Parce que voilà, le game designer m'a demandé d'en mettre un, mais je vais pas demander à un sound designer de faire un son, de toute façon. Je veux dire, ça sert à rien, les gars, j'ai le DVD de ma coloscopie. On va prendre tous les sons. ça va être génial. Allez, digitaliser. Non, mais c'est moche. Déjà, visuellement, c'est moche. Enfin, le jeu est moche. Les boss sont moches. Les monstres sont moches. Le gameplay est chiant. C'est injouable parce que c'est beaucoup trop nerveux. Tu veux sauter de bloc en bloc, c'est... Enfin, il y a rien. Pourquoi les gens disent qu'il est bien, le jeu? Il est pas bien. Non, mais attends, c'est un jeu qui est quasi unanimement. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai même envie de dire qu'il est même culte pour beaucoup de monde. Hein. C'est dingue. Hein. Pour moi, c'est aussi incompréhensible que. Ils n'avaient pas eu Sonic à Noël et puis ils sont rapatriés là-dessus. Ou... Enfin, c'est comme ceux qui disent que Tom et Jerry sur Super NES c'est bien parce qu'il y avait plus de Yoshi Island en magasin parce que tout le monde l'achetait. Ah tu ouais, vois. Non, ouais. Genre, tu sais, ceux qui ont des parents qui sont pris au dernier moment, qui n'ont pas pu acheter Yoshi Island à Noël, ils ont eu Tom et Jerry, tu vois, la plupart, parce que il y a Tom et Jerry qui est sorti un peu plus tard. T'attends au Tibet, tu sais. Là, Tom et Jerry, il est pire, Bruno, que t'attends au Tibet. Ah bon? C'est pire, ah, bah oui, parce que. T'attends Tibet, c'est un jeu un peu, tu vois. Enfin, il y a quand même des niveaux et tout. Bibi et le Coyote sur Super Nintendo. Le Tom et Jerry sur Super NES, c'est... Mais même Tom et Jerry, tu les reconnais même pas, quoi, tu vois, c'est pas... Non, mais Kit Caméléon, je comprends pas. Dès l'écran titre, déjà, ça pue du fion. Tu vois, la gueule du truc, la musique et les transformations, parce que, pareil, ça fait partie de ces jeux comme Chrono Cross que j'ai relancé régulièrement au fil des années pour me dire c'est moi, je suis passé à côté de quelque chose. C'est pareil, c'est moi, je suis pas normal. Et non, même les transformations, c'est pas rigolo à jouer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul. Les niveaux sont chiants à parcourir. Donc, bah, tu sais pourquoi les gens l'aiment bien? Parce que c'est rétro. Et surtout, il est très dur. Il est très dur, mais faisable, encore. Ouais, enfin bon. Et les gens l'aiment bien parce que c'est, voilà, c'est juste un jeu de plateforme dur. Des jeux de plateforme comme ça, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Je veux dire, à part Shovel Knight, t'as quoi? Enfin, je te parle vraiment plateforme. Genre, tu fais un niveau, tu passes à un niveau après. Ça se fait quasiment plus, ça. Donc, bah, les gens sont passés là-dessus. Mais bon, faut vraiment fouiner dans ce qui sort en indé. Les gens sont repassés là-dessus parce que la Mega Drive a un capital sympathie aussi énorme qu'ils ont fait un milliard de fois tous les Sonic. Oui, mais bon, il y a plein d'autres jeux de plateforme. Alors, je vais faire vite parce que là, on est vraiment sur 4 jeux. Les Tiny Toons sur Mega Drive, je veux dire, personne n'en parle, il y s'en fout mieux. Quoi. Alors celui-là, c'est une grosse injustice parce que pour moi, c'est la synthèse parfaite entre un Mario et un Sonic. Et il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est super, quoi. Bah, tu prends les Mickey, enfin, il y en a plein qui sont bien meilleurs que celui-ci, mais bon. Puis, bah, Robocode, pour repartir sur Robocode, sur moi, la version Mega Drive, c'est la meilleure. De Robocode. Donc, bref, on va passer. évoquer le cas. Alors, on va faire très vite parce que là, on est à 1, 2, 3. On a fait que 4 jeux sur 20. Ouais. Et là, grosso merdo, il nous reste un petit peu moins d'une heure. Donc, on va faire vite. Moi, alors là, c'est purement personnel. Toi, je sais que tu adores, c'est Wipeout. Wipeout, quand c'est arrivé sur PlayStation, c'est clair que autant visuellement, l'emballage, le design, la musique avec des BO de groupes d'électro absolu, enfin en vue à l'époque, enfin c'était très dans le, on était vraiment dans la culture de la musique électronique et c'était assez novateur. Le gameplay, j'ai jamais apprécié en fait Wipeout, manette en main, ça ne m'a jamais amusé. Voilà. Peut-être parce que je suis pas doué pour ce genre de jeu, parce que moi ça ressemblait plus à une course de boules de flipper, tu vois. Je rebondis. Bah c'est peut-être pour ça. Je pense, je rebondissais partout et j'ai pas eu la patience en fait d'apprivoiser le jeu quoi. Et en fait j'ai jamais réussi à me. Alors moi en fait c'est surtout sur Wipeout. J'ai jamais trop été fan en fait. En fait j'ai surtout joué à la démo du 1, du premier Wipeout, tu sais, dans les PlayStation démo, là, je sais pas quoi, démo disque. Ouais, bah oui, tout le monde l'a eu dans cette démo. Voilà, moi, c'est surtout le Wipeout 2097, du coup, que j'ai connu, que j'avais acheté sur PlayStation à l'époque. Moi, j'ai plus qu'adoré, perso, vraiment, ça fait alors, partie de. Alors, dis-moi très rapidement, sinon, on sera vraiment trop à la bourre. En quelques phrases, voilà. Planant, magnifique, les courses excellentes, gameplay d'une finesse et d'une précision que j'ai rarement eu. En fait, avant F-Zero, j'avais pas rejoué à un jeu de course futuriste avec autant de finesse et de technique en fait dans le gameplay. Pardon, c'est ultra technique quoi. Et puis surtout, putain, ça m'a fait découvrir Prodigy, que je connaissais pas. Ah ouais. Donc, quand t'écoutes ce qu'ils font aujourd'hui, tu te rends compte à quel point ils étaient en avance quand même. C'est clair. vraiment, moi, c'est ça fait partie de mes plus grands souvenirs. Ça fait partie des souvenirs, tu vois, où je me dis putain, j'aimerais bien revivre ça sur un jeu de course un jour. C'est pour ça que je suis dégoûté qu'il n'y ait pas de nouveau F-Zero. Bah, c'est que ça. Dommage. Bon, c'est que ça fait partie de ces licences en fait, un peu comme Metroid. Qui vendent pas, quoi. Bah, qui vendent pas, voilà. Les fans réclament à corps et à cri. Et puis mais quand... même, tu vois. Puis quand t'en as, je finis juste avec ça. Ouais. Les fans critiquent tout le temps. Donc de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment. Ouais. Mais même, tu sais, je sais pas. Hein, même à F-Zero, tu sais, avec un mode 7, tu vois, moi, ça m'irait très bien. Hein. Genre rétro, tu vois. Ouais, mais titillé pareil, sur la frime nostalgique en démat, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas joué, à la limite, tu sais qu'à la base, il y avait un F-Zero 2 sur Super NES qui était terminé, mais pas packagé. Je sais pas si t'es au courant. Moi, je sais que c'est, j'ai eu le même cas pour F-Zero. J'avais entendu parler de ça. F-Zero. Pour Star Fox aussi. Ah, le Star Fox 2, oui. La ROM est trouvable d'ailleurs. Le jeu est quasiment entier. Bah, il a été fini par des développeurs indépendants. Ils mais c'est Nintendo. Hein. C'est dès qu'ils entrent sur la console d'après, ils stoppent. Voilà. Alors que le jeu est très bien. Et il y a eu un F-Zero 2, Champion, je ne sais pas quoi. Et franchement, il a à faire. Il a été terminé, pareil, par des devs indépendants il y a quand même plusieurs années maintenant. Tu peux le trouver sur Humstation. Il est à faire parce que c'est le 1, mais en plus complet, plus de vaisseaux. Et t'as des courses encore plus dures, tu vois, pour ceux qui ont vraiment torché le 1. Mais d'ailleurs... Celui qui est sur GBA qui est excellent aussi. Comment, Wipeout aussi, je crois que ça vendait plus tant que ça, parce que le dernier qui est sorti, alors est-ce que c'est pas au tout début de... Non, je sais qu'il y en avait un sur PSP. Ouais, il date de quand très beau. Le dernier, je sais pas de quand il date. Ah, je sais plus. Mais ça se vend plus... Enfin bon, voilà, en tout cas... Il y en a eu un en HD, mais je sais plus sur quel... Oui. Bah, sur PS3, je crois. Il me semble que c'est sur PS3, ouais. Et puis ça, c'est pas bon. Alors, on se trompe peut-être, hein, ceux qui sont hyper fans, on s'excuse. Moi, c'est vrai que Wipeout, bon, c'est pas du tout mon truc, donc je sais pas trop. Voilà, je suis moi, pas j'adore. Trop. Ok, donc on va passer à autre chose rapidement. Hop. Qu'est-ce que je vois là? Alors, on va faire très rapide sur celui-là aussi. Parce que moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Alors, là, on va être sur un jeu plus récent. C'est vrai qu'avec Julien, on a eu un avis totalement opposé sur ce jeu-là. Donc, c'est Vanishing of Ethan Carter, donc qui est sorti. Alors là. C'est très récent, hein, parce que ça fait même pas un an, je crois. Enfin, ça doit faire 6 mois ou je sais pas. Ah, mais pas du tout. Il a 2 ans au moins le jeu. Hein. Oui, il a 2 ans. Bah, j'y ai joué il y a pas si longtemps que ça, moi. Mais oui, parce qu'il est en promo ou il est peut-être ressorti sur PS4 il y a pas longtemps. Mais et Vanishing, ils ont sorti un jeu depuis, hein, les mecs. Hein, et ça fait déjà quelques temps, hein, et qui est pourri en plus. Attends. C'est pas si vieux que ça, The Vanishing. Si. Attends. Ah oui, c'est sorti septembre 2014. Tu vois? Ouais, donc ça fait ça fait un an et demi, quoi. Ok. On est mi-2016, donc tu vois, je t'ai dit un ou deux ans. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'est pas sorti beaucoup plus tard sur PS4, hein? Parce que moi, je l'ai découvert sur PS4, en fait. Ah bah si, forcément. C'est peut-être ça. Bah, pas forcément oui non, parce que t'as certains jeux qui sortent en même temps sur toutes les plateformes. Mais en tous les cas, moi, je l'ai découvert sur... Moi, je l'ai fait sur PC, en ultra. Ah non, il est sorti l'été dernier sur PS4. Il est sorti en juillet 2015. Tu vois. Donc, en fait, je l'ai... En fait, le truc, c'est que je vois pas le temps passer, en fait. Parce que j'ai joué l'été dernier, mais ça passe à une vitesse. De toute façon, quand t'es parent, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Donc, moi, juste pour aller très vite, j'aime bien, c'est ce qu'on appelle maintenant les simulateurs de marche. Ouais. Quand c'est bien fait. J'ai adoré ce jeu, vraiment de la première seconde à la dernière. C'est-à-dire que il y a des phases qui m'ont complètement fait planer. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, notamment la phase avec qui se passe dans. Il y a une phase dans l'espace, à un moment donné, où tu suis un astronaute, enfin vraiment qui est assez, je trouve, exceptionnel en termes de sensations. En clair, il s'est passé quelque chose dans un bled paumé. On se balade. Je vais rien spoiler du tout. On va aller très très vite. C'est une enquête, quoi. Voilà. C'est une enquête, hein, avec des effets un peu paranormaux, etc. Il faut reconstituer des scènes aussi. Un peu comme un puzzle, reconstituer des scènes d'un drame donc qui s'est passé jadis, et on recolle un peu les morceaux. Donc voilà, moi c'est un jeu vraiment qui est pas très long, heureusement, parce que je trouve que c'est bien dosé. J'ai aimé me balader dans ce monde-là. Je crois qu'il y a juste vers la fin où une énigme qui m'a vraiment cassé les couilles. Je fais rarement ça, mais là j'avais été voir sur le net parce qu'il était tard dans la nuit, j'étais fatigué, j'étais. C'est dans la maison brûlée, j'imagine. Ouais, c'est une histoire d'aiguille, je crois, ou de au sol, ou de cadran, je sais plus. On est d'accord, est bien d'accord. Donc ça m'avait cassé les couilles et. C'est normal, Bruno. Il y a pas d'indice dans le jeu. D'accord. Donc on est à peu près 90% à être allé sur le net. Ah quoi. D'accord, bah bon, ça me rassure. Voilà. Et puis voilà. Mais sinon, j'ai vraiment aimé l'ambiance de ce jeu-là. C'était un trip. Tu vois, j'y jouais au casque le soir tard, je me baladais. Enfin, j'ai kiffé. Voilà, moi j'ai bien aimé. Alors moi, tu vois, la scène, t'as parlé de la scène de l'espace là. Oui, c'est la seule que t'aimes bien, tu vas me dire. C'est le seul truc que j'ai trouvé bien dans le jeu, moi. C'est que ça. Tout le reste, j'ai trouvé ça chier. Je me suis rarement emmerdé dans un jeu, hein, franchement. Et pourtant, Dieu sait qu'il est beau, surtout en ultra sur PC. Ouais, sachant que sur PS4 déjà, il est pas dégueu. Hein. Ouais, il y a certains panoramas où je me suis retrouvé sur le cul, justement. Tu sais, quand t'arrives dans l'espèce de panorama où t'as cette fameuse maison brûlée au loin avec l'énigme de merde que personne n'a compris, c'est normal parce que le jeu est designé avec le cul de toute façon du début jusqu'à la fin. Écoute, l'histoire, je l'ai trouvé nulle. Le dénouement, je l'ai trouvé nul. De toute façon, je l'ai vu à 15 000 km, c'était cousu de fil blanc. Il se passe rien. Ah, mais c'est pas la destination, dans le bon sens. C'est le voyage qui compte. Et justement, et le voyage, je l'ai trouvé, mais d'un ennui, tout ce qui se passait, je trouvais ça chiant. Je pense que ce genre de jeu, c'est quitte ou double, en fait. Si t'es pas dans le truc, ça prend pas. Moi, le problème, c'est que les simulations de marche, il n'y a pas de problème. Je vais parler de The Witness. C'est ça, hein, c'est une simulation de marche, entre guillemets, The Witness. Sauf que les énigmes dans The Witness, elles sont magistrales, cultes et gravées dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, c'est un extrême, parce que c'est vrai que la qualité est tellement élevée. Ouais, puis je sais pas si on peut vraiment les comparer. Non, mais il y a des énigmes. C'est un jeu d'énigmes. Je prends deux jeux d'énigmes. Ouais, narratifs. Ouais. Voilà. Les énigmes dans Ethan Carter, je les ai trouvées à chier. Et j'adore les jeux d'énigmes. J'adore ça, moi, les jeux où j'ai... Putain, pour une fois, je suis pas pris pour un con, quoi. J'adore ça t'a pas plu de reconstituer des scènes Oh, dans la maison, là, c'est nul. Tu sais pourquoi c'est nul? Tu te gourres une fois, tu dois refaire le truc. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire en termes de design, c'est de punir l'échec dans une énigme. Et tu punis pas l'échec dans une énigme avec du temps homme. Mais quel jeu te punit avec du temps homme? Qui se permet de faire ça? Est-ce que t'as eu aussi ce souci à la fin du jeu, le gros scandale? Apparemment, je crois qu'il y a même des hacks ou des mods pour retirer ce truc-là à la fin du jeu. Tu sais, si t'as pas eu tous les indices ou je sais plus quoi. Tu sais, tout à la fin, là. Avec les dessins au mur, non? Ouais, si t'as loupé genre 2-3 trucs, en fait, il te renvoie au tout début de la map du jeu et tu dois tout retraverser. Et si t'as trouvé, tu dois quand même aller du début jusqu'à la fin dans le sous-sol de la maison pour retourner devant le dessin. Moi, j'avais loupé 4 trucs. J'ai fait 4 fois tout le chemin du jeu. Ah non, bah moi j'ai réussi du premier coup. Donc, alors oui, alors peut-être. Ah bah t'as eu du cul, hein. Oui, putain. Mais alors peut-être que j'aurais eu ce truc-là. Avec Kelly, quand on jouait, écoute, montre en main, Bruno, on a fait 20 minutes d'aller-retour. 20 minutes, tu peux pas demander à un joueur de faire 20 minutes, rien. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais. C'est pas possible. J'ai à tel point. Ouais. À tel point qu'on regardait sur les forums, quoi. On s'est dit, mais merde, c'est pas possible. Et là, j'ai vu l'avalanche sur NeoGAF, etc. Ouais. L'avalanche de joueurs qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais pourquoi ce jeu est surnoté? Pourquoi les gens disent que c'est génial? Il y a des erreurs de design partout. Il y a des bugs. Moi, le jeu, il a craché plusieurs fois. Enfin, c'est. Ah, j'ai pas. En fait, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu une bonne expérience tout au long. Et je pense que t'as eu du cul. T'as eu le run parfait entre guillemets. Mais si t'as un run de joueur lambda, oui, c'est une catastrophe ce jeu. J'aimerais quoi. Juste finir là-dessus avant qu'on avance. C'est que moi, il y a un truc que j'ai adoré aussi dans le jeu. Et j'ai trouvé que c'était hyper couillu. Donc, si vous avez pas fait le jeu. Et que vous comptez le faire, peut-être avancer, on va dire, aller d'une minute, le podcast, parce que en fait, il y a un truc moi que j'adorais, c'est que on croise jamais d'ennemis dans ce jeu-là, en fait, quasiment oui. Jamais. Et en fait, c'est des énigmes, c'est une ambiance très posée. Ah c'est, oui, c'est je plus, sais ce que tu viens de dire. Voilà, c'est plus l'ambiance qui est censée, si ça marche, et moi ça marchait parfois un petit peu oppressante, mais bon, juste ce qu'il faut, pas trop. Voilà. Et à un moment donné, on est dans une grotte, en fait, pour aller rejoindre l'autre côté d'une rive. On doit rentrer dans une grotte et tout ça. Et là, comme une merde sur une planche, j'ai envie de dire... Ouais, il y a un mec qui te saute dessus. Tu croises des sortes de zomblards, des sortes de En fait, c'est le même. C'est un même mec, en fait, qui fait une ronde. Ah ben, j'ai eu l'impression qu'il y en avait plusieurs, moi. C'est bizarre. Oui, parce que c'est mal fait, mais c'est un mec. Ah bon, fait, bah tu vois, moi je. Qui est censé faire une ronde. En fait, t'as des textes qui te disent que c'est un gardien. T'as un gardien. Ah, d'accord. Alors, ça me fait bien plaisir que tu parles de ça, de ce truc-là. Parce que ce moment-là, accroche-toi. Tu sais que tu dois trouver des cadavres dedans. Oui, oui, oui. Ouais. Pour ensuite qu'ils apparaissent pour faire une sorte de damier. Et ben, moi, j'ai eu un bug. Il m'a toujours manqué un cadavre. Ah merde. Il m'en a toujours manqué un. Et ben. Bah, sur PS7, j'ai pas eu de soucis, moi. Une soirée entière dans cet endroit-là, parce que j'ai eu un bug, j'ai regardé oui, sur le net. Donc on est vraiment une expérience totalement posée, en fait. Hein, ouais. Je regarde sur le net, je fais, c'est pas possible, putain, l'énigme, elle est con comme le cul, faut juste les trouver, quoi. En plus, au bout d'un moment, tu perds patience, t'arrêtes pas de courir, tu te fais choper. Je regarde sur le net, il y a un mec qui a un endroit, bon, bah, effectivement, moi, dans ma partie, il y est pas. Ah, bah, voilà, c'est con, c'est comme ça. Je me dis, tant pis, je vais plus loin. Parce que tu peux quand même accéder à l'endroit où tu montes là, puis ensuite tu as les trucs sur les damiers. L'énigme, j'ai trouvé l'énigme avec un mec en moi. Je l'ai trouvé tout seul, sans le mec qui me manquait. Oui, il y a non, un problème dans les énigmes en plus. Moi, je voulais juste conclure en disant que je trouvais ça. Donc, moi, j'ai pas eu tous ces soucis, donc j'ai vécu le jeu vraiment complètement autrement. Ah, moi, c'est une de mes pires expériences de joueur. Quoi. Et en fait, je trouvais ça couillu que. En plus, moi, comme je jouais tard le soir et tout, et avec le casque vissé sur les oreilles. Et. Je m'attendais pas du tout à croiser ce genre de choses en fait dans le jeu. Ah bah moi non plus. Et j'ai fait un sursaut. Ah oui, le bonhomme, ouais, ok. Ouais, dans la grotte quand cette sorte de zombie là, quand je l'ai croisé, j'ai fait un putain de sursaut, et pourtant moi là je suis comme un vieux routier des jeux d'horreur quoi, mais je m'attendais pas à croiser ce type de truc dans ce jeu là. Et donc voilà, donc on va d'ailleurs le gamin qui est une pâle copie du gamin de Silent Hill 4. Je oui, c'est si vrai, c'est vrai, t'as raison. Bon, on va passer parce qu'à chaque fois je dis qu'on va faire court et finalement on fait pas court. Ouais. Non, mais voilà, celui-là pour moi on pouvait pas faire court sur celui-là parce que. Non, putain, mais je savais pas que ton expérience avait été si dure. Ce jeu, je le hais de tout mon âme, quoi. Enfin. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire plus court avec ? Alors attention, là on va se mettre aussi. Mais je crois que les fans de Sega ils vont pas nous aimer ce soir parce que quand je pense. Un des gros voilà qu'on a plus tard. Un bon jeu sur 15 aussi Sega, c'est pas notre faute. Non mais à l'époque où voilà Sega brillait, moi il y a un jeu qui est pareil qui est énormément aimé et que moi je n'aime pas. C'est Shadow Dancer, la version arcade de Shadow Dancer. Je résume très vite, je suis un gros fan de Shinobi. Je trouve que le premier Shinobi en arcade n'a pas pris une ride. Ouais, je trouve que son level design, son gameplay, sa prise en main, sa nervosité ça pourrait être un jeu néo-rétro de 2016, quoi. Il est, et pour moi, il est vraiment indémodable. Tout comme Ninja Spirit. Mais oui, c'est pas Sega. Même. Oui, c'est vrai. Mon préféré, c'est Shadow Dancer version Mega Drive. Alors moi là, que j'idolâtre, voilà, c'est pour moi. Très loin, très très loin. Pour moi, c'est le jeu du swag, c'est le jeu de la coolitude, c'est la classe absolue. C'est un monument. Et puis bah j'aime bien aussi les autres Shinobi sont sortis, le premier voilà sur Mega Drive, le Super Shinobi, le Super Shinobi 2, tout ça je les adore, etc. Mais alors je sais pas, le Shadow Dancer arcade, je le trouve très mou, pas très intéressant à explorer. Je trouve que les feedbacks stick en main sont vraiment mais à des années-lumière du premier Shinobi. C'est bien celui-là qui a un aéroport au début, c'est pas un aéroport. Voilà, et je peux même d'autant plus. Ah oui, putain. Alors, je voudrais juste préciser un truc, c'est qu'on va me dire, oui, mais c'est parce que l'ému. Non, non. Non, je me suis fait un petit plaisir, un gros plaisir il y a quelques années, voilà, dont je rêvais depuis tout le temps. J'ai réussi à acquérir une borne d'arcade avec X jeu dedans et j'ai. Astro City. L'Astro City, voilà, la borne vraiment qui me faisait rêver. Et dedans, j'ai donc, voilà, pléthore et pléthore et pléthore et pléthore et pléthore de jeux. En clair, tout ce qui est sorti depuis la fin des années 70 à mi-90, on va dire. Et donc, j'ai parfaitement émulé dessus, donc Shadow Dancer, notamment, version arcade. Et donc, je me suis dit, en ému, tu l'as pas aimé à chaque fois, tu l'as pas, les adaptations, tu les as pas aimées. Donc là, j'ai voulu, à côté des jeux que j'adore, que je redécouvre avec bonheur sur ma borne, j'ai voulu tester donc Shadow Dancer en conditions réelles, je dirais. Ouais, optimal, quoi. Voilà, optimal, comme il a été prévu d'être joué à la base. Et voilà, alors je dis pas que c'est mauvais, attention, hein. C'est un bon jeu. Moi, j'aime pas. Je le trouve, franchement, et pour tout vous dire, l'anecdote, c'est que je l'avais retenté, j'ai fait bon. Je suis revenu au menu principal de ma borne et j'ai relancé le premier Shinobi que je connais par cœur, hein, que j'ai fait 20 000 fois dans toutes les versions. Ah, Italie, te rappelle, dans le bar à... Ah là là, et là, ça repart comme en 40, le jeu, tu décroches pas tellement il est bon. Il est nerveux, celui-là. Non, mais sérieux, tu te souviens du portage sur Amiga, là, par US Gold ? Non, mais alors, US Gold... Ouais, mais Bruno, vraiment, je sais, mais faut faire un podcast sur eux. Hein. Ah, il faut. Non, mais, non, mais faut un podcast sur eux. Ça a été des briseurs de rêves. Tu vois, putain, ils auraient fait une console, ça aurait été, oui, c'est ça, Dream Break, tu vois. Ah non, mais et US c'était Gold, pas Dreamcast, tu vois, Dream Breaker, qui faisait les pires adaptations de jeux d'arcade. Et en plus, alors, ce qui a pas de bol, c'est qu'ils avaient très souvent les jeux Sega et Capcom sur micro, donc Atari ST, Amiga, etc. Et non seulement il faisait des adaptations qui étaient absolument pourries, en sous-exploitant à mort l'Amiga, qui était capable quand même de faire des bonnes choses. Alors, pas des arcades perfectes, mais qui était quand même capable de faire des trucs quand même béton. Je suis désolé, mais par exemple, pour leur portage de Goose & Ghost, ça aurait pu être arcade perfecte. Et derrière la boîte, si tu te souviens, derrière les boîtes... Ils mettaient les screens des versions originales. Voilà, t'avais la version arcade, donc c'est top. Mais même dans les pubs. Même dans les pubs. Alors ça, c'était sur... La pub Amstrad, pardon, avec des images de jeux Amiga. Mais qui faisait ça aussi derrière les boîtes. Hein. Mais US Gold, moi, je me rappelle parce que je l'ai toujours dans un carton, la boîte du Goose & Ghost Amiga qu'on avait acheté à l'époque. Mon Dieu. Et derrière la boîte, tu vois, tu sais, quand Arthur, il déclenche son pouvoir de l'éclair avec l'armure d'or, Ouais, c'est un screen arcade. C'est un screen arcade. Et donc, enfin bref, Shadow Dancer, vraiment... Donc, ouais, moi aussi, pareil, même t'es pas très fan, d'accord. Alors, on passe à la suite. On va passer à... Alors, Sega, on va les ménager parce qu'on a, on a deux gros morceaux Sega tout à l'heure. Non, même plus que ça. Oui, non, 3-3. Tiens, je vais te laisser parler un peu parce que moi, je l'ai jamais fait parce que il me donnait pas envie du tout. C'est Secret of Evermore. Alors, j'ai juste résumé vite fait pourquoi je l'ai pas fait. Parce que, pour la petite histoire, donc, Julien et moi, on est des grands fans de la saga Mana et bien sûr, le fameux Seigen Densetsu 2 sur Super Famicom, donc le Secret of Mana de la Super Nintendo, qui est, voilà, qui est magistral. La suite, qui est sortie exclusivement qu'au Japon, donc on n'a jamais vu le jour chez nous. Et nous, à la place, on a eu par Square USA, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Secret of Evermore, donc un action RPG où on dirige un gamin avec son yinch. Et bah moi, rien que les screenshots, le fait de pas avoir la vraie suite de Secret of Mana chez nous, ça m'avait tellement écœuré, puis visuellement il me faisait pas envie, donc moi, je crois même que je l'ai jamais essayé. Donc je te laisse parler. Moi j'ai essayé quand même, parce que je me suis dit c'est bizarre quand même qu'il y a beaucoup de monde qui disent que le jeu est bien. C'est étonnant. Je dirais qu'il y a, en dehors de la frustration que Seiken 3 n'est pas sorti ni en, enfin n'est pas sorti d'ailleurs en Occident tout court, s'il est ni sorti. Oui, il y a même pas de version US, hein, non, pas du tout. Voilà, ni en, évidemment en Europe. Alors il est facile à trouver en traduction US et en traduction française, les traductions parfaites, vraiment arcade perfecte aussi. Ah, puis il faut le faire, hein, celui-là, parce qu'il est parce que c'est un des meilleurs action RPG que de bah juste de l'existence, quoi. Donc c'est ne pas le faire, c'est passer à côté, je pense, un gros moment de jeu vidéo, tout comme le premier Secret of Mana d'ailleurs, enfin le Seiken 2 donc. Ouais. Ils nous ont sorti ce Secret of Evermore. Alors je dirais que il y a deux grands traits qui ressortent de Secret of Evermore, c'est vert, kaki et marron. Voilà, c'est les couleurs que tu auras dans tout le jeu, du début quasiment jusqu'à la fin, sachant que Secret of Mana et aussi Seiken 3, enfin, l'univers à la base quand même ultra coloré, féerique, très beau, techniquement très dans son temps, on va dire, sur une 16 bits. Là, le jeu est moche et remoche, et ça, ça pique les yeux tellement c'est moche, c'est mou, les monts sont nuls, les boss sont nuls. T'es obligé de te taper un clébard, c'est vrai que t'es toujours à deux en fait dans le jeu. Et ton clébard évolue, au début t'as un petit chien blanc, après s'il te plaît, putain t'as le chihuahua, caniche rose, tu sais, caniche royale, enfin merde, putain t'as pas envie de jouer avec ça, merde c'est un RPG. Tu passes de Secret of Mana où t'as trois persos qui pètent la classe, des boss de ouf genre Tigror et tout, où t'as des invoques de dingue. Avec, tu vas dans des grosses forêts, des vallées avec des cascades d'eau, avec de la transparence, t'es sur Flammy en mode 7, etc. Et là, t'as ça, Secret of Evermore. Au début, genre, tu vas au cinéma, ouais, il y a des racailles et tout, tu vas dans une dans un truc pour voyager dans le temps, t'es au Moyen-Âge, tu tapes des dinosaures avec des plantes à deux balles. Non, mais... En fait, moi, pour moi, j'avais l'image vraiment d'un jeu occidental qui reprenait toute l'imagerie de mauvais goût des a priori qu'on pouvait avoir de certains jeux occidentaux à l'époque. Alors pas tous bien sûr, hein, parce que Dieu sait que nous il y a plein de jeux occidentaux, notamment anglais et allemands et américains parfois qu'on idolâtre sur 8 et 16 bits, mais là c'était tout ce qu'il fallait pas faire, je trouve. C'était tous les poncifs de hamburger et coca, tu sais, c'est vraiment basket, hamburger, coca, dinosaure et basket, c'est... quoi, en fait c'est toute l'imagerie de Denver, quoi. Denver, oui, le dernier dinosaure, mais c'est en gris kaki et marron. Mais c'est vrai, c'est exactement ça, c'est Secret of Denver. Je pense que voilà, c'est ça, Denver of Mana, quoi. En fait, je pense que les gens avaient envie d'un Secret of Mana. En fait, c'est le même gameplay, c'est les mêmes menus, tu sais, avec le truc circulaire et tout. Les gens étaient contents de revoir des chiffres, tu sais, qui pop et qui rebondissent comme ça dans le vide comme avant. C'est ça, en fait. Voilà, c'est tout. Mais. Je pense qu'on va pas s'éterniser. Non, voilà, mais tu vois, après, t'as eu d'autres RPG, genre Illusion of Time, qui est sorti il y a pas longtemps après. Enfin, je veux dire, t'as Illusion of Time qui arrive, il marche, tu vois, et puis il écrase Evermore, puis il regarde en se disant, merde, c'est quoi. Ah oui, mais ça, Illusion of Time, c'était le deuxième, si je dis pas de bêtises, le volet de la trilogie, entre guillemets, Quintet, qui était édité par Enix. Ouais, s'il te plaît. Et ça, c'était des jeux fabuleux. S'il te plaît, à côté, t'as ça, Terranigma. mais juste, mais dégage avec le Secret of Mordor. Même sous le Blazer, hein, le premier de la trilogie. Pour moi, c'est un des meilleurs action RPG de l'existence. Hein. Il est... Moi, j'aurais rêvé de créer ce jeu. Lequel, Terranigma ? Non, sous Blazer. Ah, sous Blazer, j'adore. Si un jour j'ai la chance plutôt le temps en fait de faire un action RPG, ça se rapprochera vraiment de Soul Blazer, quoi. Et je pense que dans notre rubrique finale de chaque podcast de la playlist ultime de Game Music, on retrouvera Soul Blazer, c'est sûr, un de ces quatre. Ah ouais. Et Mana. Je fais vite parce que là on est vraiment à la bourre. J'ai envie d'y rejouer, putain. Ah ben voilà, tu vois. Comme ça, tu perds encore un peu plus de temps. À chaque fois que je reparle de jeu, j'ai envie d'y jouer. Quoi. Donc vas-y. Alors là, il va falloir vraiment rusher parce que, effectivement, pour l'épisode 3, la dernière fois, on a dépassé un peu ce que c'est l'épisode 3. On aimerait vraiment faire moins de 2 heures. Donc là, il va falloir. Attends, on a combien là ? On va se donner de. On a 1h28 ? Il nous reste 40 minutes. Ouais, mais il nous reste beaucoup de jeux là. Gros morceaux. Donc, allez, vas-y, go, les petits. Lâche les petits, alors. Mais là, les petits, il faut vraiment qu'on fasse court. Parce que... Alors, okay, attends. C'est de la merde. C'est nul, c'est de la merde. Bon, on va faire vite. On va faire, allez, 3 phrases chacun. Prince of Persia, le tout premier. Donc moi, alors c'est un grand jeu, c'est incontestable, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai jamais aimé, peut-être... C'est chiant et mou. Bah, parce que notre relation a mal commencé avec Prince of Persia, parce qu'à l'époque... si tu te souviens, les parents nous avaient emmenés à la galerie commerciale et moi je voulais Shadow of the Beast 2 qui était censé être sorti. Ah, boulanger, non ? Voilà, boulanger, vivons la vie technologique. Prince of Persia et First Samurai, je crois. Voilà, alors First Samurai, très bon jeu, excellent, mais là il y avait. Et le vendeur il me fait attends, ça vient de sortir, ça défonce. J'aimerais dire oui, merci, je lis la presse tous les mois, je fais ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que Prince of Persia. S'il te plaît, on est abonné à Gen 4, quoi. Voilà, espèce de kéké. Et le truc, c'est que bon, voilà, visuellement, c'est vrai que c'est très rudimentaire. C'est monochrome, quoi. Prince of Persia. Et on a l'impression qu'il y a un buffle qui a soufflé dans ton micro, là. Ah, bah, c'est peut-être moi. Il y a un ouragan. Magicien d'Oz. Et donc, du coup, je fais, ouais, bah, il n'y a pas Beast 2, quoi. Merde et tout. Et je rentre. Alors, c'est vrai que ça a mal commencé. Mais j'ai quand même trouvé le jeu ultra répétitif. Passé le waouh de l'animation du perso. Ouais, c'est sûr. J'ai trouvé le jeu hyper répétitif. Parce que jusqu'à la fin du jeu. Le level design, par contre, est très bien foutu. Mais tu fais toujours les 3-4 mêmes actions. Et puis, c'est vrai que visuellement, c'était très, très, très, très rudimentaire. Et... Non, mais. Voilà. Moi, je vais être moins sympa avec toi. En dehors du fait que, oui, c'est super bien animé. Putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant, quoi, ce jeu. Il est chiant, Bruno. C'est chiant. On s'était pas beaucoup amusé, quoi. Putain, mais merde. Je veux dire, à côté de jeux genre comme Flashback, non, mais il est chiant, ah, quoi. Ah oui, non, c'est... C'est... Même c'est aussi, si aussi Flashback est arrivé chiant, après, blablabla, bla, bla. Oui, mais vous pouvez pas dire ça, Flashback est arrivé après, Prince of Persia instaurait un style, ouais, mais alors putain, il a... C'est comme si, tu sais, tu disais, bon, j'ai pas inventé les maisons, mais bon, j'ai inventé les parpaings. Mais voilà, j'ai que inventé les parpaings, tu vois. J'ai rien fait derrière. Après, t'as un mec qui a construit une baraque, tu vois. Bon, bah, Prince of Persia, c'est ça. T'as un mec qui a inventé l'animation qui claque la gueule parce que... Rotoscopique. Ouais, c'était incroyable quand même de voir ça, franchement. Ah oui, ça, c'est fort. Je retire pas ça. Mais derrière, le jeu, c'est de la merde. Je suis désolé, il est chiant, il est pas amusant. C'est que frustration sur frustration, t'as aucune découverte. Les sauts au poil de fion. Quand t'es... Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais allez voir. Et puis, je termine. Oui, et puis, pardon. Derrière, t'as le mec qui a construit la maison, t'as Flashback. Le mec a dit, ok, c'est super ton idée d'animation et de mouvement, on va dire, précis, tu sais, où tu peux carrément t'agripper, etc. C'est très bien, sauf que c'est chiant. Et ben moi, je vais rendre ça amusant. Je vais vraiment faire un jeu vidéo, un divertissement. Ah ouais, non, c'est clair. Et ça fait Flashback. Flashback, il faut une grosse tatane. Je veux bien qu'il y ait un début à tout, mais Prince of Persia, je suis désolé. Ben moi, j'ai toujours trouvé chiant, et puis c'est pas pour refaire de la pub, mais sur ma chaîne YouTube, chez Bruno, allez voir, j'ai fait une vidéo sur Prince of Persia, et je démontre vraiment ça, quoi. Et en plus, le jeu, il est limité par le temps. T'es limité par le temps. Les sauts millimétrés, où tu fais un petit pas de trop au bord d'une plateforme, tu te casses la gueule, ou alors t'as pas assez de détente, t'as pas assez de distance pour atterrir sur la plateforme d'en face. Alors, non, mais même si tu veux monter une corniche, t'es obligé de soit de courir et de faire tu sais, quand tu te cognes, là. Et surtout, faut faire un petit pas. Quand t'as perdu, le... Bon, alors on passe à la suite. On va faire dans le très très vite. Crash Bandicoot. Alors. Attention, par contre, juste parce que je pense que les gens vont peut-être pas comprendre. Là, on parle de la version d'origine sur Amiga. Parce que la version Super NES est bien meilleure. Hein. Enfin, Amiga et DOS, quoi. Oui, voilà. La version Super NES est beaucoup plus souple en termes de jouabilité, etc. Donc, la version Super NES, pour y avoir joué un peu, par contre, moi, j'aime bien. Hein, et puis, visuellement, ça a un peu plus de gueule, quoi. Bah oui, c'est un jeu Super NES. Ah oui, alors moi, j'ai jamais essayé les versions console, ça, j'avoue. Donc, la version Super NES, essaye-la un jour, tu verras. En fait... tu sens que, alors je sais pas qui l'a fait, je m'en souviens pas, mais t'as l'impression que Nintendo a dit, bon, par contre, faut rendre ça amusant. sons de merde, là, tout ça, vous me dégagez tout ça. C'est resté, en fait, mais c'est vachement plus rapide, plus souple, c'est beaucoup plus intuitif. Écoute, j'essaierai à l'occasion. On va continuer avec, tiens, avec Gears of War, tiens, on va faire très vite. Ouais. Voilà, donc moi, Gears of War, comme vous l'aurez compris, si vous avez écouté l'épisode précédent, moi, voilà, ça m'a amusé. Je vais te laisser parler dessus, moi, voilà, je vais juste dire que moi, j'ai bien aimé, mais sans plus, ça m'a pas marqué. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il doit, il doit beaucoup à Resident Evil 4, qu'un de mes jeux cultes. C'est un clone, hein. Voilà, il lui doit beaucoup. Moi, Gears of War, en fait, à l'époque où j'avais ma 360, vraiment au début... J'ai bien aimé, mais je m'en suis vite lassé parce que déjà j'ai horreur de la direction artistique de Gears of War, comme j'ai dit la dernière fois. Gris marron. Voilà, gris marron. Voilà des marron clair. Des enchevêtrements de je sais pas de masse comme ça grisâtre, rouille. Enfin, de métal. J'aime pas du tout. Moi, c'est vraiment le personnage principal qui a fait que j'ai tenu parce qu'il est vraiment excellent. Moi, j'aime pas du tout les vannes et tout, enfin les dialogues sont vraiment bien. Oui, voilà, mais j'aime pas du tout le design des persos. Non, le design est. Lassé. C'est vrai qu'au début, ça en met plein la gueule, mais voilà, je crois même que je l'ai pas terminé, hein, comme je l'avais dit la dernière fois, l'ai pas terminé. Et puis bon, c'est vrai qu'après, quand tu découvres Vanquish, c'est dur de revenir sur Gears of War. Donc voilà, moi, c'est un jeu que j'ai jamais aimé, vraiment. Je le déteste pas non plus. J'avais une petite sympathie pour lui au début, mais bon, voilà, je suis conscient de la place qu'il a dans l'histoire des jeux vidéo, qu'il a repris pas mal de formules, dont celle des recades pour l'améliorer. Et ça, c'est très bien, parce que de toute façon, voilà, dans le jeu vidéo, à part quelques exceptions, on n'invente rien de zéro, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas Gears of War, c'est pas ma came du tout. Je crois qu'il y a pas besoin de dire grand chose de plus. J'essaie de faire mon les jeux, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Mortal Kombat, alors voilà. Que ce soit le 1 ou les derniers. J'ai toujours trouvé que c'était le jeu du mauvais goût absolu. Donc, bon. C'est le jeu de trop. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne. C'est vulgaire. Bah, à l'époque, c'était le côté un peu. Le côté violence un peu sulfureux, voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus texan. C'est l'anti-Street 2, quoi. Enfin, vraiment. C'est un jeu de baston, même si des persos s'y tapent sur la gueule, ça peut quand même avoir une certaine finesse, que ce soit en termes de direction artistique et en termes de gameplay. Ce n'est pas le cas artistiquement, ce n'est pas le cas en termes de gameplay. Je trouve que. Je sais pas, c'est. Je pense que c'est un jeu qui est excessivement surévalué pour rien. Franchement. Je comprends parce que même quand on était ado, ça vaut 10 balles. On voyait tous les mecs au collège ou au lycée. Oh putain, Mortal Kombat, t'as vu, il lui a arraché la tête, on voit la colonne et tout. Mais même adolescent, ça me faisait pas triper de voir ça. Enfin, je ne jugeais pas la qualité d'un jeu par rapport à son côté gore ou à son côté. Je comprends pas. Faut vraiment avoir 4 de QI. Je suis désolé. Enfin, c'est méchant. Je vais me faire insulter, mais. C'est vraiment le jeu de l'idiot, quoi. Si vous voulez insulter, c'est Forza Pedro, hein, le Twitter. Si vous voulez insulter. Non, mais tu vois, quand t'as en face un jeu comme Street ou Street Fighter 2 Turbo ou Super Street ou 2X, qui sont d'une finesse de gameplay, ça fait partie des jeux les plus fins. Moi, j'ai envie de te dire, c'est même au-delà du gameplay, puisque c'est, enfin, ça, tu as raison, mais même visuellement, pour moi, c'est un repoussoir total. Enfin. Oui, c'est clair. Et même la dernière version, apparemment, qui est beaucoup, beaucoup aimée, je crois qu'elle est distribuée en saison, là. Voilà. Je trouve que visuellement, c'est le mauvais goût. Vraiment, c'est le paroxysme du mauvais goût. Enfin, pour moi, c'est. Non, moi, ça me fait pas triper. C'est horrible. Donc, on va passer. Très vite aussi sur Mario Kart Double Dash sur GameCube, puisque. Pour moi, alors très souvent je dis ça, hein, c'est pas méchant, mais pour moi, pour les séries phares de Nintendo, la GameCube, pour moi, c'est un peu la période noire. Parce que pour moi, beaucoup d'épisodes, les moins aimés, en tout cas pour moi, que ce soit les Mario et dérivés, ceux qui ont été un peu les plus faibles, pour moi, c'est sur GameCube. Et c'est vrai que Double Dash, c'est peut-être le seul Mario Kart où j'avais été déçu, en fait. J'aime pas les graphismes, j'aime pas les musiques, j'aime pas le gameplay, j'aime pas les armes qui ont été rajoutées dessus. Il n'y a aucune course que je trouve bien dedans. Il y en a certaines qui sont bien, mais j'ai appris à les aimer quand je les ai redécouvertes sur la version Wii ou Wii U, où ils font des remixes de circuits rétro. Voilà, mais parce que tu as la jouabilité. Oui, parce que c'est adapté au gameplay. Voilà, mais là, le fait d'avoir les doubles, en plus, c'est pété parce que tu peux vachement tricher là-dessus avec certaines combinaisons. Non, vraiment, je. Non, voilà, c'est pas parce que c'est sorti sur GameCube, qui est une console qu'on affectionne aussi beaucoup. Que c'est franchement, bien. Franchement, moi, Mario Kart, au-delà de l'épisode mythique Super NES et celui sur N64 que j'aimais beaucoup également. Le mode battle, il est inexistant. Franchement, Mario Kart, moi, je trouve que les épisodes, n'en déplaise au pisse vinaigre, qui aime bien casser tout ce qui porte le nom Wii. Ah, l'épisode sur Wii. L'épisode Wii. Pour beaucoup, il est très aimé. Tu verras quand tu t'achèteras une Wii U à 50€, parce que on fera un épisode Wii U un jour, parce que moi je suis un fervent défenseur, pas de la console, hein, par contre nuance, mais des jeux de la Wii U qui sont extraordinaires. Le Mario Kart de la Wii et de la Wii U sont extraordinaires. Et c'est vrai que tu retrouves dans les circuits rétro certains circuits de Double Dash, avec le bon gameplay, retravaillé visuellement et tout. Tu dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait quand même des trucs bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la douche froide, Double Dash, quoi, vraiment. Passer après le celui sur 64, quoi, qui avait tellement enfoncé le clou par rapport à la version Super NES, et plus que ça, inventer des nouveaux trucs qu'on aura après dans tous les épisodes. Je comprends pas ce qui s'est passé, en fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose de plus. Je veux dire, même l'épisode GBA, il est mieux, quoi. Enfin. Oui, carrément. Donc on va. Il est plus technique. Enfin bref, tant pis. Alors on va avancer. Ce qui nous reste une petite demi-heure. Pop. Donc on va. J'essaie de voir ceux qui seraient les plus. Alors bon, là c'est dur de faire vite avec celui-là, mais de toute façon on n'a pas le choix parce qu'il nous reste 30 minutes et puis on a la dernière rubrique aussi à faire. Kingdom Hearts. Alors Kingdom Hearts, mon dieu. Je vais te laisser parler justement. Les seules qualités que j'ai. Oui, vas-y, est-ce que toi t'aimes bien? Parce que moi j'ai aimé, voilà, mis à part les caméras qui ont été faites avec le cul, le 1, j'ai aimé parce que je trouve que c'est un des jeux qui a le mieux représenté Disney en fait. Ah, mais ça je suis d'accord. Voilà, et du coup à l'époque j'avais vraiment trouvé ça génial, la BO m'a vraiment aussi particulièrement touché. Après le scénario, je l'ai trouvé naze. Et le gameplay, franchement, très très très moyen. Bah, les trucs avec les vaisseaux Gumi, au secours, j'en parle même pas. Mais voilà, les univers Disney, la représentation graphique générale, l'ambiance, les musiques ont fait que sur PS2, il n'y avait pas beaucoup de jeux comme ça, vraiment en 3D comme ça, où tu peux aller un peu partout où tu veux. Il n'y en avait pas beaucoup encore à cette époque. Faut pas oublier qu'il n'y en avait pas des masses. Moi, sur le moment. Le 1, je l'aimais. Mais en fait, il faut savoir que j'ai fait que le 1. Et le 2, j'ai quasiment pas touché parce que le 2 m'a emmerdé au bout de à peine 5 heures. Et j'ai plus jamais retouché. J'ai plus joué à Kingdom Hearts. Oui, mais le 2, en fait, il faut que tu passes le prologue. Après, c'est mieux. Mais je l'ai passé le prologue. Ah bon, d'accord. Vous faites des glaces, là. Mais même après, ça m'a fait chier. Parce que. Des glaces au sel. Ouais, n'importe quoi. Parce que c'est toujours pareil, quoi. C'est répétitif. Ouais, mais alors ça, pour moi, le truc, c'est que le 1 est encore plus répétitif que le 2. Mais le truc, ce qui se passe, c'est que moi, fan de Squaresoft, qui n'était pas encore Square Enix à l'époque, et j'aime bien Disney, c'est vrai que jamais, en tout cas au moment de sa sortie, Kingdom Hearts, jamais les personnages Disney n'avaient été aussi bien modélisés, et respectés, et représentés dans un jeu vidéo. Ça, on est totalement d'accord. Par contre, Kingdom Hearts, pour moi, c'est l'aude, vraiment, c'est une aude, quoi, sur la répétitivité. C'est-à-dire en fait, tu fais toujours la même chose, mais toujours c'est... Moi, les jeux un peu rondondants ou linéaires, ça ne me gêne pas, parce que ça ne veut pas dire forcément chiant à côté. Moi, je fais toujours bien le distinguo entre linéaire et chiant, quoi, et lassant, parce que c'est pas du tout... Ouais, mais quand c'est linéaire, faut que ça soit bien, soit bien là, fait. C'est linéaire, mais c'est mal fichu. Le problème, c'est que les différents niveaux, donc c'est-à-dire tu débloques un monde, à chaque fois, en fait, hein, je résume grossièrement... Et puis, t'as un monde avec une mission à faire qui est liée à un monde Disney, voilà. Et le truc, c'est que, parfois, déjà, c'est hyper répétitif. Moi, j'ai eu l'impression de toute façon, moi, je l'ai abandonné, hein. C'est carrément ma femme qui l'a fait, le jeu, parce que elle aime mieux que moi, Kingdom Hearts. c'est hyper répétitif. Il y a des mondes où vraiment tu ne sais pas quoi faire. T'es complètement perdu, t'es paumé. Ouais, genre la baleine là. La baleine, le monde du livre de la jungle où je trouve. De Tarzan, pardon, de Tarzan, parce que les deux jungles, il est pas dans. Oui, de Tarzan où t'arrêtes pas de tomber de l'arbre là. Voilà, et tu sais pas. Puis parfois tu repasses quand même dans le campement. Puis là il se passe un truc. Enfin tu dis mais qu'est-ce que. C'est dommage parce que la BO est énorme en plus. Oui. Non mais les musiques sont très bien, attention. Mais voilà, je trouve que c'est. Moi, c'est un des jeux Square les plus chiants à jouer, pour moi. C'est vraiment, le level design est, pour moi, est complètement raté. C'est répétitif. Et c'est, ah, par contre, l'enrobage est magnifique. Voilà, l'enrobage voilà, c'est est ça, magnifique. Ouais. Voilà, donc on va passer vite fait. Pour rester dans les trucs un peu rapides, on va peut-être un petit mot sur Dark Souls. Vu que ouais. Tout se Dark Soulise, eh ben on va Dark Souliser un petit peu le podcast pendant quelques secondes. On va laisser les gens nous insulter. J'ai essayé deux fois de m'y remettre en jouant à peu près 5-6 heures de jeu. Non, pas ça, si je raconte des conneries, pas du tout. J'ai quand même joué 2-3 heures facile, hein, bien tassé. Je suis désolé, je n'y arrive pas, ça me fait chier. J'ai l'impression de perdre mon temps. Alors... La progression par l'échec, je veux bien, mais pas qu'on te fait repeuper à 15 000 années-lumière et qu'on te retire des équipements et qu'on te tire des trucs et faut aller retrouver son cadavre et puis nanani, nanana. Non. Ça me casse les couilles. Ça m'intéresse pas. J'ai une famille, j'ai un gamin, j'ai pas le temps pour ces conneries. C'est un. Pour utiliser une expression, on va dire, pas trop. Pas trop violente. Pour moi, c'est un jeu de no life. Si tu n'es pas no life, tu peux pas jouer à Dark Souls. Je suis désolé, je veux dire, il y a tellement de jeux bien, quoi, merde, autour, que tu passes ton temps à perdre. Parce que c'est ça, hein. Même si t'es fort, hein, tu passes ton temps à perdre. Donc même si t'as compris que faut faire des roulades, etc., je suis désolé. Moi, j'ai besoin de cligner des yeux hein, quand je joue, hein, personnellement, sinon j'ai mal aux yeux après, quoi. Tu clignes pas des yeux, le boss, il t'en colle une, t'as 70% de ta barre qui saute. Ouais, non, je suis désolé, ça m'amuse pas, quoi. Tu vois, quand t'as une vie de famille, que t'as un boulot, et que parce que nous et que tu dois choisir les jeux auxquels oui, tu dois jouer. Parce c'est... que nous, faut le dire, enfin moi personnellement, tu vois, j'ai quelques heures de jeu par semaine à disposition parce que bah il y a le boulot, puis on est fatigué, et puis pourtant bon bah voilà, je choisis et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On choisit parfois aussi nos jeux en fonction du fait que si t'achètes un jeu, tu sais que tu le termineras jamais. Bon. Ça sert à rien. Et moi, j'ai été un petit peu hypé parfois par Dark Souls, mais plus par Bloodborne, en fait, qui a l'air un peu plus nerveux. Mais je me suis dit, si c'est pour que je le finisse dans 6 mois, ça. Non. Ça sert à rien, quoi. C'est dommage, parce que tu vois, moi, c'est pareil, la DA. Ah, la DA. Moi, c'est surtout Dark Souls qui m'a hypé avec la DA. Vraiment. Dark Souls, pardon. Bloodborne. Moi, j'ai Dark Souls sur PC, tu vois. En plus, il est plus beau, tu vois, sur PC et tout, même si le jeu n'est pas super bien optimisé. Là. Machin d'ail, la édition, je sais plus, Scholar Edition, enfin, ah, je m'en souviens plus, ils mettent des noms à la con, tu sais, à côté, là, parce que c'est, en gros, c'est les versions où, en gros, on a fait la mise à jour du jeu comme il devrait être, normalement, mais on l'a sorti avant parce qu'on n'avait plus le temps. Voilà, moi, j'appellerais ça comme ça, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est ce truc-là déguisé, quoi. Et moi, t'as pas été hypé un peu par Bloodborne, par exemple, qui était censé être un petit peu plus. Si, mais moi, tant que ça sort pas sur PC, ah bah oui, t'as pas j'y jouerai pas, parce que je vais pas jouer ça sur ma console. PS4 maintenant, mais... sur ma console, je vais jouer à des jeux où je sais pas, on va jouer avec Kelly, tu vois, enfin, on a les mêmes goûts, ce jeu-là, ça va m'intéresser si j'y joue genre le matin tôt avant de bosser, tu vois, je vais jouer une heure, genre comme Diablo, tu vois. J'aime bien, c'est des jeux, j'y joue tout seul, tu vois. Diablo, voilà. Moi, j'aime bien jouer tout seul devant ma télé aussi. Je tape des monstres, papa, je me fais mon petit loot, tu vois, puis j'arrête de jouer. Voilà, je sais que Bloodborne, ce sera ça. Je vais jouer, tu vois, une petite heure, puis après, je vais arrêter. Tu vois, mais je vais pas. Ah, c'est pas le jeu, t'as envie de t'installer dans ton canapé tranquille. Non, pas du tout. C'est ça, pas genre vraiment, d'expérience que t'aimes faire sur ton canapé, quoi. Sur mon canapé, j'ai envie d'avoir du Uncharted, quoi. Tu vois, ou du Skyrim, à la limite. C'est-à-dire que si c'est vraiment une aventure, c'est waouh, c'est. Au grand air. Oui, Dark Souls, tu prends ton temps. Tout est trop basé sur le skills, en fait. Dark Souls, tu fais une roulade, t'attaques, tu fais une roulade, t'attaques, tu fais une roulade, t'attaques. Bon, la vie dans Dark Souls et même dans Bloodborne, ça résume à loquer et à faire des roulades autour d'un truc, quoi. Donc non, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, c'est beau, mais je vais me faire chier, moi. Donc c'est, en tout cas, moi, je suis pas le bon public pour ça. Disons pourtant, que j'adore les RPG. Moi, je serais au chômage. Je n'aurais pas d'enfant, je pourrais jouer toute la nuit puis dormir le lendemain jusqu'à midi. je me serais peut-être laissé hyper, j'avoue, au moment où Bloodborne est sorti, mais surtout par rapport à la direction artistique qui, moi, m'a Moi, c'est ça, c'est surtout ça, moi, Bloodborne, qui m'a vu qu'il est un peu plus nerveux à jouer, d'après ce que j'ai compris, qu'un Dark Souls classique, je me suis dit, putain, c'est vrai que le jeu, visuellement, il a une classe folle. Et Dark Souls 3 aussi. Oui, bah, Dark Souls 3. Et pareil, ça recommençait un peu avec Dark Souls 3, parce que sur des podcasts que j'aime bien écouter, sur des sites ou des mags que j'aime bien lire, ça m'a un peu hypé, quoi. Mais je me suis dit... Faut voir comment les gens l'encensent. Et bah, tu sais quoi ? Moi, j'ai réessayé de faire le premier Dark Souls à ce moment-là. Je me suis dit, merde, putain, allez ! Oui, est-ce que finalement, t'as un avis vachement objectif sur le truc, vu qu'ils ont quand même amélioré, d'après ce que j'ai compris, la formule quand même en... Mais tout le monde dit, ah, faut faire le premier, le 2, tu n'es pas obligé de le faire. Oui, le 2, il est un peu désavoué parce que c'est pas le créateur original de la série qui l'a supervisé apparemment. Donc, Oui, bon, un peu comme Bioshock 2. Quoi. Oui, voilà. Ah, faut absolument faire le 1, il est super, et puis c'est relié au 3, tu vois. Puis le 1, si, il est faisable maintenant, il est trop bien, blablabla, blablabla. Putain, c'est chiant, quoi. Dès le début du jeu, tu dois aller dans un marais avec des fantômes. Putain, non, tu te fais zigouiller toutes les deux secondes. J'aimerais, avant qu'on passe au jeu suivant, dire quelque chose. Alors, ça va peut-être être une révélation pour beaucoup, beaucoup de gens, mais les jeux vidéo n'ont pas attendu Dark Souls pour être difficiles. Ah, c'est clair. Moi, on a l'impression que Dark Souls, c'est le premier jeu difficile. Les gens ont la quoi. Mémoire courte. Moi, il y avait des jeux qui étaient limite parfois même infaisables, mais qui étaient très très dur, que ce soit sur 8 et 16 bits. Peu de gens se souviennent de l'arrivée de Clover à l'époque, donc la team qui est devenue après Platinum Games, du temps de Capcom, Clover. Quand Clover s'est constitué, c'est qu'il voulait, il trouvait que le jeu vidéo était devenu trop facile. PN03, il voulait proposer des expériences hardcore, plus dures. Tu prends par exemple, Beautiful Joe. Quand ils l'ont sorti, ils te disaient voilà, c'est hardcore, c'est compliqué, il faut s'accrocher, voilà. Ouais, il y a pas beaucoup de gens qui ont terminé le jeu. Alors moi, j'ai rage quitté au boss de fin, voilà, parce que vraiment j'y arrivais pas et après avoir essayé deux heures, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que successivement dans l'histoire du jeu vidéo, il y a eu des jeux qui sont venus très durs pour faire genre regardez, on fait gamer, alors que un jeu gamer, ça veut pas dire forcément un jeu difficile. Ça, faut qu'on arrête de... Pour moi, je suis beaucoup plus en admiration un game design et un level design à la Miyamoto, à l'époque où vraiment il mettait les mains encore plus dans le cambouis, où il proposait une difficulté vraiment à la carte selon les joueurs, quoi, en fait, que quelqu'un qui te dit d'emblée, voilà, tu vas souffrir, tu vas te prendre un coup dans la gueule et il va... Non, mais regarde, même pas forcément. Regarde, moi, je suis beaucoup plus admiratif devant un truc comme Ghost and Goblins, parce que Goose and Ghost, c'est plus facile que Dark Souls. Goose and Ghost, les gens ont tendance à dire « Arrête, c'est impossible !» Non, Goose and Ghost, il n'est pas impossible. Parce qu'en mais il est quand même hardcore, tu vois. Il est hardcore, mais en fait, il y a un truc que les gens ont oublié, ça s'appelle la concentration. Et c'est sûr que si tu parles en jouant, ou si tu joues en train de filmer ta gueule pour la montrer sur YouTube, et que tu sautes partout, tu fais n'importe quoi, oui, le jeu sera dur. Mais faut se remettre dans le contexte de l'époque. Goose and Ghost, c'est un jeu d'arcade. T'es devant ta borne, tu mets ta pièce, t'es concentré, le jeu, tu peux le terminer. Avec de l'entraînement, tu le termines. Il est dur, mais pour moi, Goose and Ghost n'est pas hardcore. Il y a pas longtemps, j'arrive à le terminer en utilisant que un ou deux crédits, mais alors grand moi, j'ai maximum. J'ai nuance. Moi, qui est un énorme fan de la saga des Makaimura... C'est le Ghost and Goblin qui est le très compliqué. Le Ghost and Goblin, c'est le plus dur. Moi, lui, il est hardcore. C'est un jeu hardcore. Moi, Goose and Ghost, je le trouve quand même toujours hardcore. Moi, celui dont on dit qu'il est hardcore et que ça me fait bien rigoler, c'est Super Goose and Ghost. Que Super Goose and Ghost. Ah bah moi, je le vois en crédit. Hein. Super Goose and Ghost, qui reste mon épisode préféré d'ailleurs et qui est très souvent à tort par plein d'incultes nommé comme un remake. Donc... Non, bah, me lance pas là-dessus, je voilà, vais m'énerver. Donc je sais bien. Et puis on en a parlé dans l'épisode 0, donc à l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais tous ceux qui disent que c'est un remake de Goose and Ghost sont dans ma liste de gens qui méritent la dans mort. Dans Death Note. ils sont dans mon Death Note. Je suis désolé, quoi. Comment tu peux dire que le jeu c'est un remake alors que c'est pas le même jeu ? En tout cas, Super Goose and Ghost, il est pour la moyenne des joueurs, peut-être effectivement, il y a des passages ardus. Mais à l'image de la série, ça reste quand même le plus facile. Essayez, parce que moi à l'époque, quand j'avais fait une rétrospective pour un Retro in Magic sur nos lives de la saga, Il y avait un épisode que j'avais jamais essayé. Et Dieu sait que je suis fan de la saga, mais celui-là, bon, j'avais pas poussé le vice jusqu'à l'essayer. C'est l'épisode WonderSwan. L'épisode WonderSwan, essayez-le. La WonderSwan, ça tourne très bien en ému. Hein. Color ou Non, c'était noir et blanc. C'était vraiment la monochrome. Le Ghost and Goblin de la WonderSwan, il est intéressant parce que le sprite est énorme à l'écran. C'est pas du tout la même échelle de jeu en fait. Et puis c'est des petits stages. C'est beaucoup plus court. Mais alors, faut s'accrocher aussi quoi. Bah, rapidos là par rapport à Ghost and Goblin, je conseille aussi beaucoup aux gens de jouer à la version GBA. Oui, qui est remanié, si... ouais. Qui a un mode classique et un mode remanié, ouais. Et très voilà. Bien. Alors même si les musiques sont moins bonnes que sur la version Super NES, en fait t'as des remasters de niveaux de Ghost and Goblin dedans. En fait, t'as des niveaux. Je sais parce que j'avais fait en ému celui-ci parce que j'avais pas eu la cartouche. Et ils sont super. T'as des boss inédits et tout. Franchement, il y a plus de secrets que dans la version Super NES. Très bon épisode. Je crois qu'on peut dire que là, au moment où on est du podcast, on va finalement l'enregistrer en deux fois. Alors, on va pas le faire en deux épisodes, hein, ceux qui écoutent. avec la magie du montage, mais comme on aime bien, je pense que c'est aussi un des principes de Broca, c'est de pas vous masquer la petite cuisine interne à travers voilà des montages magiques, etc. Avec montage, vous aurez la suite de l'émission là tout de suite, c'est formidable. Mais nous, on va l'enregistrer en deux fois parce que là, clairement, je pense qu'on a été un petit peu optimiste en s'imaginant pouvoir caser une vingtaine de jeux. En une heure et demie. En fait, ouais, fallait mettre 10 jeux. Pas mettre 20. Et donc là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire, vite, celui-là, on va le faire en deux mots. Mais là, franchement, ceux qui restent, on peut pas le faire en deux mots. C'est voilà. Impossible. Donc vous allez écouter là, je vais peut-être mettre un petit jingle rigolo, comme pour la pause pipi de l'épisode 1. Et puis, on va poursuivre sur, parce qu'il nous reste vraiment 1, 2, 3, 4, 5 titres. Et je pense qu'il y en a un où personne ne sera d'accord avec nous. On est peut-être les deux seuls, je pense, au monde à pas aimer ce jeu-là. Mais voilà, un peu, voilà. Il faut parfois être une exception. Comme moi, je suis le seul en France à avoir aimé le film Rod et Robin des Bois. Je suis le seul à qui ça fait rire. Non, t'es pas le seul, hein. Je peux te dire que moi, dans ma belle famille. Ah bon, bah, il faut qu'on se forme à un club parce que. Chez Kelly, il y a du fan. À part moi et Natacha, j'ai l'impression qu'on est que deux à rire devant, à hurler de rire. Non, mais je pense qu'on doit être une vingtaine. La scène du prononciation du prénom Guy. Moi, je peux voir ça mille fois. Je hurle de rire à chaque fois. Pierre, voilà, on va contrer tous ceux qui étaient dodo hier, enfin bref, etc. Ouais. Et ce serait marrant de faire un hors-série film mal aimé, mais voilà, les films que tout le monde déteste sauf nous. Donc là, je vais mettre un petit jingle rigolo et puis on va poursuivre avec les 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 titres, à mon avis, ça va pas nous causer du bien, mais voilà, on préfère être honnête. Donc, on va donc repartir sur un jeu un petit peu plus récent, sorti fin 2014. Et putain, ça a été une déception cataclysmique. Monumentale. Ouais. Monumentale. Ah, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais... Alors, pas du tout. Voilà, comme beaucoup de titres qu'on a évoqués dans cette émission, ce n'est pas un mauvais jeu. Mais pour moi, c'est scandaleux vu qui est aux manettes. Donc, c'est The Evil Within. Conceptualisé, réalisé par Shinji Mikami. Donc, on le rappelle très rapidement. Enfin, je pense que vous le savez tous, mais bon, on le rappelle rapidement. Ah, c'est le mec de Resident Evil, quoi. C'est le papa de Resident Evil, et qui a ensuite fait sa propre révolution dans la série avec Resident Evil 4. Ouais. Shinji Mikami, on va pas rappeler tous ses jeux, mais bon, voilà. Vanquish extraordinaire. Ouais. Plein de jeux fabuleux, et du coup... Et Goof Troop qui était très bien, c'est vrai. C'est vrai qu'il était sympa. Ouais. The Evil Within, en fait, c'était le retour du papa de Resident Evil sur le Survival Horror, et ça, moi, personnellement... Ouais, c'était très attendu. Hein, c'était hyper, hyper, hyper attendu. Donc là, c'était sous la bannière Bethesda, et ça s'est fait au sein de son nouveau studio qui s'appelle Tango Gameworks. Ouais. Donc The Evil Within... un peu pourri, le nom, mais... Oui, bon bref, si le jeu était à la hauteur. Mais alors le problème, c'est que The Evil Within, qui n'est pas un mauvais jeu, moi, j'ai été mais dégoûté de la vie, puisque déjà ça avait très mal commencé, je rappelle brièvement, j'avais commandé le jeu sur Amazon, et Amazon me l'avait envoyé 2 jours avant la sortie officielle. J'étais très content, j'avais voulu faire un live Twitch. Deux problèmes, je m'étais fait kicker. Ah oui, le patch Day One. Voilà, alors il y a 2 soucis, c'est que je m'étais fait kicker le cul après quelques minutes de stream, puisque le jeu officiellement n'était pas sorti, donc ouais. Voilà, j'ai pas pu continuer le stream. J'ai même été banni 24 heures hein, de Twitch pour ça, sachant que je n'avais pas, voilà, c'était pas une copie, c'était un c'était vraiment le jeu original que j'avais acheté avec mes sous. Et en plus, autre souci, c'est que, et ça, c'est une, pour moi une catastrophe, le jeu sans le patch, c'était une catastrophe. Alors, oui, il était pas jouable en fait, il était tout simplement pas jouable. Je crois que, alors il y en a qui avaient fait des mecs qui avaient fait des tests, je crois que tu tombais parfois à 10 FPS en plein jeu. Alors que le jeu est pas très beau. Hein, alors que le jeu est pas très beau déjà, le moteur un peu foireux, mais on en reparlera sûrement 2 secondes. Mais voilà, donc du coup, ça avait très très mal commencé. Une fois le patch installé, tout ça, j'ai pas aimé le jeu en fait. Je l'ai vraiment pas aimé, à part quelques scènes qui m'ont vraiment plu. Je crois que ce y a, que voilà, il y a quand même des scènes qui sont fortes dans le jeu. Mais sachant que les 3/4 sont pompés sur R4, donc c'est oui, ça qui bien est, sûr, qui mais est t'as dommage. T'as quand même quelques scènes, des sortes de trucs, particulièrement à la fin, sorte d'enfer là où tu marches sur des cerveaux avec des scies partout. Enfin, il y a quand même des moments forts dans le jeu. Le problème, c'est que le jeu, à mes yeux, hein, il y a 10 heures de jeu en trop, quoi. Au moins, hein, il y a franchement au moins 10 heures de jeu. Le jeu, il aurait dû faire 6-7 heures. Il est trop long. Il est beaucoup trop long. Et en fait, t'as des scènes d'action, sans déconner, qui sont minables, qui sont rallongées, avec plein de problèmes de caméra, de pop d'ennemis, des soucis de collision, des boss enfin. Genre, tu sais, le faux Pyramid Head, là, la copie Eco Pyramid Plus, Leader là, Price. Voilà, de Pyramid Head, tu le rencontres une fois, tu dis, ouais, c'est cool, mais après, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après, ils sont 5 contre toi dans des salles où tu vois rien, où faut mettre de la vapeur là pour qu'ils apparaissent. Enfin, en fait, le gros problème, c'est ça, et aussi autre chose. Et moi, ça m'étonne que dans la presse, personne n'en ait parlé. Ce qui prouve quand même qu'en général, dans la presse, les journalistes ont la mémoire courte. Et parce que le jeu a eu très bonne presse, hein, quand même. Et que globalement, surtout, oui, globalement. Je sais pas, c'est le mec qui a fait Resident Evil 4. Je sais pas, regarde un peu Resident Evil 4. Tu vois, tu fais le test de The Evil Within, tu dis, bon, bah allez, qu'est-ce qu'il a fait avant si je compare à son ancien jeu ? Personne a remarqué qu'il y avait les mêmes animes. En plus, je pense que c'est des animations qui appartiennent à Capcom, quelque part. Enfin, tu vois. Je sais pas juridiquement comment ça se passe juridiquement, parce que les zombies là dans le jeu, quand je dis que c'est les mêmes animes, c'est pas genre un abus de langage, c'est les mêmes animations. Ouais, c'est les mêmes animations choqué, des modèles 3D avec le petit coup d'épaule vers la gauche, genre quand je me prends une balle, et ensuite paf, tu vois, le genou gauche en premier au sol et hop, je tombe. C'est les mêmes, il y a des animations de mort ou des animations, tu sais, quand t'as le shotgun et tu tires et tu les éjectes. C'est les mêmes que Resident Evil 4. Tu sais qu'ils ont repris. T'as l'impression qu'ils ont repris des modèles 3D, tu vois, qu'ils ont améliorés, évidemment, mais que certaines routines d'animation ont été carrément reprises des R4. Comment tu peux tolérer un truc comme ça ? Pour moi, c'est pire que ça. C'est que d'ailleurs, il y a même du vol, quoi, de code. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir sur ma chaîne, qui s'appelle The Evil Within est un bon jeu. Mais en fait, moi, ce qui m'a choqué dans The Evil Within, c'est que il y a vraiment quelques points très importants que je vais évoquer rapidement, mais pour moi ils sont hyper importants. C'est qu'en fait, Mikami, il a fait un pot pourri de ce qu'il a fait par le passé, donc il s'auto-cite, il y a de l'auto-citation en permanence, c'est-à-dire que ce qu'on trouve, pas mal, hein, ce qu'on trouve très sympa, moi j'ai trouvé ça sympa au début, les clins d'œil à Resident Evil 1, au début on a notamment un fameux quoi, qui fait vachement plaisir. Sauf que c'est à outrance, il cite c'est trop. Resident Evil, il cite énormément Resident Evil 4, on rejoue parfois quasiment les mêmes scènes, mais vraiment les mêmes scènes, quoi, et parfois pour moi en moins bien, avec moins de tension, avec un level design plus faible. Il a pris aussi ce qui lui a plu à droite à gauche, donc il y a beaucoup de Silent Hill, il y a beaucoup de ce qui s'est fait aussi en Occident, donc tac tac tac, pioche, donc soit, mais venant d'un mec comme Mikami, ce côté pot pourri et ça dépasse rarement ce côté pot pourri, pour moi, c'est vraiment dommageable. Le jeu est truffé de bugs. J'ai eu des scènes où je visais bien des mecs, vraiment, sur des scènes hyper tendues en plus, hein, tu pouvais crever d'une seconde à l'autre. Ouais. Je visais les têtes de gars, mais vraiment, hein, bah, les balles traversaient, j'avais un game over, je refais la même scène, et ça, je le montre dans la vidéo. Là, ça tire. Là, la balle, elle est prise en compte. On parlait tout à l'heure là, des pyramidettes de Leader Price, là, les mecs avec les coffres. Ouais. Là, la fameuse scène où tu es dans une salle un peu réfrigérée, là, où j'ai dû la recommencer, mais 25 000 fois. Ouais, c'est celle-là. Ben, tout le monde, Bruno. Oui, mais moi, j'ai des gros soucis, c'est qu'il faut être sans cesse en mouvement dans cette salle pour pas qu'il te bute. Oui, oui. Et moi, plusieurs fois, devant donc une corniche où je devais monter pour accéder à la salle... Le perso monte pas. Le perso monte pas. Une fois sur deux, je devais bourriner le bouton croix. De mémoire, je crois que c'est le bouton croix. C'est incroyable que tu parles de cette scène. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé de... Ah, mais moi, ça m'a rendu fou parce qu'une fois sur deux, ça ne marchait pas. Et je me faisais buter à cause de ça. Avec Kelly, on a fait arrêter le jeu. Et c'est à ce moment-là. Hein, et c'est encore moins excusable. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai joué sur PC, j'ai joué en ultra. J'avais pas les boards, j'étais en 60 FPS. Et genre, oui, donc t'avais un confort de jeu supplémentaire. Moi, j'avais la version, genre, mais mieux que sur PS4, quoi. Non, mais sur PS4, c'est un scandale. C'est que par exemple, toi, ce que t'as montré, les pops de texture, tout ça, moi, j'en ai pas vu, par exemple. Je veux dire, alors après, on demande pas, c'est vrai que Tango Gameworks, même s'il y a Bethesda derrière. T'as Bethesda derrière. Ils ont pas les moyens, effectivement, peut-être d'un Naughty Dog, bien sûr, je peux comprendre. Mais je veux dire, non, mais t'as pas besoin d'avoir les moyens d'un Naughty Dog pour pas avoir des pops de texture dégueulasses, t'as genre N64 ou Dreamcast, quoi. T'as des jeux PS3 milieu de gen qui sont mille fois mieux optimisés que ça. Je veux dire, quand tu joues, t'as pas l'impression d'être sur PS4, t'as l'impression d'être sur un jeu PS3 mal torché, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Et encore, je suis très méchant quand je dis ça, parce que sur PS3, il y a vraiment, sans parler de ce qu'a fait Naughty Dog ou d'autres gros studios... T'as des studios moyens qui ont fait vraiment des très belles choses sur PS3 qui tournaient bien. Donc en fait, ça c'était hyper choquant. Et je me suis ennuyé, c'est que c'est un pot pourri. Tout ce que j'ai fait dedans, enfin tout, j'exagère, mais on va dire énormément de scènes, je les avais déjà vécues en mieux sur RE4. Les personnages, pour moi, sont vraiment... Enfin, sont pas charismatiques pour un sou. Les cinématiques, mais elles sont dégueulasses. D'entrée de jeu, quoi. Enfin, c'est hyper mal réalisé. T'as l'impression de voir une cinématique Dreamcast mal fichue. J'ai été hyper, hyper déçu, en fait. Et je me suis dit, d'un mec comme Mikami, quoi, qui est, on connaît son talent, on connaît vraiment sa folie et sa maîtrise du gameplay pur, quoi. J'ai été vraiment très, très, très déçu. Et je me suis vraiment senti en décalage avec les reviews dans la presse, quoi. Mais moi aussi, hein. Et je voulais juste dire un truc avant que toi tu conclues ton côté aussi. C'est que moi, ce que je trouve scandaleux, je reviens sur ce patch Day One, c'est que je me dis, le mec qui a pas de connexion internet, il y en a, tu vois. Ah bah oui, il y en a, je te confirme. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens, le mec il a une One, une PS4, et il a pas de connexion internet, mais il y en a. Le mec, ou même plus tard, imaginons quand le service du téléchargement du patch sera complètement HS, n'existera plus. Parce que ça arrivera. Hein. Voilà. Peut-être pas sur PC, mais sur console, ça arrivera. Un mec qui a pas eu l'occasion de se l'acheter, ou je sais pas, un jeune, tu vois, qui découvre les Survival Horror, l'histoire de Mikami, etc. Je te dis un truc, je sais pas comme ça, mais genre dans 15-20 piges, quoi. Il a une vieille PS4 d'occasion et tout. Il veut se faire un jeu rétro. Ouais, voilà. 15-20 piges, voilà. Il veut se faire The Evil Within. Il va jouer à la version non définitive, quoi. Qui rame à 10 FPS, quoi. Il pourra pas y jouer, tout simplement. C'est pas un mauvais jeu, mais sur plein de plans, c'est un gros scandale. Et je pense que, en fait, tu sais, en plus, c'était pile avant cette vague de survival cool, un peu, tu sais, indé, là, sur le net, en vue subjective, un peu, tu sais, inspiré de Pity, tout ça. Il y avait pas encore toutes ces vagues de nouveaux survival sympas, entre guillemets. Si, c'était quand même sorti. Hein. Tous les Amnesia et consorts... Oui, non, mais là, je prends pas Amnesia... Là, tu parles vraiment de la scène indé... Ouais, je te parle là, récemment, tu sais. Ouais. Ou maintenant. Ouais. Mais là, The Evil Within, il sortirait maintenant. Je pense qu'il n'aura pas la même presse, déjà, pour commencer. Et, à mon avis, je pense que... J'ai pas envie de dire, tu vois, que comme c'est Mikami, les gens étaient plus sympas, je sais pas, tu vois. Si... Bah, je me pose des questions. Hein. Moi, mais c'est quand même bizarre, ça, se poser des questions, parce que j'ai pas l'impression d'avoir joué au même jeu. Objectivement... ça reste un super jeu. Hein. Il y a quand même des super moments. Ce n'est pas. Enfin, moi, je ne considère pas comme un. J'ai été énormément déçu, mais voilà, pour moi, c'est un bon petit survival, mais ça va pas plus loin. Quoi. Mais voilà, c'est un bon jeu, mais c'est tout, quoi. C'est pas. Je suis désolé, c'est pas un très bon jeu, c'est pas un excellent jeu. Il est bourré de défauts, bourré de bugs. Il est long, il est beaucoup trop long. Il y a des boss qui sont moisis. L'histoire, bon, n'en parlons pas, voilà. Moi, le seul truc que j'ai, en fait, c'est Série Z de chez Série Z. Le seul truc que j'ai bien aimé, bon, ça en même temps. Ah, oh, les cutscenes, elles sont catastrophiques Resident aussi. Resident Evil, c'était Série Z aussi, mais. Ouais, je sais, mais, bon, mais t'as quand même un gameplay Resident Evil 1, 2, 3, 4. Là, le seul truc que j'ai bien aimé, c'était les allers-retours dans l'hôpital psychiatrique. Ouais, voilà, ça c'est super, c'est les meilleurs moments, ça. C'est les meilleurs moments, etc. Bon, tu parlais des méchants. C'est vrai que le méchant, mais on dirait, on dirait celui de Resident Evil 0. Voilà, qui est le pire méchant de toute la série Resident Evil, en mode Clodo. Ouais. On dirait le même qui est devenu Clodo, en fait. C'est ça, ouais. C'est bref, on va pas. Donc, on vous le conseille quand même si vous l'avez pas fait à petit prix. Fait, il doit pas se payer très cher maintenant. Franchement, à 30€, franchement, sans hésiter, tu vois, en solde Steam par exemple, 30 balles, 20 balles, il est à faire. Là, j'irais plus 20, moi, mais bon. Il est quand même à faire, mais par contre, faut pas s'attendre à. Tu vois, quitte à faire un survival, je sais pas, sur Steam, un survival dans le même style. Bah, il y a Resident Evil 4, déjà. Ah bah, sur de Steam. Façon, en HD, là, la version HD, donc franchement. Je vais faire une Seguela, si à 50 ans, t'as pas fait Resident Evil 4, t'as raté ta vie, quoi. Il faut vraiment faire Resident Evil 4. Non, mais quitte à choisir, faut faire Resident Evil 4, quoi. Ah oui. Oui, parce que même si le perso ne marche pas en tirant, blablabla, ce que tous les rageux ressortent encore aujourd'hui, Resident Evil 4, c'est un monument du jeu d'action, c'est le père de tous les TPS modernes, et je suis désolé, il y a des moments de trouille extraordinaires dedans. C'est un jeu qui a réussi à manier action et peur, où tu as l'impression d'être une proie, d'être un mouton, quoi, poursuivi par une horde de loups. T'as des moments de stress intense, ouais. C'est exceptionnel ce qu'il a fait avec Resident Evil 4, Mikami. C'est pour ça qu'on a peut-être trop attendu lui, parce qu'il a tendance, il avait tendance, en tout cas, il avait... tendance à dépoussiérer les genres, enfin pour moi Vanquish, quoi, mais ça vaut 10 barils de Gears of War. En tout cas, enfin voilà, donc achetez-le très cher si vous voulez pas. En tout cas, c'est toujours mieux que Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Ah voilà. oui, largement, attention. Oui, et faire une Julien Lepers. Ah oui. Ça peut partir en cacahuète à tout moment, on est très fatigué. Ouais. donc voilà, on va passer à. Alors on va revenir un peu à un truc. Un peu plus rétro, alors je dis un truc, c'est un peu méchant pour ce jeu qui a quand même des qualités, mais voilà, pareil, moi j'aime pas du tout. Avant de repartir sur un jeu un peu plus récent, on va parler de Ristar. Ah, Ristar sur Mega Drive, qui est un jeu développé par la Sonic Team et qui est un jeu en général très apprécié par les gamers. Et ben moi je suis désolé, je n'aime pas du tout. Ristar. Ristar, on va rappeler ce que c'est brièvement. C'est une étoile, un petit personnage en forme d'étoile, dont le gameplay consiste à. Très mignon d'ailleurs. Voilà, très mignon. Ouais, le perso est cool. Ouais, allonger les bras pour choper ses ennemis, les cogner sur sa tête. Il met des coups de boule avec ses bras qui s'allongent, il peut s'accrocher partout. Alors, c'est une idée de gameplay qui avait été à la base évoquée lors de la création du tout premier Sonic. Quand Sonic aurait pu être un lapin et qu'il aurait pu choper des objets avec ses oreilles. Donc c'est une idée, on va pas refaire l'histoire de Sonic, le concours de mascotte en interne chez Sega où il y a eu plein d'idées qui ont été brassées, tout ça. Et donc à un moment donné, bah, y a eu cette idée-là de lapin qui prenait des objets et des ennemis avec ses oreilles. Donc ça a été repris donc X années plus tard dans Ristar. C'est pas une mauvaise idée de game design. C'est hein, pas en une soi. Mauvaise idée de game design, mais pour moi, elle est très mal exécutée dans le jeu. Ouais, en fait, le problème, c'est le level design, quoi. Ah, bah, c'est mou de la miche, quoi. C'est-à-dire que c'est très lent. Bah, c'est lent et surtout, tu un sais. Un peu laborieux. Ouais, c'est grand, t'as trop de chemin. Tu sais, t'as trop de possibilités de chemin et en fait, c'est toujours pareil. C'est des sortes de grands labyrinthes. Tu vas de gauche à droite, tu dois trouver la sortie. Et puis, je trouve que. Visuellement, ça pique les yeux quand même. Hein. En fait, c'est très le jeu est super statique. Tu vois, par exemple, quand tu tends les mains, le perso s'arrête, si je me souviens bien. Ce qui fait que ça hache beaucoup le game flow en fait. Ce qui fait que ça aurait pu être un jeu. Tu vois, si tu cours en même temps, tu tends les bras, mais tu sais, tout en courant pour choper des ennemis, tu les gardes dans la main, par exemple, pour les balancer ou Un peu comme dans Magical Quest, tu sais, quand tu récupères, tu sais, tu sautes sur un ennemi, puis hop, tu le gardes dans la main. Exact, oui. Tu vois, tu peux te déplacer avec et les lancer à la fois, etc. Ça aurait donné un gameplay super dynamique et, tu sais, très, très ascendant, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, tu t'arrêtes pas, il y aura un vrai flow, il y aura un vrai game flow. Là, c'est pas le cas. C'est que le gameplay est super assuré et surtout, c'est pas amusant de buter des ennemis, quoi. Tu sais, tu les prends, tu... Enfin, je sais pas, c'est très statique, quoi, c'est... Ouais, c'est mal exécuté, je pense que sur le papier, c'est vrai que tu te dis, putain, ça va être génial. Et je pense que ça aurait pu être génial, et comme tu dis, c'est très assuré. Même les boss, les idées contre les boss sont pas terribles. En fait, je trouve qu'il a vachement... tu sais, il a le syndrome des vieux jeux à l'époque, où le premier niveau est sympa, mais tout le reste, c'est toujours mais pareil. J'ai même beaucoup de mal avec le premier niveau, c'est qu'en fait, il y a aussi le souci, je pense que, donc comme tu dis, il y a le gameplay qui est très assuré, exécuté de manière plus fluide, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment hyper sympa. Je trouve plus agréable. Voilà, je trouve que le level design, t'as l'impression qu'il s'accorde pas assez avec cette histoire, et je trouve que c'est très brouillon. Visuellement, c'est ce que je reproche à certains jeux, et donc certains Sonic, on va y revenir, c'est que c'est foisonnant de couleurs criardes, et je trouve que c'est trop, pour moi, c'est trop fouillé à l'écran. Il y a un manque de lisibilité, même y compris des actions que tu peux faire, parce que tu peux t'accrocher à certaines plateformes, tu peux tourner autour de certains, on va appeler ça des poteaux, mais voilà, de troncs, de branches, etc. Je trouve que c'est l'anti-Rocket Knight, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une bonne idée, quand tu vois ce qu'a fait Konami avec Rocket Knight, que ce soit la version Mega Drive ou Super NES, d'ailleurs, les idées gameplay, le fait de s'accrocher claque-queue, le fait de faire des dashs, c'est fait toujours de manière super dynamique et c'est super fun à jouer. Là, Ristar, c'est un peu l'inverse, c'est que c'est une bonne idée sur papier aussi, mais voilà, à jouer, c'est... Les musiques, elles sont sympas, mais sans plus. Hein. Ouais. En fait, c'est un jeu que t'as envie d'aimer, en fait. Mais que, voilà. Il est sorti loin dans la vie de la Mega Drive et je pense que voilà, ça faisait un jeu de plateforme de qualité, quand même. Ça reste un jeu de qualité, tu vois. Tout à fait. Mais c'était la fin, quoi. Moi, j'adhère pas du tout. C'est juste que les gens avaient faim. Je pense que c'est tout. Les gens avaient la dalle. Et puis voilà, il y a eu Ristar et ils étaient contents. Mais si tu regardes en arrière, quand tu compares à Sonic, Sonic 2... Ah, il est même sorti très tard, parce que je vérifiais la date là en même temps, parce que moi je le voyais vers genre 93-94, c'est 95. Tu vois, il est sorti vraiment tard. Tu compares à des jeux, je sais pas, comme les Mickey, Quackshot. Ah oui, rien à voir. Il fait pas le figure, quoi. Donc, ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que voilà, qu'il est toujours entre guillemets adulé. Hein. Je mets des gros guillemets, mais c'est un jeu qui a énormément de cotes. Enfin bref, on va passer au suivant. Ouais, voilà, il est populaire, mais bon, j'ai pas tant l'impression qu'il soit. J'ai pas l'impression qu'il soit tant adulé que ça, mais en tout cas, s'il fait partie des jeux où t'as pas le droit de dire que t'aimes pas, tu vois, c'est genre Ristar, ah bah non, attends, c'est le dernier vrai bon jeu de la Sonic Team, blablabla. Ouais, bah je suis désolé, c'est un jeu moyen. Même si je trouve que c'est un jeu moyen. Hein. Même s'il est vachement buggé, j'ai préféré un milliard de fois plus Billy the Hatcher sur GameCube de la Sonic Team que Ristar, tu vois. Ouais, c'est clair. Et pourtant, il est buggé tout ça et. Il est lui pour le coup, il est vraiment oublié lui. Hein. Et alors ça, moi, ça me tue parce que j'adore ce jeu. Enfin bref, on va passer à autre chose. Sinon, on va encore s'éterniser. Je vais te laisser embrayer sur le prochain parce que là, il y a tu l'as fini. Ouais. Moi, j'ai rage quitté, comme disent les jeunes dans le vent sur Internet. Au bout de quelques heures, j'expliquerai en trois mots après ton cri de rage sur ce jeu. On va parler d'un Zelda. D'un Zelda, et Dieu sait que ces derniers temps, avec les Zelda sur console de salon, on n'a pas été forcément gâté. C'est dire si on attend le prochain sur Wii U et NX, qui je pense aura pas de mal à les écraser de son orteil. On va parler de Skyward Sword. Zelda, on le rappelle, qui était sorti donc sur Wii. Ouais. Catastrophe. Et qui voilà, qui moi. Et j'ai envie de dire comme on dit, je l'ai platiné. Comme disent les jeunes. J'ai tout fait. Eh ben tu sais, tu devrais recevoir une médaille pour ça. Même la quête des insectes, j'ai tout fait. Il me manque rien. J'ai ce qu'on appelle une sauvegarde full quoi. Quelle déception. Pareil, je peux pas. Je pourrais écrire un bouquin, tu vois, sur Skyward Sword, donc. Voilà, je te fais 600 pages, moi, sur ce jeu-là. Skyward Sword m'a tué. Voilà. Skyward Sword, c'est tout simplement tout ce que Zelda ne doit pas être. Et ils l'ont fait, quoi. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire un jeu ultra dirigiste, exploration zéro, scénario... beaucoup de blabla. Scénario à la manga, tout ce que je déteste dans les mangas, quoi. Genre Zelda. Je fais mon petit rire, je tends le fion et tout. Link, vas-y, prends-moi les fesses, mais me prends pas quand même. Tu vois. Non, je ne cautionne pas. C'est une catastrophe. Cher Zelda, Julien, vous allez un peu loin, je trouve. Elle a jamais été aussi catastrophique. Zelda, tous les PNJ sont à chier. Le mec, là, avec sa grosse touffe rouge, genre, je suis le rival de Link, là. Avec ses deux sbires de merde, Link avec ses lèvres d'Ariel Dombal, là. Mais c'est tout ce qu'on déteste chez Zelda, parce que dès le début... Nous, ce qu'on parle, aime dans les Zelda, c'est tu prends ton épée, tu pars à l'aventure en deux secondes. On s'en fout du scénario dans Zelda. Et puis merde, Link, il n'en a rien à branler de Zelda. Il va la sauver, mais il a jamais eu envie de la pécho, quoi. C'est là, quoi cette histoire de... Ça jacte trois heures avant de rentrer dans le truc. Vas-y, je te fais un bisou. Le méchant là qui fait avec sa langue là qui veut lécher des épées là avec ses grosses connotations sexuelles, ennemi de merde, alors qu'à la fin du jeu, et j'en ai rien à foutre si je spoil, à la fin du jeu je t'arrête tout de suite, mollo la guêpe, hein, comme diraient les anciens. Non mais attends, à la fin du jeu, c'est en plus, tu sais, il a une épée, et en fait son épée, il me semble que lui tu le défonces, tu vois, à la fin, et en fait tu combats contre son épée, si je me souviens bien, ou c'est lui qui se fait posséder par son épée, et là, t'as une sorte de Vegeta métallique qui pue la classe. Je veux dire, mais pourquoi c'est pas lui dès le départ, le méchant? Et ensuite, tu combats donc l'esprit maléfique, là, qui est une sorte de Ifrit, en fait, c'est de Final Fantasy. Ifrit, mais version foudre, tu vois. Pareil, qui est extrêmement classe, pourquoi c'est pas eux, tu vois, dès le départ, les méchants, et qu'on doit se taper un laquais de merde à deux balles que t'as même pas envie de rencontrer? En fait, le problème de Skyward Sword, c'est que les donjons sont vraiment bien. En fait, les donjons sont pas mal, même si la jouabilité à la manette est casse-couille au bout d'un moment. Les donjons sont quand même top. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu. C'est le donjon et les idées de gameplay dans les donjons. Mais tout le reste autour, hein, c'est une catastrophe. Tu vois, j'en parlais avec Romain. Pour ceux qui savent qui c'est le développeur de Final Fantasy 2 dans ma société. On en parlait, tu sais, quand tu prends l'oiseau, là. Tu vois le truc à 15 000 km, tu dis ils vont faire ce qu'ils ont fait dans Wind Waker, sauf que tu remplaces la mer par du vide, tu vois, par du ciel. Et ben, à la limite, je m'étais dit pourquoi pas, parce que moi je fais partie de ceux qui ont adoré voyager en bateau dans Wind Waker. Ah, moi aussi, je trouvais ça génial. J'avais adoré ça. Ouais. Tu trouves une petite île, tu te poses, il y a un petit trou. C'était le souffle de l'aventure. Voilà, hein. Ouais, t'as une petite quête dans une caverne et tout, etc. Bon. Et ben, même pas. Là, tu t'envoles en oiseau. Écoute, la map, elle doit faire aller 200 mètres, tu vois, genre, de chez toi à la boulangerie, ok? Et t'as les 2-3 îles aériennes qui se battent en duel, dont une île qui, en fait, c'est un mini-jeu, tu sais, où tu te jettes et tu dois passer dans des anneaux, qui est certes sympa, mais de là à faire carrément un lieu, un mini-jeu, faut peut-être pas non plus abuser. Et en fait, c'est d'un vide, mais il n'y a rien, quoi. Vraiment, c'est d'un vide intersidéral, et en fait, c'est un menu déguisé, tu vois, c'est-à-dire que tu voles, au bout d'un moment, on te dit, bah, jette-toi parce que tu le vois pas, mais il y a un trou, tu vois, genre pour aller dans le désert ou dans la forêt, etc., dans le monde sur Terre, là. Il se passe rien, quoi. C'est des niveaux qui se ressemblent un peu tous, en plus, je trouve. Enfin, les environnements sont très... c'est très binaire, quoi. J'ai pas compris, en fait, cette direction très... faux jeu d'aventure, parce que en fait t'as pas de recherche, quoi. Alors t'as quelques moments de grâce, effectivement, où quand tu te jettes de ton oiseau t'atterris sur une baleine géante là qui vole, etc., ou certaines races comme les Tikwi qui sont devenues cultes, quoi. Mais en dehors de ça, en plus ils se payent le luxe de reprendre des phases de Twilight Princess là, quand tu dois choper des grappes là, quand tu dois choper des groseilles brillantes là, dans le monde des fantômes, je sais pas quoi. En fait c'est ça, c'est les boucles de gameplay elle t'explose à la gueule, en fait. Alors que dans les Zelda, justement, la magie et la force du game design de Nintendo, c'est de justement quand même bien camoufler, tu vois, gameplay. Moi, vraiment, il y a trois points qui m'ont vraiment écœuré et qui ont fait que j'ai quitté le jeu. Et puis fail. Voilà, il y a trois points. C'est que, premièrement, ils ont mis l'accent sur ce qu'on critiquait, enfin, ce que les fans détestaient déjà avant dans les précédents Zelda. C'est ces dialogues à outrance avant de commencer le jeu. Moi, ça m'a toujours saoulé, même dans Twilight Princess, hein. Au début. Non, mais ça a saoulé tout le monde. J'aime ça, pas ça du tout. Compte, ça. Il faut se rappeler quand même, vite fait, que, juste une petite parenthèse, une petite anecdote, qu'à l'époque du développement de Ocarina of Time, Miyamoto avait calmé tout le monde en disant qu'il voulait le moins de dialogue possible, il voulait que le scénario prenne le moins de place possible, parce que sinon, dans Ocarina of Time, on se serait déjà tapé beaucoup plus de dialogue. Ouais. En fait, et il avait raison, parce que franchement, là, tout ce qu'on détestait dans les Zelda qui ont précédé Skyward Sword, là, on retrouve ça en fois 100. C'est-à-dire qu'au début, ça ne fait que parler, c'est insupportable. Et pour moi, Zelda, c'est un jeu qui n'a pas besoin de s'encombrer d'un scénario et de scènes de dialogue. L'exemple, c'est que si tu prends les meilleurs épisodes, que ce soit Zelda 3, Link's Awakening... Et le premier, plus récemment, Link Between Worlds, qui est vraiment exceptionnel. T'as un petit peu de dialogue, mais ils sont très succincts, c'est très rapide. Ouais, c'est genre, bon, vas-y, t'as perdu ton épée, faut que t'ailles voir le roi. Ah, Zelda se fait capturer, et basta, quoi. C'est le souffle de l'aventure, tu pars, et puis voilà. Deuxième chose... C'est une aventure à la carte, quoi. Voilà, et je garde le pire pour la fin, mais deuxième chose, Faye, quand je pense qu'on critiquait Navi à l'époque, bah alors Navi, elle est sourde et muette à côté, quoi. Ouais, Faye, c'est une catastrophe. Moi, je me souviens, et je caricature même pas, quoi, à peine, au tout début du jeu, quand tu rentres dans une salle, tu dois récupérer un coffre. Ouais, c'est incroyable. Voilà, elle pop tout le temps. Il y a un trésor ici, est-ce que tu l'as cherché ? Moi, ce que j'aime bien dans Zelda, c'est explorer. Elle te laisse même pas le temps d'explorer un peu autour. Il y a 30% de chance pour qu'un objet soit intéressant. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Ça fait 25 ans qu'on ouvre des coffres dans Zelda. Donc ta gueule, quoi. Enfin, tu vois. Ah oui, puis en plus, quand tu ouvres un coffre ou quand tu fais une action, elle va te le répéter tout le temps. Ah, tu sais, pour ça, il faut appuyer sur A. Oui, ça fait mille fois que tu viens de me le dire. Putain, donc, c'est bon, quoi. Et surtout, pour moi, le point le plus. Vraiment, un peu, chez moi, c'est rédhibitoire. Et c'est ça vraiment qui m'a fait sortir du jeu. C'est cette fucking jouabilité à la Wiimote. Alors autant, moi, j'ai toujours défendu la Wii, parce que pour moi, quand la Wiimote est bien utilisée, ça donnait des choses vraiment très très très intéressantes, voire c'est vraiment super cool, quoi. Ouais, là, je t'expliquerai, il y a un truc qu'ils n'ont pas fait, je ne comprends pas. Mais vraiment, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est l'antithèse pour moi de ce que doit être un Zelda. C'est que dans Zelda, ça fait des décennies qu'on on pose une bombe, on lance une flèche, on fait ça le plus naturellement du monde. Je me suis vu comment m'y reprendre peut-être à 10 fois pour lancer une bombe correctement sur une plante. Ouais, les bombes, c'était la très mauvaise idée. T'as l'impression qu'il faut aller faire une formation pour savoir lancer une bombe. L'initiation sur vol du à vol d'oiseau, là, sur le piaf, là... J'ai perdu 50 000 fois au tout début, parce qu'au début il y a plein de rituels, plein de blabla, c'est super chiant. Quand il faut sauter d'une tour et bien atterrir sur une cible, je m'y suis repris au moins 10-15 fois, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gameplay de merde. Et puis le coup, la harpe qui sert à rien aussi, en plus ça fait, et tu vois, c'est pareil, il y a un autre truc, c'est la harpe pour faire chanter Faye. Quand le jeu est sorti à l'aube des voix dans les jeux, des voix digitalisées, T'as la voix de Faye, tu sais, mais fait, tu sais, au clavier, finalement, quoi. Donc, avec des sons trop aigus et trop bas, et ça fait... Ça fait un truc genre à la Pérus, je sais pas, pour ceux qui connaissent. Et là, t'es devant, je pense que, tu vois, les développeurs, ils se sont dit, ah non, c'est gracieux, c'est poétique, et toi, t'es devant, tu te dis, putain, on dirait un sketch des grosses têtes, quoi. C'est ce que je suis en train de voir. Et, tu vois, par exemple, pour le coup de l'épée, là. En fait, quand ça fonctionne, je te parle des combats, uniquement. Tout le reste, je trouve ça bidon, quoi. Tu vois, à la Wiimote. Ouais. Bon, le tir à l'arc est pas mal, quand même, parce que ça aide, tu vois, pour viser. En fait, t'es même un putain de sniper, quoi, avec l'arc. C'est même trop facile, en fait, à l'arc. En fait, dès que t'as l'arc dans le jeu devient extrêmement facile, quoi. Et ça, c'est le problème, parce qu'avec la Wiimote, en 2 secondes, tu défonces tout, quoi. mais en dehors de ça, en fait, il y a certains moments à l'épée, avec certains ennemis, tu sais, où tu dois briser leur garde, ou les fleurs, c'est les fleurs à la Mario, là, qui ont des sens, en fait, de coupe. En fait, il y a certains moments où je trouve que c'est excellent, et objectivement, il y a des moments vraiment où c'est bien fait. Le seul problème, c'est que leur manette, elle ne marche pas. OK ? Voilà, je pense que c'est clair, la techno ne te permet pas d'être précis, et c'est dommage dans un jeu où tu peux perdre beaucoup de cœurs quand tu te fais taper, parce qu'au début, je crois que tu commences avec 5 cœurs dans le jeu, volontairement, parce que de toute façon, les développeurs savaient très bien que les gens allaient s'en prendre plein la gueule parce que la manette est... Mais attends, je te coupe, parce que ce qui est ouf, c'est que c'était censé promouvoir un petit peu le Wii Motion Plus. Donc, si je me souviens bien, il fallait le Wii Motion Plus pour jouer à Skyward Sword. Mais ouais. tu passes ton temps à le recalibrer, en fait. Tu vois, ce qui est embêtant, même si c'est pas le même style de jeu, je suis d'accord, mais moi, je suis un des grands défenseurs de Wii Sport. parce que oui, mais c'était super fun. Beaucoup ont crié au scandale quand il était pas. Alors je sais plus si c'est toujours le cas, faudrait qu'on regarde, mais quand il était passé, tu sais, devant. Enfin, il est toujours devant Super Mario Bros. Au niveau. Ouais, bah, ça reste le jeu vendu. Voilà, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, il me semble. Il me semble que c'est toujours le cas, à vérifier. Mais... Ouais. Non, je crois que c'est encore le cas. Hein. Voilà. Et moi, j'adore Wii Sport parce que. Voilà, comme tout le monde, on a pu jouer avec nos familles, etc. Et puis, même moi, en tant que joueur, là, j'ai redécouvert ça récemment avec mon fils. Rejouer au bowling, au golf, tout ça. C'est super drôle. C'est super fun et ça marche très bien. Là, est-ce que justement, ils n'ont pas trop surestimé leur accessoire ? En fait, pour moi, le vrai problème, c'est que c'est toujours actif. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un Link qui court avec une épée, tu sais, il a l'air d'un mongol, tu sais, quand il court et qu'il a l'épée dans la main. Tu sais, parce qu'en en fait, il la tient comme toi, tu tiens la Wiimote, et encore à peu près, parce que ça ne fonctionne pas terrible. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi. Ils n'ont pas fait un système où tu peux quand même taper un peu comme tu veux et que Link, il ait des poses quand même assez cool. Tu vois, comme les Zelda 3D, quand tu tapais, tu sais, un combo de base. Tu sais, le 3 coups circulaires et un coup, tu sais, en l'air, etc. Comme dans le Link, tu sais, sur Ocarina of Time, ça allait très bien, tu vois. Ça suffisait à tout le monde de taper des monstres comme ça. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les phases où tu es obligé de viser, tu sais, de faire des coups des stocks ou horizontalement ou verticalement, pourquoi ils n'ont pas garder ça uniquement avec le Z-Target. Quand tu fais le Z-Target, regarde, juste on va penser développeur. Dès lors où tu fais le Z-Target, de toute façon, naturellement, le joueur, il va prendre une pause où il va essayer de viser, ok ? Parce que c'est le moment où il t'a visé. Bon, pourquoi quand tu fais le Z-Target, t'as pas automatiquement un recalibrage toujours à ce moment-là, au lieu de demander au joueur de constamment le recalibrer pendant qu'il joue ? Le mec, il se met devant un ennemi ou devant une plante, tu vois, où il doit viser, il le fait, et là, sans le savoir, sa manette est calibrée. Donc, elle est forcément bien calibrée, parce que le problème, c'est que la console perd constamment le calibrage. Sauf qu'à chaque fois que si tu fais les Z-Target et tu relances le calibrage à ce moment-là, et que du coup, le joueur va, lui, viser, et là, ça marchera, ça va fonctionner, parce que la manette sera calibrée pour ce qu'il veut faire maintenant, tout de suite. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Il y aurait eu 100 fois moins de problèmes. Il n'y aurait pas eu constamment le message à l'écran, votre manette n'est pas calibrée, etc. Là, tu calibres au moment où il en a besoin et le joueur ne le voit même pas. Entre guillemets, la magie aurait pu opérer parce que le joueur ne le voit pas. Il ne va pas recalibrer, il n'a pas l'impression d'avoir calibré. C'est étonnant, alors qu'en fait, il le fait. C'est étonnant de la part de Nintendo parce que je pense c'est tout con. On doit être des milliers à avoir pensé à ça. Ça traduit peut-être, je ne sais pas, un développement peut-être houleux, même si Nintendo, avec leur culture du secret, c'est. On le saura peut-être jamais, ou alors dans très longtemps, parce que c'est pas dans les anciens Iwata Ask, ceci, entre nous soit dit, très passionnant pour pas mal de choses. Moi, j'étais très friand de ça, mais je sais pas s'il n'y a pas eu des conflits internes sur ce genre de choses, parce que je sais pas, c'est Nintendo, bizarre. Quand même, je veux dire, voilà, c'est censé être les rois du gameplay, et il y a des choses, ça, puis tout ce qu'on a évoqué jusque-là, on se demande comment ça a pu être validé, en fait, pendant c'est le développement. C'est pas un mauvais jeu, tu vois, mais... Ah non. C'est un excellent jeu, mais par contre, c'est un mauvais Zelda, quoi, putain. On va reprendre le vieil adage, voilà, un mauvais Zelda... Ça reste un jeu d'action-aventure qui reste vraiment bien au-dessus du lot. Du lot, voilà, c'est ça. Mais moi, tu sais, il m'a fait penser, genre, à ceux sur GBA... GBA. Aussi, bah si, quelque part si. Pour moi, ici, il fait partie des Zelda très arcade, tu vois, pas du tout aventure, parce que je suis désolé, j'ai pas eu le sentiment d'aventure une seule fois dans celui-là. Franchement, c'est un jeu... Ils avaient tenté, effectivement, quelque chose de nouveau en termes de structure. C'est un jeu d'action énigme, avec quelques énigmes, mais tu passes ton temps à taper, quoi. Enfin, je veux dire... Pour conclure, il faut aussi parler vite fait du visuel. C'est qu'en fait, je trouve qu'ils ont fait une grosse erreur aussi, c'est que Skyward Sword, la Wii aurait été HD, aurait eu un signal HD de base, le jeu nous aurait paru beaucoup plus beau parce que il y a un style visuel en fait qui est un peu entre le style entre guillemets mature, voilà, que les fans réclament très souvent à cor et à cri, donc qu'on a pu voir dans Touya de Princesse par exemple, et en clair hérité d'Ocarina of Time, hein, pour faire très simple, et en même temps il y a un petit côté toon pastel, même très pastel, etc. Peinture. Et voilà. Et ça, avec une Wii sur un écran HD, en fait, ça moche. Ça rend le jeu mille fois plus moche, en fait. Ah ouais, t'es obligé d'y jouer sur cathodique, hein, parce que. Voilà, putain, sur cathodique, il rend bien, et sur écran HD, en fait, le jeu est beaucoup plus moche. En fait, cette direction artistique et donc un signal non HD, sur un écran HD, en fait, ça se transforme en catastrophe visuelle. Enfin, c'est mon avis. Ah, puis l'interface, en plus, ça va que tu peux la retirer parce que puis l'interface et avec ça, la grosse Wiimote qui prend tout c'est l'écran, dommage. Là. Ça, ils l'ont pas pris en compte et c'est dommage. Bon, on va dire que ça reste comme un. Enfin, moi, je crois que c'est peut-être le Zelda que je déteste le plus. Ah, moi aussi, ouais, de très loin. Vraiment. Je te dis, je préfère celui sur GBA. Pareil, hein, qui est très arcade parce que les gens. Ils ont... Ouais, ils ont l'impression qu'il y a une vraie map, mais c'est faux. Hein. C'est compartimenté. T'es obligé de te taper un donjon pour accéder à une autre partie de map. Je suis pas très fan de Minish Cap non plus. Je sais qu'il m'a. J'avais décroché en cours de. Il est très irrégulier le Minish Cap. Pour moi, il rentre voilà dans cette catégorie-là des Zelda où même si t'es un fan de Zelda, si tu les as pas fait, c'est pas grave quoi. Hein. Genre tu sais le Oracle of Season et Oracle of Age qui sont bien, hein, qui sont bien aussi, mais c'est pareil. Tu sais, c'est des maps. Très structuré, c'est très. C'est très pas du tout Miyamoto. Je me comprends, tu vois. C'est vraiment. Oui, bah, de façon, ils sont tous sauf libres, quoi. T'as aucune liberté dans ce ça jeu. Ça avait quoi. Été développé par Capcom, bon, supervisé par Nintendo, mais c'était vraiment le. D'ailleurs, il aurait dû en avoir trois sur Game Boy Color à la base. C'est en des fait, jeux scolaires, quoi. Les Zelda vraiment indispensables, pour moi, c'est les quatre premiers. Enfin, les quatre premiers. Ocarina of Time aussi, on va dire que c'est le 1, le 2, le Link to the Past, bon, moi qui reste mon préféré, le Link's Awakening sur Game Boy. Ouais, moi, c'est mon préféré. Voilà, et bon, Ocarina, même si moi je suis le premier à lui reprocher beaucoup de choses, ça reste quand même un monument. Majora's Mask, je l'idolâtre pas autant que certains, Majora's Mask, moi je le dis clairement, mais je trouve. Pour moi, c'est les deux meilleurs, justement. Je trouve très très bon. Après, ça a commencé un peu. C'est Wind Waker, il est très bien, mais c'est vrai que la seconde partie, voilà. Même si je compte le refaire, je sais que sur. C'est marrant parce que moi, cette partie de avec les Triforce, ça m'a pas fait chier du tout, quoi. Mais bon. Moi, sur Wii U, je sais que toi, t'es pas d'accord, mais sur le portage Wii U qu'ils ont fait, moi, me fait très envie, et je sais qu'il y a énormément de potes à moi qui ont vraiment trouvé ça extraordinaire ce portage sur Wii U, donc à l'occasion je me le prendrai quand j'aurai le temps de le faire. Puis après ça commence à partir un peu tout la princesse, j'ai pas aimé, hein. J'ai bien aimé le début et après les phases en loup, pour moi c'est une tannée totale, c'est une catastrophe. Enfin, les phases en loup c'est chiant. Il a mal vieilli, je trouve. Tout la princesse, je sais pas quoi penser en fait. Tu le lances, t'es super content, puis après tu dis comment, ça c'est un peu relou. Ça, c'est chiant. Moi, le dernier vraiment que j'ai aimé, c'est Between Worlds, vraiment, qui est sur 3DS, ouais. Achetez-le. Alors, on va finir par un doublé Mega Drive. Bon, on va pas nous taxer de partisans parce qu'il y a des jeux Nintendo aussi qui s'en sont pris plein la gueule dans cette émission. pardon. Ceux qui me suivent un petit peu sur YouTube, connaissent, et je les remercie, quoi. Chaleureusement, la vidéo que j'ai faite sur Sonic 3, Sonic 3 est un bon jeu, mais voilà. Donc, on va parler de Sonic 3 et Knuckles, puisque à la base, ça devait être le seul et même jeu qui ont été vendus sur deux cartouches séparées. Tu comprends les deux ? Alors, moi, j'ai mis les deux. Parce qu'en fait, toi, je sais qu'il y en a un que tu aimes plus que l'autre. D'accord, parce que si on comprend les deux, effectivement, on ne va pas du tout être d'accord. Voilà, moi, j'ai. Je me suis dit, on va mettre les deux, puisque à la base, ça a été développé comme un seul et même jeu. Pour la petite histoire, ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est que Sonic 3 et Sonic & Knuckles, c'était le même jeu, mais pour des raisons de délai, la Sonic Team a été forcée par Sega de le scinder en deux cartouches, donc en deux jeux bien distincts. Donc il y a eu Sonic 3 et Sonic & Knuckles. Je les mets dans le même panier. Puisque... Ça a dû bien les faire chier, ça, parce que putain, du coup, ça a dû refaire faire un écran titre, refaire des menus spéciaux. Bah, c'est surtout que je vais être gentil un peu avec le jeu avant de le massacrer, enfin avec les deux jeux. C'est que tu prends un de ces deux jeux séparément, c'est vrai que le contenu est quand même gargantuesque. Sachant qu'à la base, tout devait être réuni sous le même jeu, c'est vrai que c'est quand même assez fou en termes de contenu, c'est assez incroyable quand même. C'est impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Parce que faut pas que ceux qui nous écoutent se méprennent. Je ne dis pas que Sonic 3 et Sonic & Knuckles sont de mauvais jeux de plateforme. T'as une Mega Drive, tu joues aux jeux de plateforme, c'est clair qu'ils sont indispensables. Ça, je dis pas le contraire. Maintenant, moi, je parle en termes de fan du premier Sonic que je suis. Et un peu Sonic 2, même si pour moi le Sonic 1 reste vraiment le meilleur Sonic, hein, pour moi ça reste le seul, l'unique, voilà, je vais pas m'éterniser encore, mais Sonic 3 et Sonic & Knuckles, ce qui me plaît pas trop là-dedans, c'est beaucoup de choses, c'est, à part quelques titres, quelques exceptions, c'est la bande-son, que je trouve hyper criarde, à l'image, et ça c'est un des plus gros points noirs aussi pour moi, à l'image des graphismes, qui sont pour moi symptomatiques de la surenchère qu'il y a eu sur Mega Drive vers la fin de sa carrière. C'est-à-dire énormément de couleurs criardes à l'écran, vraiment du surplus. Et ça donne un résultat, je trouve, qui est pas agréable à l'œil, qui est très fouillis, pour moi, qui n'est même pas beau, quoi, tout simplement. Alors, pas à tous les niveaux, il y en a certains qui sont quand même très beaux. Notamment certains niveaux aquatiques, je trouve, qu'ont toujours vraiment une super gueule dans ces deux Sonic. Donc déjà, ça me plaît pas. Le level design, effectivement, est hyper généreux. C'est vrai que les maps sont énormissimes, mais je trouve que ça manque de personnalité. C'est trop foisonnant, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a plein de choses. Enfin, je sais pas. J'ai jamais aimé Sonic 3 et Sonic & Knuckles. Je finis juste avec deux mots très très rapidement. C'est surtout en termes esthétiques, moi, qu'ils m'ont vraiment rebuté. Voilà. Et le level design, absolument généreux, très généreux, mais pour moi, qui se disperse un peu à droite à gauche, et je sais pas. Je trouve que plus resserré, ça aurait été plus amusant. J'ai du mal vraiment à m'amuser, en fait, avec ces jeux-là, quoi. Ces deux jeux-là. En fait, ce que tu es en train de raconter, c'est pour ça que c'est. Que tu prennes le 3 et le Knuckles, moi, ça me pose un souci, tu sais, en compte. Parce que ce que tu es en train de raconter, moi, je le retrouve dans le 3. En fait, le 3, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu es en train de dire, même s'il y a certains niveaux que je trouve juste excellents dans Sonic 3, le niveau de la neige, etc. Bref, il y a. Moi, il fait quand même partie de mes jeux préférés sur Mega Drive. En plus, c'était un système de sauvegarde et tout. Parce que c'est vrai que le jeu est super long. Enfin, c'est surtout Sonic 3 qui est long. Hein. Le Knuckles, il est beaucoup moins long, hein, le Sonic et Knuckles. Mais effectivement, je prends par exemple même la musique du premier niveau, tu vois, de Sonic 3, qui est un peu chelou. Elle fait pas musique de premier niveau. Exactement. Plus... Elle fait musique de deuxième niveau, tu vois, voire de troisième, mais elle fait pas. Tu rentres dedans, tu vois. C'est. Il y a. Bon. On va dire que sur Sonic 3, je suis d'accord avec toi, même s'il y a des trucs surprenants, tu sais, le premier niveau qui est. Après, il est en feu et tout, enfin, en même temps, donc Knuckles, ah oui, c'est pareil. Les transitions entre les rounds, par contre, ça, c'est une super idée, c'est très bien fait. Ça, je le reconnais. Dans Knuckles, c'est la même chose. Par contre, tout ce que tu dis, je ne le retrouve pas dans Knuckles. Je trouve que Knuckles, justement, il est moins dispersé. Graphiquement, il est moins fouillis. Il n'y a pas une musique de mauvaise, je trouve, dans Sonic Knuckles. Et il y en a, dans cet épisode, qui font partie, pour moi, des musiques les plus cultes de la saga. Tu peux jouer avec les deux persos. Enfin, je sais pas, Sonic & Knuckles, pour moi, c'est Sonic 3. C'est ce qu'aurait dû être Sonic 3. Alors, je l'aime moins que Sonic 1 et 2, je t'avouerai quand même. Mais je sais pas, Sonic 3, pour, Sonic & Knuckles, pour moi, fait partie des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué. Les boss, ils sont cultes. T'as carrément des mises en scène dans les apparitions des boss. T'es obligé de leur courir après, ils te balancent des trucs dans la gueule. La musique, elle est épique de chez Epic. En plus, et pour moi, c'est la meilleure musique de boss de tous les Sonic. Dans Sonic & Knuckles, enfin, t'as des moments d'épicness, comme on dit. Tu sais, c'est le niveau avec les champignons, là. T'arrives devant Knuckles, t'as tout qui prend feu, enfin, t'es obligé de... Tu tapes le boss, enfin, bref, les décors sont en feu en même temps, t'as une musique... C'est dans Sonic & Knuckles que t'as une sorte de bombardier après qui enflamme toute la forêt, tout ça. Il me semble que c'est dans Knuckles, hein. Putain, je vais peut-être dire une connerie, mais... Il me semblait que c'était dans le 3, justement, alors peut-être que je me trompe aussi. Troisième niveau, enfin, même le niveau casino, je les ai tous aimés, quoi, dans... Même si la musique, elle est un peu moisie... Alors, niveau casino, par contre, dans Sonic 3, c'est une catastrophe, hein. Ouais, ça, par et contre, c'est... Et cette fameuse vrai, plateforme cylindrique ou à facettes, là, l'espèce de cylindre... Où t'es obligé d'appuyer vers le bas, mais ça, franchement... c'est une catastrophe. C'est impossible à deviner. D'ailleurs, t'as un meme, là-dessus, sur le net... Où tu vois Sonic et Tails en train de pleurer devant cette plateforme parce qu'ils n'arrivent plus à avancer. En fait, ils sont comme ça, genre, mais pourquoi avec les mains au ciel? Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est, je crois, en termes. Je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, ça prouve et je pense que c'est un signe du pourquoi il y a énormément de bugs dans les jeux Sonic Team, c'est que je pense qu'ils font pas de phase de playtest. Ou ils en font quasiment pas. Je pense qu'ils en font pas. Je pense qu'ils ont dû en faire forcément, parce que ça faisait partie du process. Non, c'est pas possible. Parce que si tu fais une phase de playtest, personne passe quasiment cet endroit-là. Ce truc-là de la plateforme, la première fois, vers le bas. Je suis devenu fou, moi, dans ce passage-là. Enfin, tu passes avec une soluce. Et la musique est insupportable en plus. Enfin, pour moi, c'est dans pas ce possible. Niveau, la musique du casino dans Sonic 3, pour moi, est insupportable. Mais enfin, vraiment. Tout ça pour dire que pour Sonic 3, je suis d'accord, mais pour Sonic 4, je suis pas du tout d'accord. Bah voilà. Écoute, en fait. Je l'ai adoré, ce jeu. Écoute, je redonnerai peut-être sa chance, parce que moi, je suis resté vraiment beaucoup sur Sonic 3. Sonic et Knuckles, au fil des années, je l'ai souvent relancé aussi. Mais je suis resté vraiment scotché au premier niveau, qui pour moi, mais je le répète, c'est mon avis, hein, est pas génial. Moi, j'ai adoré le Knuckles. Je sais que le Knuckles, je l'avais fini aussi à l'époque, et quand je le recommence, je m'arrête au bout de X niveau. Il faudra peut-être que je relance, que je redonne sa chance, pardon. En tout cas. Moi, c'est vrai que pour moi, voilà, ce Sonic 1. Après, moi, j'adore. C'est la formule ultime j'adore de la saga. Sonic 1. Voilà, moi, mon préféré par rapport au game design et au level design, moi, c'est le 2. Mais artistiquement, mon préféré, c'est le 1. Donc, moi, en fait, je suis partagé, quoi. Tu vois, je suis partagé sur la DA du 1 que je trouve exceptionnel et qui n'a pas pris une ride. Le 2, je trouve que ça vieillit. En termes de DA, il y a des niveaux qui ont mal vieilli aussi. Pareil au niveau des musiques, mais en termes de LD, je préfère le 2. Bon, moi, mon Sonic parfait, ça aurait été le mélange des deux, tu vois. Ça aurait été la fusion du 1 et du 2, ça aurait été le Sonic parfait. Le Sonic parfait, et d'ailleurs, on va dire que je fais de la pub à chaque fois, mais bon, c'est pas... Je m'en fous, parce que ma chaîne YouTube, elle est en activité un peu en mode veille en ce moment, mais j'avais fait une vidéo sur Sonic 1, où je donnais 5 bonnes raisons qui donnaient... Pourquoi, à mon sens, qui expliquait pourquoi, et vraiment à mon sens, pourquoi Sonic 1 était le meilleur. Moi, justement, je préfère le level design du 1, parce que je vois ce qu'ils ont voulu faire. Et je trouve qu'il y avait un équilibre entre exploration et rapidité qui est vraiment parfait pour moi. Sonic 2, c'est... Moi, en fait, Sonic 2, il aurait été parfait avec peut-être 2 niveaux en moins. Je trouve qu'il y a des niveaux qui sont un peu moins rigolos, comme celui de... la cave, la Mystic Cave, si je dis pas de bêtises. Ouais, le niveau pétrole. Le niveau pétrole qui pour moi est un peu chiant à jouer à chaque fois, c'est vraiment les... ces deux niveaux, je suis complètement d'accord avec toi, ces deux niveaux ils sont en trop. Voilà, et je pense que c'est plus resserré, mais en fait, je pense que la Sonic Team elle pêche aussi par générosité, et je pense que parfois il faut savoir couper des choses. Et eux, je pense qu'ils sont. Et ça, bon, c'est à apporter à leur crédit, c'est très bien. Mais à vouloir en mettre plus, parfois ça peut porter préjudice. Ouais, il y a un manque de finition sur le reste, c'est dommage. Donc, on va terminer. Le dernier. On va se faire des ennemis, là. Si vous êtes sensible du cœur, alors même si Julien aime à dire sur les réseaux sociaux que c'est un troll, tout ça, machin, c'est une émission qui n'est pas du tout troll. Et ce qu'il dit, c'est un peu par provoque. Et là, je le reprécise encore, parce que c'est vraiment pas du troll. Là, on va parler d'un monument de la Mega Drive. Ouais, mais moi, des fois, je fais aussi un peu preuve de mauvaise foi. Quand il y a un truc que j'aime pas, parce que moi, personnellement, j'aime pas, j'aime bien déglinguer aussi. Quoi. Oui, mais après, j'aime bien déglinguer aussi ce que j'aime. Hein. Attention, hein, Final Fantasy VII, pour voir ce qui se prend dans la gueule, alors que c'est un de mes jeux. Je veux dire, tu forces le C'est un de mes jeux de prédilection, quoi. Donc, moi, quand je parle de troll dans le sens le plus pur du terme, c'est que tu balances pas ça pour faire réagir les gens en face, alors que tu ne le penses pas. C'est-à-dire que ça part quand même à la base sur une opinion que tu as. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ça part sur une c'est opinion sincère. Que j'ai, effectivement. Ça part d'un avis, d'une critique sincère de ta part, voilà. Après, j'aime, c'est sincère, et quand j'aime pas, c'est sincère aussi. Hein. Pour moi, c'est pas du troll, ce que tu fais, c'est que tu grossis le trait, voilà. Pour moi, c'est plus ça. Ouais. Bah, j'ai des mots durs, quoi. C'est, quand j'aime, c'est pareil, j'ai des mots forts, et quand j'aime pas, j'ai des mots forts aussi, quoi. Alors là, on va parler d'un développeur absolument culte, et qu'on adore, nous. Hein. Assez simple, là, ça me fait quand même mal au cœur, mais moi, ça fait partie des développeurs qui m'ont donné envie de faire ce métier, hein, tout simplement. Alors, un exemple, hein, pour moi. On va le dire en premier lieu à la française, comme on le disait dans les années 90, on va dire très azur, on va dire treasure. voilà, treasure, c'est un treasure. Qui sont des dieux vivants pour moi. Ah oui, pour moi aussi. Et pourtant, c'est d'autant plus fort qu'en général, alors je parle vraiment de leur shoot, hein. c'est vrai que on va rappeler un petit peu ce qu'ils ont fait. Moi, le shoot, c'est pas forcément mon genre de prédilection, et pourtant, il suffit que j'entende deux trois sons ou que je regarde une vidéo du premier niveau d'Ikaruga, par exemple, ça me rend fou de Radiant Silvergun. Ouais. Y a Bengayo que j'ai énormément aimé. Mais putain, mais qu'est-ce que je rêve d'un nouveau Bengayo. Enfin, vraiment, c'est. Si, bah, il y en a eu un sur DS, mais il est nul. Oui, il me semblait qu'il n'était pas. Quelle catastrophe, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, genre. Alors, on va parler vite fait du CV, mais. Ils ont fait une sorte de puzzle game à deux balles. Enfin. On va vous parler vite fait. Alors, on va résumer très très rapidement la ludographie de Treasure. On va parler de Guardian Heroes, on peut parler d'Alien Soldier, le Yu Yu Hakusho sur Mega Drive qui était génial. Donc on l'a dit, Radiant Silvergun, enfin bon voilà. De Light Crusader, c'est eux, Light Crusader sur Mega Drive. Non. Si, c'est eux, c'est eux. Je crois que c'est eux. Oui, non, t'as raison, c'est eux. Sin and Punishment sur Nintendo 64 qu'on aime beaucoup. Quelle ambiance ce jeu. Bon, Ikaruga. Ouf, voilà. Il y a sur N64 un jeu avec une poupée là, comment ça s'appelle déjà? Marionnette, non. Sur N64. Ouais, c'est tu pas sais, un mais... chef maker ou si, c'est ça. Voilà. Ouais. Bon, ça par contre, j'ai moins aimé. J'ai du mal prononcer, je pense. T'as dit Alien Storm, c'est Alien quoi Soldier. Sur Mega Drive? Alien Soldier sur Mega Drive. Qui était un des jeux les plus cotés sur Mega Drive à une époque. C'est ouf ce jeu-là. Ah, mais c'est un jeu, tu ne comprends pas comment ça a pu sortir, tellement c'est barré quoi. Mais il est complètement dingue ce jeu. Ils ont récemment, ce qu'on va pas faire toute la ludographie, mais. Ils sont foirés quand même dernièrement. Là. Récemment, il y a eu. Enfin, quand je dis récemment, en 2004, Gradus. Ils ont fait Gradus 5. Gradus 5, qui était exceptionnel. Les musiques de Gradus 5. Il y a eu la suite de Shining Punishment, d'ailleurs, que je t'avais offert à l'époque, si tu te souviens, à l'époque où je recevais encore les jeux quand j'étais journaliste. Il y avait la suite de Shining Punishment sur Wii qui était vraiment pas mal. Enfin, moi, le peu que j'avais essayé. Mais je préfère vraiment le premier quand même. Voilà. Il y a un jeu aussi qui avait été très décrié à l'époque parce qu'il était vraiment très très court, la durée de vie était vraiment très courte. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon, c'était Wario World sur GameCube que moi j'avais adoré. Il était très arcade, hein. Vraiment le sprite de Wario prenait une place à l'écran incroyable. Tu le terminais en une heure, enfin je sais plus, il était très court, mais il était vraiment très très bien. Après, ils ont fait des trucs sur DS et 3DS, ils ont fait une sorte de shoot un peu à deux balles là, en 3D, Kuluga ou Luga ou Baluga, je sais plus. Ça faisait un peu référence à Ikaruga dans le titre, mais je me souviens plus. Mais bon, en gros, c'est sorti et tout le monde l'a oublié au bout d'un quart d'heure. Ah, ça, je me souviens pas de ça. Tu vois, pour preuve. Et ils ont fait aussi un truc, ils ont voulu faire un peu leur Pokémon là, avec des mechas sur 3DS, je me souviens plus du nom. C'est sorti, pareil, ça a disparu dans un voile de fumée au bout de quelques minutes, ça a pas pris au Japon. Ah, sur GBA. Je sais même pas. Non, sur 3DS, je crois. Non, mais c'est parce que j'ai un titre qui m'est revenu en tête. Je sais même pas si c'est sorti en Occident, quoi, tu vois, donc... Celui qui était vachement bien, je me rappelle à l'époque que j'y avais joué, c'était aussi, ils avaient fait un Astro Boy sur GBA. Il est top. Qui était top. Vachement bien. Ouais. Ah ouais. Il est sans sas. Il est chouette. Il est super. Il est super beau. Il est bien nerveux. Bah après, c'est pareil, il est super court. Il me semble que t'as même un petit système d'XP et tout. En fait, c'est des killers, parce qu'on va rappeler rapidement, puis on va quand même passer au jeu. C'est qu'en fait, Treasure, c'est formé en fait d'anciens de Konami. De toute façon, c'est le seul jeu qu'on n'a pas cité, donc les gens vont savoir de quoi on parle. Voilà, oui, je pense qu'ils vont comprendre. C'est des anciens de Konami, quoi. C'est des mecs quand même qui ont touché au Contra, au Rocket Knight. Ça sent. À pas mal de jeux comme ça. L'école du gameplay. L'école du gameplay. Voilà. Donc, bon, vous l'aurez compris, on va parler de Gunstar Heroes. Alors, on sait que c'est un jeu qui est adulé. Moi, quand j'y joue, je sais que c'est un jeu qui est excellent. On peut pas réfuter ça, parce que le jeu est hyper bien calibré. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Gunstar Heroes, parce que dans le milieu des core gamers, on le connaît, mais c'est pas forcément le titre le plus grand public qui soit non plus. Donc c'est un run and gun, comprenez par là. Voilà, c'est vraiment un mix entre Metal Slug et Contra. Voilà, t'as bien résumé, voilà. Alors, pour moi, la déception manette en main est d'autant plus incroyable que le run and gun, c'est un de mes genres préférés. J'adore le run and gun. Turrican, Contra, Metal Slug, il y en a plein qu'on adule et vraiment qu'on adore. Mon préféré, ça restera Turrican 2 sur Amiga Heavy. Voilà, je l'ai replacé encore. Midnight Resistance. Ah ouais, mais vraiment, c'est un genre qu'on adore. Comment il s'appelle l'autre déjà, Jim Power. Moi, j'aime beaucoup Jim Power aussi. Jim Power, oui. Bon, qui doit beaucoup quand même à la BO de Chrisus Beck. Ah, parce que. Bien, ses graphismes aussi. Ouais, Jim Power, il est quand même hyper. C'est vraiment. C'est des lignes droites à chaque fois. Mais ouais. Bon, c'est vrai qu'il est. Voilà, il y a l'habillage artistique qui fait que. On est tout de suite dedans. Et du coup, c'est un genre vraiment qu'on adore. Et. Ce qui est étonnant, et je te laisserai après dire ce que t'en penses, Julien, mais moi, à chaque fois que je joue à Gunstar Heroes, tu sens le jeu, parce qu'il est hyper généreux dans ces situations qui sont complètement folles. Enfin, dès le début, t'as des scènes d'action vraiment très... On voit que c'est des mecs de Konami, mais... Oui, parce que pour le coup, il fait vraiment Konami, je trouve. Oui, mais il a une gueule de jeu Konami. Ouais. Mais moi, pour moi, alors désolé si je vais en choquer certains, mais si on reste dans le giron donc japonais et donc Konami, ce qui a d'autant plus de sens parce que ce sont des anciens de Konami, je trouve que le contrat de la Super Famicom ou le Hard Corps de la Mega Drive, pour moi, c'est en plaisir de jeu et ça défonce pour moi Gunstar Heroes. Mais c'est mon avis. Hein. Voilà. Tu sais pourquoi? Je pense que le problème de Gunstar Heroes, c'est que c'est un jeu qui a fait énormément sensation à l'époque parce que les explosions, ils sont ouf, t'as plein de sprites à l'écran, etc. Il y a une certaine folie dans le jeu, voilà, ça on peut pas le retirer. Mais tu vois, tu parlais de level design dispersé, mais putain, on peut pas faire plus dispersé Gunstar Heroes, quoi. En fait, faut être lucide. Je sais pas si vous avez les niveaux de contrat, de super, donc du contrat sur Super NES ou même du hardcore en tête. Mais quand tu avances, t'as ton personnage. Qu'à les pieds sur le sol. C'est bon, t'as ta manette en main, t'avances. Aucun ennemi n'est placé de manière aléatoire. Aucun. Si cet ennemi sur une corniche porte tirer dessus et que t'as du mal à l'atteindre, c'est fait exprès. Si t'as des ennemis qui t'apparaissent dans le dos à partir de ce moment-là, c'est fait exprès. Si t'as des ennemis qui sont devant toi, qui se baissent, t'es obligé de sauter et qu'en même temps t'as des mecs qui volent, etc., c'est normal, dans le LD. En termes de game design et de level design, c'est vraiment poil de fion. Quoi. C'est dans les contrats, voilà, c'est du Parker, c'est du R-Type, mais avec des chaussures, le contrat. Voilà, c'est du R-Type avec des chaussures. Ça, c'est... Voilà. J'aurais bien vu, tu sais, sur la boîte, comme accroche des magazines. R-Type avec des godasses. Non, mais c'est ça, c'est millimétré, les contrats. C'est pas pour rien que si tu te prends un coup, tu crèves hein, dans ces jeux-là. C'est millimétré. C'est à cet endroit-là, je saute. Mais je peux sauter en tirant vers le bas en même temps, comme ça. Les chiens là dans le contrat sur Super NES, comme ça je peux toujours avancer en les butant et en même temps je peux quand même tirer vers le haut parce qu'il y a les trucs qui volent qui me donnent des bonus qui me permettront de prendre les ce que j'appelle les tomates, tu sais, les boules rouges là. Oui, oui. Voilà, les tomates qui permettent d'effrayer le chemin jusqu'à la première tour, etc. Blablabla. Bref, tout est millimétré. Tu veux dire que dans Gunstar Heroes c'est vachement plus foutraque. Gunstar Heroes, tu bouges pas, t'as des ennemis qui apparaissent, mais en haut à gauche, en haut à droite, en bas. Constamment, t'es noyé sur des sprites, mais qui avancent dans tous les sens, qui s'accrochent, qui sautent, qui font des roulés. C'est très, très, très brouillon. C'est brouillon à mort. Il n'y a pas un endroit, à part l'espèce de plante, là, tu tires dessus, puis bah, ça crache des conneries, là. Il n'y a quasiment aucun endroit, du moins dans le premier niveau, hein, où, quand t'as les pieds sur terre et que t'as pas de scrolling automatique, pas les moments où tu glisses, etc., qui sont plutôt excellents, d'ailleurs, les moments vraiment où t'es à pied. Si en fait, t'es constamment noyé sous une masse de soldats. Quand ils expliquent, pfff, la vache, la fatigue. Quand ils explosent, bah, c'est sur Mega Drive, donc ça fait ça. Donc en fait, moi j'ai l'impression de même pas entendre de musique, j'ai l'impression que ça fait en boucle. J'ai l'impression de faire que ça et tirer partout. Tu sais, tu vises à peine en fait. C'est un run and gun où tu vises pas parce que finalement tu cours et puis t'arrêtes pas de tirer en haut à gauche, puis t'arrêtes pas de sauter en tirant en diagonale, puis t'arrêtes pas de tirer en avant, puis tu tournes toutes les deux secondes même s'il y a rien qui apparaît. Hein. Au cas où il y a un truc qui apparaît. En fait, c'est ça quoi. Mais ce qui est marrant, c'est ce que tu dis. Je fais juste une parenthèse là-dessus. On l'a répété souvent, c'est que la Mega Drive au niveau sonore, elle est capable du meilleur comme du pire. Quand les mecs maîtrisent, ça fait des trucs vraiment super. Quand les mecs maîtrisent pas, ça fait des sons très stridents qui t'arrachent un peu les oreilles. T'as l'impression que ça sature. Et puis la musique, ça fait. Et alors c'est ça qui m'étonne. Dessus. Pour un jeu très Azure, ce qui m'étonne, c'est que super brillant, les musiques, franchement, elles m'ont jamais marqué dans Gunstar Heroes. Ouais, je les trouve très génériques. Et puis les bruitages sont pas, comme tu le disais, à ta manière. Ouais. Les bruitages sont pas très. enfin, sont pas très réussis non plus, quoi, en fait. Non, donc, puis c'est vraiment très, très, très brouillon. Et les persos, alors je suis méchant, mais. Regarde, attends, juste deux secondes. Les persos, ils sont moches. Ah non, mais ils sont horribles. Le premier niveau, c'est une ligne droite avec de l'herbe, et de temps en temps, t'as une plateforme unidirectionnelle, tu sais, la Mario, là, où tu peux sauter dessus, tu sais, à partir d'en bas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu collisionnes pas dessus, en fait. Tu peux mettre tes pieds dessus, mais tu collisionnes pas dessus. Ouais. Et de temps en temps, t'as une plateforme. Voilà. Et puis tu peux aller dessus si tu veux, mais ça sert à ouais, rien. Est-ce que en fait, ça, c'est que ça quoi. Je pense que, alors, je crois que c'est leur premier jeu, si je dis pas de bêtises, en tant que Treasure. Est-ce que le fait que justement ils aient pas été chapeautés, parce que c'est un peu comme certains développeurs qui bossaient avec Nintendo et quand, alors Rare, n'importe, quand ils sont sortis du giron Nintendo, les jeux étaient moins bons. Est-ce que c'est pas la même chose avec Treasure, c'est que le temps qu'ils se fassent la main. Puisque après, effectivement, on va pas les répéter, mais ils ont fait des hits absolument intergalactiques après. Ah, est-ce que le fait qu'il y a certains de leurs jeux qui est dans mon top 10 hein, de tous les temps. Hein, voilà. Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas Konami, en fait, parce que je crois que Gunstar Heroes, c'est leur premier jeu en tant que Treasure, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, j'en sais rien. Gunstar Heroes, c'est 93. Je pense que c'est leur premier. Il y avait McDonald's Treasure, Land Adventure, qui était sorti aussi la même année. Ouais. Qui est très brouillon aussi. Oui. Qui est très brouillon. Oui, oui. Et les niveaux, c'est n'importe quoi. T'as en des fait, je pense partout, que c'était le temps de se faire la main. Et est-ce que c'est. Moi, je sens qu'il y a un truc que tu sens dans Gunstar Heroes, c'est. On a monté nos studios. Alors, on n'a pas peut-être l'assurance qualité Konami derrière, en fait. Et tous les playtests, tous les machins, peut-être que la structure Konami offre à l'époque. Mais on va vous en montrer plein la vue. J'ai l'impression qu'ils veulent faire une démonstration technique. Et c'est vrai que pour la Mega Drive. Ah, c'est à l'écran, c'est complètement fou. C'est des tours de force quasiment à chaque niveau en fait. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression de maîtriser rien du tout dans le jeu. En fait, ce qui est très agréable dans un run and gun, c'est de maîtriser aussi le level design. Tu sais, le run and gun, comme je disais, c'est là je disais R-Type avec des chaussures. Mais un run and gun, c'est plus ou moins qu'un shoot où tu peux sauter et marcher quoi. Enfin, tu vois. Enfin, pour moi, c'est la fusion du jeu de plateforme et du shoot pour moi. Voilà, mais donc. Comme tu tires, donc tu peux vraiment anticiper, tu vois, le mouvement des ennemis, etc. T'es obligé de, enfin, le placement des ennemis fait partie du level design et tu peux pas le mettre aléatoirement comme dans un RPG ou dans un jeu de plateforme ou certains jeux de plateforme où tu dis bon voilà, je vais mettre un ennemi là parce qu'il faut mettre un ennemi puis bon voilà, le joueur va sauter dessus. Dans un shoot, l'ennemi il peut t'attaquer à distance. Enfin. Dans l'habillage, tu peux pas mettre des ennemis au pif dans un run and gun. Ça fait un peu foutraque, ouais. Ça fait un peu foutraque, c'est que. Et du coup, t'as l'impression de maîtriser que dalle, que tu sois fort ou mauvais. En fait, si t'es juste très concentré, que tu tires un peu dans tous les sens, tu tires un peu partout, hormis les phases de boss et certaines phases de scrolling automatique. Je suis désolé. Moi, j'ai pas l'impression de jouer, en fait. Tu vois, je sais que je dois traverser cet endroit, donc je fais un peu nappe parce que de toute façon, les ennemis ils apparaissent n'importe comment. Donc, bah, je tire n'importe comment, quoi, jusqu'à ce que ça s'arrête. Tu vois, jusqu'à ce que ça se calme. C'est ça, moi, ça m'amuse pas. Je sais pas si les mecs, des mecs de Treasure ont. Alors, je vous avoue, hein, j'ai pas eu le temps de chercher. On participait au contrat Hard Corps, mais pour rester sur la même machine. Je trouve que contrat Hard Corps, c'est pas comparable. Pour moi, comparable. Il est même encore plus fou dans sa mise en scène. Ah oui. Que Gunstar Heroes, mais par contre là, il a le LD qui va avec. Non mais j'irai plus loin. Hard Corps, pour moi, c'est le run and gun avec le level design le plus fou. J'ai jamais revécu un level design comme Hard Corps. C'est du grand n'importe dans le bon sens du terme. Mais c'est du grand n'importe quoi, ce jeu. Mais oui, dans le bon sens du terme, comme tu dis, c'est. Mais que oui. Et en plus, dès le début, t'arrives avec ton véhicule. Tu t'écrases des ennemis, tu les défonces. Il s'est pas passé deux secondes après deux trois immeubles écroulés. T'as un putain de robot en haut d'un immeuble. Enfin, si je me souviens bien du cheminement. Ouais, il est dans la ville au fond, il détruit la ville. Voilà, il est dans la ville au fond, genre vraiment très très en plus très japanime quoi, avec son rayon et tout, il crame tout. Après, il saute. Tu le trouves en haut d'un immeuble. Il saute de l'immeuble. Il descend pour t'attaquer. Après, t'as des phases en pseudo mode 7 où attends, tu te fais courser par après... des robots. Enfin, c'est n'importe attends, mais quoi. Juste après ce méca géant. En fait, regarde, t'arrives avec ton véhicule, ok, t'écrases tout. Le véhicule avec lequel tu arrives, il explose. Bon, on va savoir pourquoi. Parce que tu rentres dans une bagnole. Parce que c'est classe. Tout simplement. Voilà. Après, tu défourailles des monstres dans tous les sens. T'as un premier mini-boss, qui est une sorte de merde là, qui glisse au sol. Tu le butes. Il va s'écraser comme une vieille merde sur un bâtiment qui te bloquait en fait le chemin. L'immeuble tombe. Ok ? Tu montes. t'apprêtes à la phase avec le méca géant qui détruit toute la ville, hein, du décor. En fait, carrément, la parallaxe du décor qu'il y avait au fond explose et en feu, tu vois. D'un méca qui fait la taille, je sais pas, fait la taille de la tour Eiffel, le truc, tu vois. Ouais, c'est ensuite, clair. Il saute pour arriver devant la plateforme sur laquelle le joueur se trouve. Donc, toi, en fait, tu fais même pas la taille de sa bouche, tu vois. C'est juste son buste et sa tête. Donc, tu le défonces. Ensuite, t'as le vrai boss, donc une sorte de méca avec des hélices qui coupe des morceaux d'immeubles, je sais pas si tu te souviens, qui sont dans le décor. Ah, si, si, oh, c'est énorme. Et qui tombent. Et quand tu le butes, en fait, t'avais un mec dedans, genre Power Rangers, tu vois. T'as le mec qui se barre et tu peux choisir de le poursuivre ou de faire une autre mission, je crois. Parce qu'en plus, t'as des niveaux différents. Tu sais, c'est genre un peu comme dans Darius. Tu sais, tu finis niveau. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as des cheminements. Voilà. T'as plusieurs persos différents, t'as des cheminements différents. Si tu choisis de le poursuivre, t'as un niveau en mode 7, en fait, où toi, t'es en train de courir et finalement, c'est plutôt lui qui te course. Il est dans un méca, tu sais, avec des boules, là, les trucs qui se faisaient beaucoup à l'époque, tu sais, pour faire des articulations. Et tu mets pour des que ça, boules. Ça paraisse fluide, quoi, en fait. Voilà. Il te poursuit, tu vois, t'as une route genre à la F-Zero. Ça fait penser un peu au décor dans Chrono Trigger. Tu sais, quand t'es sur la moto, là, dans Chrono Trigger, la petite phase de moto. Oui, mais c'est exactement ça. Sauf que là, c'est sur Mega Drive, donc c'est. Voilà. Ils ont dû programmer ça en dur. Voilà. Et là, c'est lui qui te poursuit. Donc toi, t'es devant, lui, il est au fond. Il te balance des trucs dans la gueule, il saute, etc. Enfin, t'as une scène de boss complètement dingue. Et si tu fais pas ça, si tu fais pas cette phase, eh ben, tu passes direct au niveau suivant où c'est une grosse course-poursuite à moto, mais de ouf malade avec des ninjas partout. Enfin. Mais il est complètement dingue, ce jeu. Non, mais il est monumental. Pour moi, c'est le meilleur contrat. Alors, moi, de cœur, c'est vrai que, peut-être parce qu'on l'a découvert avant, c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour l'ambiance de... Sur Super NES. Pour moi, c'est les deux meilleurs, de toute façon. Parce que c'était la démesure aussi, à tous les niveaux. Non, mais même graphiquement, et les musiques, il a une ambiance complètement dingue, celui-là aussi. Hein. Moi, c'est vrai que ça reste mon préféré, mais contre Hard Corps, en fait, tu vois vraiment qu'il est sorti après, en fait, c'est que... ça prend la folie de l'épisode Super NES, ça la pousse encore plus loin, ouais. Avec beaucoup plus de niveaux, avec beaucoup plus de... plus d'idées, plus de persos. Franchement, je suis désolé pour les fans qui nous écoutent, mais je le pense très très sincèrement, mais Contra, pour être toujours resté sur Mega Drive, Contra Hard Corps, mais il défonce Gunstar Heroes, c'est pas comparable. Mais à tous les niveaux, quoi. Mais en termes de technique, de level design, de musique, de patate, de multijoueur. C'est pour ça que ça m'agace un petit peu à chaque fois qu'on porte Gunstar Heroes pas. Au nu, alors que sur la même machine, t'en as un en face qui le défonce. Enfin, je veux dire, on va dire c'est subjectif, mais pour moi, objectivement. Ah non. Mais tout est mieux dans Contra Hard Corps, quoi. Franchement, putain, tu mets les deux jeux dans les mains de n'importe quel professionnel, Bruno, n'importe quel développeur, tout le monde te dira, oui, effectivement, Gunstar Heroes, c'est sympa, mais par contre... Mais même en plaisir jeu, de jeu... Ça fait jeu de petite boîte, tu vois. Enfin, je veux dire, même si techniquement il est excellent, le level design, c'est n'importe quoi. Mm. C'est complètement dispersé, il n'y a aucun calibrage. Tu prends le Contra Hard Corps. Je vais pas utiliser des mots durs encore une fois, mais c'est un jeu nazi japonais. C'est-à-dire que le moindre pixel, le moindre sprite, le moindre ennemi, il est placé au poil de cul. Il y a rien qui est fait au hasard. Le moindre mini boss et le moindre boss est calibré, mais au poil de nez, quoi. C'est non, ça transpire la maîtrise, quoi, vraiment. Ça transpire la maîtrise et ça transpire aussi la névrose des level designers qui ont voulu faire un jeu parfait. Et en termes de level design, par rapport à son contexte, à son moteur et à ce que ce contrat doit être, il est parfait. Il n'y a pas un niveau. On va rappeler qu'il est sorti en... Excusez-moi, je tousse beaucoup. Il faut dire qu'il y a eu l'expérience aussi qui est là. Il est sorti en 94. Voilà, ils ont eu le temps de se roder aussi. Il est sorti en 94. Mais ça, c'est la consécration, ce contrat, quoi. C'est Konami dans sa... Enfin, c'est vrai que la période 16 bits de Konami, elle est absolument fabuleuse. Qu'elle soit sur Super NES ou Mega Drive, et surtout qu'à l'époque, ce qui était absolument génial, c'est que et on va conclure là-dessus avant de passer à la dernière rubrique. Je veux dire, ce contrat, c'est l'expérience qui parle, quoi. Oui, et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'à l'époque, vraiment, tu prends tous les grands jeux Konami sur Super Nintendo, Mega Drive, t'avais vraiment un jeu différent sur les deux machines, quoi. Ils se contentaient pas d'adapter, en fait. C'est pareil, on parlait du Tiny Toons, c'est la même chose. Les deux jeux sont différents et les deux jeux sont très bons. Les contrats sur Super NES et sur Mega Drive sont très bons. Le Castlevania, Bloodlines, il est exceptionnel, le Bloodlines sur Mega Drive. Ah, j'ai envie d'y jouer. Rien que la musique du premier niveau, déjà moi, j'ai des frissons. Puis le gars avec la lance là, c'est le changement de jouabilité là aussi. Mais c'est ouf. Et voilà, pareil. les Rocket Knight, enfin le Sparkster sur Super NES qui était génial aussi. Enfin, vraiment, ils étaient la musique du premier niveau de Sparkster sur Super Nintendo, c'est Goemon 2, c'est sur Super NES, il est ouf. Enfin voilà, quand on voit ce qui est devenu Konami, tout ça pour dire que ça fait pitié. C'est bien, ça nous fait plein de sujets qu'on peut stocker et ressortir pour l'émission, mais vraiment Gunstar Heroes, puis l'interface aussi qui est vraiment, enfin pour moi qui est très moche, enfin bref. Les bonus quand ils sont au sol, tu comprends pas trop à quoi ça sert. Enfin, c'est plein d'erreurs de design dans le jeu. C'est un bon run and gun, mais pour moi, il est trop porté au nu. Voilà, c'est pour moi, c'est un jeu qui est surestimé. C'est un bon jeu, mais c'est tout quoi. Enfin, pour moi, il est surestimé, clairement. Surestimé. Donc, si vous n'avez joué à aucun de ces deux jeux, à savoir Gunstar Heroes ou Contra Hard Corps. Faites-vous votre avis, hein, testez-les. Passez, surfez et bondissez au-dessus de la hype, snobez-la la hype, et jouez à Contra Hard Corps, et vous verrez vraiment... Bah, c'est simple, il y en a un qui a très vieilli et un autre qui n'a pas vieilli. Ça n'a rien à voir, voilà. Moi, je pense qu'il a marqué les gens, on va conclure là-dessus, Gunstar Heroes, c'est que je pense qu'il y a deux choses qui font qu'il est aussi adulé maintenant. C'est que c'est vrai qu'à l'époque, techniquement, c'était quand même fou, même si Contra Hard Corps, c'est encore plus fou, mais il me semble qu'il est sorti un petit peu avant. Il est sorti un an avant, je crois. Je crois qu'il y a presque un an d'écart de mémoire comme après, ça. Après, te rends compte, à l'époque, sur Mega Drive, c'était... Oui, non, voilà, visuellement, c'était complètement fou, donc je pense... C'est impressionnant, ça a marqué les gens là-dessus, je pense que ça... Voilà, c'est indéniable. Ouais. Et puis il y a aussi en fait la légende de Treasure qui s'est écrite avec les années. Et je pense que ça aussi, rétrospectivement, ça a un peu nourri aussi l'aura, je pense, de Gunstar Heroes. Ouais, parce qu'ils ont fait des jeux tellement, mais tellement c'est incroyable. Le premier jeu, ou l'un des premiers, mais je pense que c'est vraiment que c'est le premier, du studio. Donc c'est vrai que ça lui donne un peu une aura. Tu sais, dans ta tête, tu dis, c'est quand même ceux qui ont fait Radiant Silvergun, donc peut-être que... C'est ça. Je pense que c'est... Tu vois ça sous un autre œil quand même, quoi. Voilà. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, vous ferez votre avis. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, en commentaire du blog, à donner votre avis. À aussi nous livrer peut-être vos listes à vous, perso, de jeux que tout le monde adore sauf vous. Donc, ça, n'hésitez pas. Donc, je pense que cette émission a duré très très longtemps. On vous avait promis après l'épisode E3 qu'on allait faire plus court, et on a fait plus long en fait, donc on va arrêter de faire des promesses sur la longueur des podcasts. On est désolé. Mais c'est le fait d'avoir choisi 20 jeux, on aurait dû prendre 10. Oui, on aurait dû prendre plus court. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on critiquait les podcasts qui durent trop longtemps, et en fait, nous, on fait pareil. Voilà. Bon, après, moi, ça me dérange pas trop, tu vois. Par exemple, podcast de Gamerside, s'il dure qu'une heure, ça me fait chier, quoi. Tu vois, vu qu'ils en font pas beaucoup, quand je vois qu'ils font 2h30, je me dis, ah, c'est cool pour les transports, j'ai à manger, tu vois. Bon, donc, en tout cas, celui-là, il est long. Voilà. Mais il est très très long. Et donc, on va terminer avec notre toute dernière rubrique, n'est-ce pas ? La dernière rubrique, en fait, pour ceux qui connaissent déjà l'émission, en fait, on choisit à tour de rôle, Julien et moi, un morceau, une musique de jeu vidéo. Voilà, dont le but à terme est de constituer ce qui nous paraît être la playlist ultime de game music. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est là. De quoi ? Je sais pas qui c'est là pour la musique. Ah bah c'est à toi ? C'est à moi ? D'accord. Donc t'es en train de me dire que tu n'as pas préparé ton petit morceau ? Ah bah si, bah c'est bon, hein, t'inquiète, hein, y a pas de problème. Bon, donc du coup, bah là c'est toi puisque. D'ailleurs, faudrait que je fasse la rétrospective de cette liste sur le blog. Je m'en occuperai sur notre WordPress. La mettre à jour. Ouais, voilà. Donc ça, je vais redonner l'adresse du WordPress d'ailleurs vite fait. C'est donc broadcastblog.wordpress.com. Voilà. T'as tendance à dire broadcast. Brocast. Pourquoi je dis broadcast? Mais je suis fatigué. Bon. Ouais, c'est parce vrai, que podcast. Parce que podcast. Ah oui, voilà. Bah c'est une déformation que on peut comprendre d'un point de vue scientifique. Ouais. Donc broadcastblog.wordpress. Le bon savane de Papy Broadcast. Et on rappelle vite fait. Donc on est dispo sur iTunes, sur YouTube. Alors plus sur SoundCloud. On les a virés parce que c'est de la merde. Parce que c'est des fils de pute. Voilà. On est sur PodCloud et sur EarthVith. Hein, c'est en un seul mot. Voilà. Et aussi sur YouTube. Voilà, ouais. Pour ceux qui aiment écouter sur YouTube, on sait qu'il y en a. Ah bah je savais pas moi. Donc, si je te l'avais dit plusieurs fois. Ouais, mais, bah j'ai zappé. Bon. C'est, voilà. Bravo, bravo. Quel professionnalisme. Alors, du coup. Ah, du coup, je sais. Hein, alors, vas-y. Que... Dis-nous ton morceau pour finir cet épisode gargantuesque. Bon, vu qu'on en a mis plein la gueule quand même à Trasure. non, bah du coup, je vais quand même. Bah, la musique du premier niveau d'Ikaruga. Oh putain. Voilà. La magie. De la magie. Vu que j'avais pas prévu, j'ai complètement oublié. Donc, je vais dire celle-là. Alors, faut savoir que Ikaruga fait partie des jeux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Hein. C'est. Et parmi plusieurs d'autres, bien sûr. Mais je pense que dans ma vie, il fait partie des jeux auxquels j'ai le plus joué. Je me souviens, dans ma version Dreamcast, j'avais dépassé les 140 heures sur un Shoot'em Up. Je pense que c'est quand même beaucoup. Pour vous dire à tel point ce jeu m'a fait quelque chose dans mon cerveau, en fait. Il m'a possédé complètement. Bah, je pense que je l'ai possédé. On peut juste résumer en disant que c'est un jeu brillant. Quoi. Voilà, il est brillant. Quand tu penses qu'en plus, il me semble que c'est le créateur du jeu qui a fait la BO, je crois. J'avais lu un truc comme ça, je sais pas si c'est vrai, mais à vérifier, tu vois. Mais il me semble que le mec qui a fait Ikaruga, donc qui a designé le jeu, qui a mis aussi un peu la main à la patte au niveau du code et tout, il me semble que c'est lui qui a fait la zik, quoi. Tu penses ? Si. J'avais entendu ça, je crois, dans Console Plus ou un truc comme ça, ou je sais plus, un magazine à l'époque. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça dingue. Je suis en train de regarder là. Sans vérifier, donc à voir. Ah mais... oui, c'est le. Alors, Hiroshi Yushi. C'est le directeur du jeu et c'est le compositeur. Ouais. Donc voilà, bon bah ça. Ah bah déjà... tu vois, je ne connaissais pas cette anecdote. Alors, déjà, j'approuve déjà de ça de base. Si un jour il a envie de faire des musiques pour un jeu, on va lui filer mon mail parce que c'est une des meilleures BO que j'ai jamais entendues toute ma vie. En fait, ce jeu, c'est ça me fait penser un peu à Final Fantasy VI sur certains aspects, c'est que en fait il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, t'as l'impression que les développeurs, ils étaient tous sur la même longueur d'onde, ils étaient tous ultra chauds aussi. Une certaine idée de la perfection qu'on peut se faire en tant que joueur, quoi. Voilà, et ultra inspiré. C'est un jeu qui est certes court, mais tu l'allumes, jusqu'à la fin, il est parfait. Il n'y a rien. Ah bah surtout, il y a un côté puzzle qui est quand même vachement bien trouvé. L'idée de gameplay, elle est exceptionnelle, et tu sais, une bonne idée, dans un jeu vidéo, sans un bon level design, ça ne vaut rien. Et là, il y a les deux. Une bonne idée, et un level design, et un boss design, mais exceptionnel. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est que avoir une bonne idée, c'est très bien, mais le plus dur, c'est de la développer correctement. Moi, je peux pas départager Radiant Silvergun et Ikaruga, quoi. Pour moi, les deux, sont intimement liés. C'est les jumeaux de lumière, quoi. Tu vois, c'est deux jeux dans leur style et dans ce qu'ils veulent faire et dans ce qu'ils veulent te faire vivre, n'ont pas de défaut, quoi. Leur seul défaut, c'est la technique de l'époque, j'ai presque envie de dire. Et encore, Ikaruga, il est super beau, tu vois. Bon, Radiant Silvergun, il a pris un coup dans la gueule, quand même, tu vois. Mais Radiant Silvergun, tu le ressors maintenant, c'est pareil, tu... Putain, mais si t'aimes le shoot, tu dis, mais... Ah bah c'est clair. Mais les idées de gameplay, quoi. Avec, tu sais, le fait de pouvoir changer d'arme, les systèmes de scoring, de chain. Enfin, petite anecdote sur Ikaruga. En deux secondes, hein. En deux secondes, lors de mon premier voyage... au Japon, à l'époque où Akihabara, parce qu'apparemment ça a changé, ça fait 10 piges que je suis pas retourné, j'y retourne cette année, mais à l'époque où Akihabara, c'était encore la folie, tu sais, des jeux rétro et tout. Moi, je me souviens, j'avais acheté 2-3 Symphony of the Night pour faire du business et tout. Bravo. À République, je suis allé dans une salle d'arcade de Sega, il me semble, c'est une salle d'arcade sur plusieurs étages, et il y avait un étage spécial shoot, tu vois. Et c'était à l'époque où ESP Galuda était nouveau. Alors ESP Galuda, c'est la série des ESP, c'est une série de cave en fait. C'est une des grosses séries de cave. Je me souviens de ça. Voilà. Et à l'époque, il était nouveau celui-là. Donc j'y vais, je fais putain trop bien et tout. Moi, j'étais encore Dodonpachi, tu vois, à fond. J'y joue, je suis content, etc. Et là, il y a Ikaruga, je le connaissais déjà, tu vois. Et là, je vois un mec, il joue à Ikaruga en mode deux joueurs, mais tout seul, quoi. Il est assis au milieu. Et en fait, dans une main, il a un stick dans chaque main, quoi. Ah, c'est balèze, hein. Et le mec, il termine le jeu comme ça, quoi. Il y avait des gens autour qui regardaient, donc je pense que c'était exceptionnel, tu sais, un peu pour tout le monde. Et moi, je suis devant, je fais... Moi, je pensais que j'étais fort avec Ikaruga, tu vois, en le one-créditant, en mode normal, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand tu butes des ennemis, en fait, quand ils meurent, ils lâchent des boulettes derrière toi. Et à l'époque, je le one-créditais comme ça, tu vois. Et je me sentais puissant, tu vois. Je dis, putain, je suis super fort. Et en fait, mais laisse tomber, le mec, il one credit le jeu en hard. En mode deux joueurs, mais tout seul. Et là, tu t'es au 4, t'es une merde, putain. C'est, ils ont une vision du jeu, enfin, une vision du jeu qui était complètement différente. Enfin, bon, bref. La musique du premier niveau d'Ikaruga, à faire absolument. Il existe aussi sur Steam maintenant. Du coup, il y a le netranking, etc. Enfin, bon, bref. Oui, il était sur. Il y a même des vidéos de Super Play. Il est sorti sur pas mal de plateformes. Voilà, mais la version ultime, ça reste la version Steam, donc voilà. Et c'est un choix que j'approuve aussi, puisque le thème du premier niveau est. En fait, fait partie des titres de game music que j'écoute régulièrement aussi. En fait, toute la BO est exceptionnelle, mais celle du premier niveau, en fait, a vraiment du sens. Ah, bah, elle t'embarque, quoi. Bah, là, pour le coup, c'est une vraie musique de premier niveau. Ouais. Et contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur certains Sonic. Et du coup. Ça t'emporte tout de suite dans un. Enfin, je veux dire, c'est grisant. C'est épique. Même si t'es pas shoot, t'es obligé d'être emporté. C'est la musique, elle est absolument fantastique. Ça te rappelle les vieux dessins animés Macross et tout. Enfin, le côté épique, tu sais, des vaisseaux qui se tirent dessus. Enfin, c'est. Voilà, c'est épique. Et ben, sur ces belles paroles et sur cet épisode d'une longueur extrême, on espère que. Voilà, que cet épisode 2 vous aura plu. On vous dit à très vite. Pour un épisode 3, en espérant que vous ayez le temps d'écouter celui-ci. Bon, bah, à la prochaine, Juju, du coup. Ouais, bah, à la prochaine. À la prochaine, portez-vous bien, jouez bien. Et donc, on s'écoute la musique du premier niveau d'Ikaruga. Et on se retrouve très vite pour un épisode 3 qui, j'en suis sûr, sera lui aussi tonitruant. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, c'est de la merde. Salut. Salut.